L'enregistrement du livre de Berthold est 10 questions pour lui. L'enregistrement présent est dédié à Issia Perrin, qui a rendu possible le livre d'entrevue avec Berthold en faisant de manière bénévole les transcriptions s'y rapportant. Donc, ici David en compagnie de Berthold. Donc, ça va bien, Berthold? Oui. Donc, c'est sûr que d'entrée de jeu, pour ce premier enregistrement, donc en ce début de l'année 2020, donc première apparition publique en cette nouvelle année, nouvelle décennie, je pense que la meilleure chose à faire, c'était de commencer en remerciant tout de suite, là, ici au Perrin, d'avoir fait ces transcriptions d'entrevue, parce que là, quand même, là, passé plusieurs heures pour ça. Oui, ben merci beaucoup, sincèrement. Donc, c'est sûr qu'en lien avec ça, ce que je peux rajouter, c'est que sans son implication personnelle, ce livre n'aurait jamais vu le jour. En fait, elle s'avère la seule personne à ma connaissance qui a répondu à l'invitation que j'avais faite au public il y a quelques mois de faire des transcriptions complètes d'enregistrements de Berthold dans l'optique de réaliser ensuite un livre, les regroupant. À ma grande surprise, elle a répondu à ma proposition bien au-delà de mes attentes. Elle le fait avec générosité, persévérance, professionnalisme et créativité. Donc, c'est elle qui eut notamment l'idée là, de procéder au choix des images et des citations de Berthold qui agrémentent cet écrit. Étant donné qu'elle a consacré de nombreuses heures de travail pour réaliser ce document qu'elle rend gratuitement accessible au public en guise d'appréciation, vous pouvez lui faire parvenir un don via le service sécurisé de paiement, PayPal, en euros, car elle vit en Europe, à la différence de Berthold et moi. Et son adresse courriel, qui lie à son compte de PayPal, est issiaperrin@commercial.gmail.com. Vous allez la retrouver là, d'ailleurs en début du livre e-book, donc le livre numérique, dont vous allez avoir le lien là, en bas de l'enregistrement à présent. Et aussi en bas de l'enregistrement, vous allez avoir son adresse aussi. Donc, c'est sûr que en lien avec ça, ben j'invite les gens qui vont apprécier la lecture du livre à faire parvenir à elle un don PayPal, parce qu'elle a consacré quand même plusieurs heures par rapport à cela. Moi-même, je lui ai fait parvenir un don d'un montant de 30 $ canadiens, étant le montant présentement en 2020. Du coût moyen pour l'achat d'un livre ici au Québec. Donc, il y en a que c'est 24,95, d'autres 32,99. Donc, j'ai arrondi ça à 30 $. Puis, j'invite les gens à en faire autant, donc qui apprécient naturellement là, ces transcriptions-là, qui en bénéficient. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai converti le montant de 30 $ canadiens, parce que moi, je réside au Québec, en euros. Et ça s'est fait là, sur PayPal, là, aisément. Là, on convertit les devises, puis j'ai fait parvenir ça. Donc, c'est ce que je voulais mentionner en début d'enregistrement là, par rapport à sa contribution. Et c'est sûr que dans un autre ordre d'idée par rapport à Issia Perrin, elle présente également un blog où il y a de nombreuses transcriptions d'entrevues qu'elle a faites de Bernard de Montréal, qu'elle rend disponible au public. Donc, son blog étant intelligence réelle, bdm.home.blog, vous allez avoir d'ailleurs les coordonnées de ce dernier en bas dans l'enregistrement à présent. Donc, ça, c'était l'autre annonce que j'avais à faire à son égard, donc à cette par rapport à cette collaboratrice. Sinon, c'est sûr que s'il y a des gens qui apprécient écouter les enregistrements que j'ai mis en ligne de Berthold en solo, donc il y en a quand même plusieurs là, sur ma chaîne YouTube, et également, c'est sûr, les entretiens que j'ai faits avec lui qui sont aussi présents à cet endroit. Et également, je me permets de rajouter aussi la page sur archive.org où j'ai mis au-dessus de 50 entretiens, en fait, enregistrements de Berthold, parce que des entretiens et des enregistrements de lui aussi en solo, numérisés en format MP3. Vous allez avoir d'ailleurs les coordonnées précises de cet emplacement où sont présentes ces données en bas de l'enregistrement à présent. C'est sûr que dans ce cas-là, vous pouvez faire également parvenir une contribution financière par PayPal ou Interac à mon adresse courriel étant David Lévesque Supra au commercial@mail.com. Donc, c'est sûr qu'en bas de l'enregistrement présent, je vais donner plus de détails là, sur les modalités pour me faire parvenir de l'argent. Donc, ça, c'est par rapport à Isia, moi-même, qui a participé à ce projet. Sinon, bien, c'est sûr que Berthold, devant moi, ben, j'y ai offert aussi l'opportunité de recueillir des dons, étant l'objet, bien sûr, principal là, du livre qui a été rendu public. Comme tu me le disais, Berthold, là, c'est que toi, tu n'étais pas intéressé présentement à recueillir des dons, là. Non. OK. Donc, c'est sûr que je tenais de le mentionner d'entrée de jeu pour que chacune des personnes qui ont été impliquées dans le projet de la réalisation du livre numérique à partir des entretiens de Berthold puisse avoir l'opportunité de recueillir des dons en lien avec la contribution, leur participation à ce projet. Et c'est sûr que le document du livre numérique en PDF auquel je fais allusion depuis tantôt, vous allez l'avoir en bas de l'enregistrement présent. Et ce que je dois rajouter, c'est qu'il est présent aussi là, sur mon blog, là, auquel vous pouvez retrouver en format PDF. Et vous avez dedans des très belles images que ICO a saisies là, à partir de captures d'écran de Berthold. Et plus précisément, pour remercier ICO Perrin d'avoir procédé sur plusieurs jours quand même, là, il y a eu un grand investissement de temps de sa part qui a été fait à la transcription de ces entrevues. Eh bien, avec le consentement de Berthold, j'ai décidé aujourd'hui de lui offrir une entrevue qui lui est dédiée. En préparation à cette dernière, elle m'a acheminé par courriel 10 questions de son choix qu'elle aimerait que je pose à Berthold. Puis, cette entrevue va être en quelque sorte une façon d'exprimer un mouvement de gratitude, de générosité de nous deux pour le travail qu'elle a fait. Donc, c'est une forme de cadeau personnalisé que nous allons lui offrir dans les prochains moments. Et c'est sûr qu'en lien avec ça, dans le fond, elle m'a envoyé les questions. Ce que je trouve intéressant de sa part, c'est qu'elle a eu le souci de faire des questions qui sont accessibles pour tout le monde dans un langage qui se veut simple, que n'importe qui pourrait avoir envie de poser à Berthold en lisant l'e-book. Donc, l'idée, c'était d'amener quelque chose qui pourrait rejoindre les gens, qui allaient prendre connaissance du livre là, en relation avec les entretiens que j'ai faits avec Berthold. Et puis, c'est sûr que si l'entretien présent est intéressant dans ce sens-là, ça peut être possible aussi de bonifier le livre présent, soit en faire une deuxième version qui pourrait incorporer l'entretien présent, se rapportant aux 10 questions posées à Berthold. Mais donc ça serait un autre projet complémentaire. Mais là, elle verra si elle veut aller dans ce sens-là ou non, là, bien entendu. Là. Donc j'ai fait le tour, je m'étais pris quelques notes là, pour rien oublier, mais j'ai fait le tour par rapport à ce que je voulais mentionner d'entrée de jeu. Avant de débuter à proprement dit l'entrevue, toi de ton côté, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, je suis très curieux des questions. Ben, je ne sais pas c'est quoi, fait que je suis curieux des réponses des questions. Oui, ben c'est sûr que les gens qui nous écoutent, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que Berthold n'a pas eu accès, à la différence de moi, aux questions qu'Issia Perrin veut lui poser. Puis c'est exprès parce que le but, c'est de l'amener à parler d'une manière spontanée, sans réfléchir, sans intellectualiser les questions. Oui, ça me nuirait si je les savais d'avance. Je me mettrais à penser, puis là, je risque de répondre des choses moins intéressantes. Exactement. Donc, à ce moment-là, je vais débuter à proprement dit avec lui l'entretien. Donc, en remerciant, encore une fois, je l'ai fait souvent ici, mais là, c'est vraiment la dernière. Donc, Isia Perrin, transcriptrice pour ses différentes questions, en plus des transcriptions qu'elle a faites. Donc, je commence avec la première. Donc là, moi, ce que je vais faire dans les prochaines minutes, c'est que je vais les lire. C'est sûr qu'en fonction de ce que Berthold va me répondre, bien, je vais me permettre de sous-questionner au besoin d'approfondir ou même, selon la vibration du moment, aller sur des aspects complémentaires. Donc, première question. Juste pour débuter, très simplement, si je me place dans la peau de quelqu'un qui ne te connaît pas du tout, qui te découvre pour la première fois à travers cet audio et cet e-book, et qu'il te demande « Qui es-tu? Quoi es-tu? D'où viens-tu? Pourquoi parles-tu de tout ça? qu'est-ce que tu as compris à travers tout ça? Et s'il te disait, c'est bien compliqué tout ça, on dirait que c'est destiné à une élite et ça comporte un langage bien particulier, reconnaissable dans ce milieu. Que répondrais-tu à tout ça? En fait, c'est une première question qui en comporte plusieurs, comme on peut le voir. Donc, je vais te laisser parler. Ben, qui es-tu? Ben j'ai pas de... Je sais pas plus qu'un autre. Puis, ce que je suis, puis d'où on vient, je le sais pas plus que d'autres. C'est pas à ce sens-là. Puis, qu'est-ce que j'ai compris? Ben, j'ai compris que j'avais rien à comprendre. Puis, que c'était vraiment ça. Puis, d'arrêter aussi, c'est juste de cesser de penser, de réfléchir. Puis, et finalement, tout devient plus clair comme ça. Ça semble du tout. Je vois rien de... Puis, qui je suis, c'est toujours ce que... C'est toujours dépendamment à qu'est-ce que je fais. Puis, mais c'est des questions que je me pose pas. Puis, pour que si d'autres se les posent, je saurais pas quoi répondre. C'est... Je pense pas que... l'identité qu'on peut donner à quelqu'un par rapport à qui on est, puis à mes yeux, c'est se désinformer tout de suite. Puis je suis quoi, puis je suis qui, puis c'est justement des questions qui sont nuisibles à mes yeux. Parce que c'est des questions auxquelles les réponses doivent être censurées encore. L'humanité, elle sait pas où elle s'en va encore, parce que si elle le sait, elle ira pas. Donc autrement dit, l'ignorance du fait que l'humanité ne sait pas où est-ce que ça en va, fait en sorte que, dans le fond, ça fait en sorte qu'elle suit le mouvement. Ben oui. Si on sait où on va, on est bloqué. On risque d'avoir, on commence à avoir des craintes et puis on se perd à prévoir ce qui va arriver. Puis finalement, c'est là qu'on empêche de ce qui doit arriver d'arriver. Donc, qui je suis, je ne veux pas le savoir. Puis où je mange. C'est des choses que je ne veux plus savoir. J'ai perdu ce genre de curiosité-là. Okay. Je ne le sais pas. Si je ne le sais pas, c'est parce que c'est une bonne chose que je ne le sache pas. C'est ce que je voulais, c'est savoir ce que j'ai à savoir au moment où j'ai à le savoir. Mais pas... c'est des choses, finalement, ce que j'ai compris, c'est que j'essayais de tout comprendre puis que c'était pas bon. Puis, est-ce que ça s'adresse à une élite? Non. Non, ça ne s'adresse pas à une élite parce que plus ça va aller aussi, plus il va y en avoir qui vont parler des mêmes choses, mais avec d'autres mots, puis ça va être de moins en moins restreint, peut-être, même justement. Mais, ça va peut-être... Oui. Moins, puis ça va... Il va avoir n'importe quel vocabulaire. De toute façon, c'est pas lié à... que la façon dont je le vois, c'est déjà... Les gens, même dans les médias, même les gens ordinaires, même de temps en temps, je vois apparaître quelque chose. Là. Disons que c'est pas aussi terrible qu'on pense. Ça va bien. Moi, je trouve que ça va bien. J'ai pas de... Puis où est-ce qu'on s'en va? Ben, moi, ça m'inquiète pas. Je trouve que c'est ça. Ça va mieux s'il n'y a pas d'appréhension. Autrement dit, si on réfléchit pas... sur la direction, par exemple, de l'instruction supramentale? Ben, l'instruction supramentale, au fond, c'est quelque chose d'individuel. C'est juste qu'à un moment donné, ben, il n'y a pas juste l'intellect au sens de l'ego. Puis l'être humain est très, très vaste, puis il y a des parties de lui qui sont très intelligentes, puis qui ne font pas partie de ce que lui pense être lui, ce qu'il pense être son identité. C'est en dehors de ce qu'on appelle l'ego. Puis à un moment donné, ça, ben, ça va finir, ça finit par, ça n'a pas le choix de se manifester. C'est juste ça. C'est même pas, même le terme supramental. À un moment donné, il va être question, il va avoir d'autres termes, il va avoir d'autres mots, il va avoir d'autres choses. Ça va être parlé ailleurs, ça va être parlé autrement. On peut pas empêcher un phénomène. C'est un peu comme de la neige. Elle change de nom selon les pays, mais il neige partout où il neige. Oui, peu importe la forme au niveau du langage que ça prend, c'est le même phénomène qui s'observe. Sinon, en fait, je me demandais, est-ce que il y a quelques minutes, il y a un déshumidificateur qui est parti proche de toi ou quelque chose? Non. OK. C'est beau, parce que j'entendais un bruit de fond. Mais sinon, dans les questions, en fait, il y avait « Pourquoi parles-tu de tout ça? » Donc, parler de conscience. parce que je suis mis en vibration pour le faire. C'est-à-dire que il y avait un mouvement interne qui voulait que ça se fasse, qui fait que ça m'a été naturel de le faire. Un peu comme justement le fait de faire la transcription pour le livre, c'est une mise en vibration, ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a une énergie qui est transférée, puis elle est disponible pour un mouvement. Puis donc, si je me suis mis à parler de tout ça, c'est parce que j'avais l'énergie, puis j'avais ça voulait que je le fasse. Il y a quelque chose qui me l'a fait faire, si on peut dire, mais ça revient à, ça ressemble presque à quelqu'un qui a faim, puis qui mange. Oui, dans le sens que ça se fait naturellement. Oui. Donc, c'est sûr que ça revient au principe de suivre la vibration sans réfléchir. Oui, ben à un moment donné, la vibration devient tellement forte que même si on réfléchit puis qu'on essaie d'empêcher le mouvement, ça va se faire quand même si ça a à se faire. Ça avait à se faire. Puis ce qui est l'important pour moi, c'était que ça serve de catalyseur. Il y a certains processus chez moi que je voulais qu'ils amplifient, que je voulais puis ça a fonctionné. C'est-à-dire que oui, le phénomène, si on le parle, ben ça va l'amplifier. Puis j'ai aussi ce qu'il y avait des choses que j'avais à intégrer, mais je savais pas quoi. Mais ça s'est fait quand même. Puis c'est là un peu ce que j'appellerais ma paye. Donc, c'est sûr qu'avec le recul, après avoir fait ces nombreux entretiens ensemble sur plusieurs mois, est-ce que en fonction de ta conscience présente, eu des choses particulières que tu sais que tu as intégrées à travers cette démarche-là? Il y a des choses que je suis en voie d'intégration, que c'est commencé. Mais de là à dire que j'ai vraiment, il y a certains principes ou certaines choses que j'ai intégrées totalement, ça non. Parce que je me fais encore prendre, encore. J'ai encore des fois des vieilles choses qui se réactualisent. Mais il reste que oui, j'ai intégré des choses au sens où ma façon de fonctionner a changé. Peux-tu me donner un exemple concret de choses que tu as intégrées? Ben, par exemple, si je peux pas régler un problème technique immédiatement, je cesse immédiatement d'y penser maintenant. Si je peux pas rien faire de concret, je vais pas perdre l'énergie à y penser. C'est surtout ça, j'ai surtout cessé de faire des choses. C'est surtout, j'ai cessé de. C'est des automatismes. C'est de ça, au fond, là, quand on parle de la programmation, puis l'âme qui se réactualise, ces choses-là. C'est des choses que j'ai cessé de faire, c'est-à-dire des programmes qui se déclenchaient, qui se réactualisaient, puis il y en a que par l'observation, j'ai réussi à stopper le mouvement avant que ça se déclenche. C'est pas parfait, mais il reste que oui, il y a un début, puis je me sens beaucoup plus en contrôle de ma vie, même si à mes yeux c'est de l'illusion encore, j'ai pas de contrôle vraiment. OK, mais autrement dit, tu as moins l'impression de fonctionner sous le pilote automatique. Non, j'ai plus l'impression de fonctionner sur le pilote automatique, sauf que c'est pas une perte de présence comme avant. OK. Ça fonctionne tout seul, c'est sur le pilote automatique, mais c'est s'il y a quelque chose qui accroche, je vais le voir quand même. Je vais pas être dans un état second. Ça va se faire automatiquement. C'est juste que j'ai plus à m'arrêter pour réfléchir à ce qui se passe. J'ai plus à le. Des fois, je vais voir quelque chose plus rapidement, puis je le stoppe tout de suite. OK, mais je veux dire, tu vas Mais être plus en présence, tu vas être moins en état d'hypnose en fonction d'une programmation, d'un conditionnement. ben, disons, je suis encore en état d'hypnose et de programmation, sauf que c'est beaucoup plus consciemment que cet état-là, c'est moi qui en ai le contrôle. C'est-à-dire que je vais toujours être sous programmation ou sur un. Mais au moins, c'est un peu moi qui ai accès à ça. C'est plus fait d'une façon autorégulée par l'expérimental, qui fait que, comme on se fait mal, puis on se met plus les doigts à la même place, c'est ce genre de programmation-là, c'est moins ça. C'est plus, là, je vais agir comme sur le pilote automatique, mais l'automatisme, il est voulu, puis il est fait consciemment. C'est juste ça. Parce que Si j'ai à penser à tout ce que je fais tout le temps, peut être en présence au niveau intellectuel, ben là, c'est le contraire, là. Ça va. C'est ça, au fond, que je Oui, vivais. mais en fait, je parlais de présence, mais au niveau vibratoire et non pas présence réflexive. Ben, au niveau vibratoire, ben, j'ai plus de sensibilité. La sensibilité s'est exacerbée. OK. Puis, même ça, c'est devenu quelque chose que, finalement, ce côté-là, c'est plus. Ça, je trouve c'est plus difficile à gérer. Mais à part ça, non, tout le reste, tout se simplifie. Moi, c'est comme ça que je le vois, ça devient plus simple, tout devient plus simple. Puis j'ai arrêté de. Ce que je sais pas, puis que je me questionne pas. Non, Donc, vraiment. Puis même, j'ai l'impression d'être devenu moins intelligent intellectuellement. mais peut-être plus C'est. vibratoirement. Oui. Mais je Bon. me sens moins fort intellectuellement. Je me sens moins. C'est comme avant, j'étais un bon joueur d'échecs, puis maintenant, je pense que je pourrais me faire battre là, par des débutants. Parce que j'ai de la difficulté à. Pour que vraiment, là, que j'ai de la. Ici, j'ai pas la. Ça n'a pas une utilité. J'aurais plus la même présence pour des choses comme ça. Je veux plus de présence pour d'autres types de choses, mais pour ce qui est de ça. De calculer d'une façon linéaire, ça, non. Ben, de toute façon, on a les calculatrices aujourd'hui, donc l'intelligence mécanique est remplacée de plus en plus avec les supports informatiques, puis la nouvelle technologie, fait qu'à ce moment-là, ça Oh. laisse plus de place pour le développement de l'intelligence vibratoire. Ben, il y a certains aspects, moi, qui me manquent. OK. Il y a, au niveau là, intellectuel, des fois, je peux être dans une situation où. J'ai l'impression un peu que, bon, je suis pas à mon avantage, puis avant, ben, j'aurais été plus capable de me mettre à mon avantage par l'intellect, si on peut dire. Puis maintenant, ce qui arrive, c'est quand j'observe ça, je me dis, oh, je suis pas à mon avantage, et puis finalement, le processus qui se fait, c'est que je ressens une certaine colère, je peux pas vraiment rien faire, puis je suis obligé d'observer ça, puis je me dis, ah bon, je passe pour un tatin en ce moment, puis je peux rien faire. J'ai plus le réflexe de. J'ai de la difficulté à. J'ai plus cette capacité-là autant qu'avant. Ouais, ça J'étais plus se. habile. OK. J'étais plus habile au niveau là, de discuter avec les gens. Je brillais plus un peu. Maintenant, des fois, j'ai un vide total. Parce que si, admettons, là, que je veux, au niveau d'une vanité ou d'un orgueil, ou que des fois, je me dis, bon, il faut que je me mette de l'avant. Si vraiment je force ça, puis que je le sais que je ne devrais pas, que je n'ai pas la vibration de le faire, ben, ce qui va arriver, c'est que je vais avoir l'air encore plus fou, je vais faire une connerie, puis là, je m'humilie totalement. Non, c'est ça. Ben, ça te ramène je pense, à quelque part, au fait que de vivre une mutation psychique t'amène à connaître un changement qui fait en sorte que tu auras délaissé certains acquis anciens, mais en même temps, tu développes autre chose, tu sais. Oui, puis des fois j'ai l'impression que ça revient, d'autres fois non. Si on dirait que ça dépend de ce que j'ai à vivre, là, si on peut dire en gros, là. Mais je me questionne plus autant qu'avant, mais je suis resté quand même, je suis plus sensible par rapport les ambiances. Aussi, quand il va se produire un événement, des fois je le sais qu'il va se produire un événement, puis je sais pas quoi, mais je le sens. Une fois que ça arrive, là, je sens la charge, ça, c'est comme si la porte s'ouvre puis la charge sort. L'événement s'est produit. C'est Ça, ça, c'est mais je vais fort. t'interrompre ici parce que j'ai d'autres questions. Oui. J'en ai plusieurs autres. On va aller donc à la deuxième. Est-ce qu'il t'arrive de savoir, mais de ne pas pouvoir mettre de mots dessus parce que les mots n'existent pas dans ce mouvement d'énergie? Oui. Puis des fois aussi, je vais. Le monde des mots, puis le monde de ce qui est observé, c'est pas le même mode. Puis si j'essaie de mettre ce qui est observé dans des mots, je le vois plus. Ou ce qui va arriver, si c'est ça, je vais perdre, ben là, je le vis, là. OK. C'est ça, si j'essaie de mettre des mots sur certaines choses, je le vois plus aussi. Je suis en train d'observer certaines choses ou que là, j'ai plus de mots. Puis ça devient, j'ai plus de difficultés à trouver le vocabulaire de certaines choses. Mais de toute façon, j'ai de moins en moins j'ai de moins en moins. Ce que je sais, je le sais. J'ai pas besoin de le parler nécessairement. Ben, c'est parce que ça dépend. T'sais. Si tu veux, par exemple, faire un enregistrement diffusé au public, ça devient utile d'avoir un vocabulaire adéquat pour traduire le réel. Mais si je trouve pas les mots, c'est parce que j'ai pas à le. C'est ça. Au fond, il y en a qui choquent, qui disent, c'est de la censure, puis non, c'est juste parce que des fois, il y a aussi certaines choses qui c'est nouveau, puis j'ai besoin d'un temps pour. J'ai pas encore les termes, j'ai pas encore les mots, mais oui, ça arrive. Les mots sont toujours inadéquats de toute façon, mais il reste que des fois, les mots, ils vibrent de la façon dont eux-mêmes, ils vont construire eux-mêmes, puis ça vient à bout de transmettre la vibration quand même. Ça, quand quelque chose a à être parlé, ça se fait. OK. Troisième question à présent. Est-ce qu'il t'arrive des fois que tu observes qu'on te bloque la parole parce que ta parole pourrait créer trop de choc? Et avec ce que tu sais, est-ce qu'il t'arrive encore de te faire jouer? Ah ben oui, je me fais avoir tout le temps. Ça Ben là, fait nous ne nous drôle de dire. affolons pas, là, tu sais, je veux dire. Non, non, c'est vrai. Je me OK. fais avoir tout le temps. Ben, c'est pas pour les mêmes choses qu'avant. Mais c'était le début de la Moi, question, en c'était. fait, il y a deux questions. Je vais y aller, je vais Ouais. répéter la première. Est-ce qu'il t'arrive des fois que tu observes qu'on te bloque la parole parce que ta Ah parole oui, pourrait c'est. créer des chocs? Ben. Souvent, quand on bloque ma parole, je ne sais pas pourquoi. Mais je sais que ça doit être bloqué, s'il y a une raison. Puis par après, des fois, je vais le voir. Mais sur le coup, je ne le vois pas tout le temps. J'arrive pour dire quelque chose, et puis ce que je voulais, je le perds, je trouve plus. C'est comme un blanc de mémoire, c'est le même phénomène. C'est comme j'allais dire quelque chose, puis c'est comme si on me l'enlevait, puis je peux pas finalement. Souvent, c'est parce que l'information était pour moi. Ouais, c'était pas pour Et partager à d'autres qui ont peut-être c'est pas la ça. sensibilité ou la capacité de contenir l'information, de l'assumer consciemment. Alors, du moment où je veux la transmettre ou la parler, ça disparaît. Dans ce temps-là, c'est parce que l'information était pour moi, c'était pas pour la personne. Même si des fois c'est sûr, c'est à propos de la personne. Mais oui, ça arrive. Mais d'autres fois, c'est aussi. C'est arrivé, il y a des choses, de toute façon, il y a certaines choses que ça n'a pas à être dit, même si c'est dit, je ne comprends pas le phénomène, mais les gens ne percevront pas ce qui est dit. J'ai jamais vraiment compris comment c'est possible, mais jusqu'à un certain point, la parole, elle se bloque même une fois qu'elle est formée. Il y a possibilité d'avoir quelque chose d'écrit ou qui a été dit, c'est enregistré, c'est écrit, puis pourtant, c'est bloqué. Les gens ne le voient pas. Ben, en fait, tout est reçu sur la forme du récipient, là, dans le sens que si la personne n'a Ben. pas une conscience vibratoire, puis ta parole est vibratoire, la personne n'a pas la faculté psychique pour l'intercepter puis l'intégrer. Ben des fois, c'est des choses, c'est pas à ce niveau-là tant que ça, c'est très simple. OK. C'est des choses très claires, très simples. Mais c'est là que je me dis, il y a quelque chose d'un conditionnement par l'éducation, peut-être, je sais pas. Mais c'est bien difficile pour, par exemple. C'est un peu comme on disait il y a longtemps, là, il y a des peuples là, sur des îles, ils n'avaient pas de notion de ce qu'était un bateau, tellement que quand les bateaux arrivaient près du rivage, ils ne les voyaient pas. Parce que leur esprit était incapable de le concevoir. Ça faisait pas partie de leur éducation, donc ils ne le voyaient pas. Parce que supposément qu'en Amérique centrale, quand les Espagnols sont arrivés, les gens sur les rives, ils ne voyaient pas les bateaux. Ils étaient là, mais ils n'arrivaient pas à voir que c'était des machines, qu'il y avait des humains dedans. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient. Puis c'est un phénomène semblable à mes yeux, là. Même ce blocage-là au niveau de la forme, il est dans la forme lui-même. Puis ça, on dirait que c'est lié au mécanisme de conditionnement, puis de mémoire, puis de ben, l'âme. Au fond, c'est lié à l'âme. L'âme n'est pas capable de. Pour que l'âme reconnaisse quelque chose, il faut qu'elle l'ait déjà enregistré. Ben, c'est ça que j'allais dire, c'est parce que l'âme C'est fa ça. fonctionne à partir de la mémoire. Fait que si l'élément que t'amènes ne fait pas partie des mémoires qu'elle a, ça va être problématique pour elle. Tandis que l'esprit, en l'individu, s'il est présent à travers le processus de la fusion, ben, à ce moment-là, il peut absorber des nouvelles choses parce que l'esprit est générateur de créativité. Ben oui, parce que c'est la seule façon que j'ai d'expliquer ça, parce qu'il y a certaines choses que ça va être inaccessible à des gens très instruits, très brillants, mais c'est inaccessible, j'arrive pas à le transmettre. Puis à des gens plus simples qui sont plus jeunes, là, c'est plus facile. Puis je me dis, est-ce que c'est parce que c'est le temps, c'est la mémoire, c'est l'éducation, ça, on dirait que il y a quelque chose de cet ordre-là, ça a l'air mécanique. Oui, ben en fait, c'est que dans le fond, l'accumulation de mémoire de forme crée bon, certains vont parler de périesprit, mais si on le prend dans les termes plus simples, c'est comme ça crée une structure, une toile d'araignée autour de l'individu qui fait qu'il perçoit de moins en moins le réel, puis il est pogné là-dedans, tandis que le jeune qui n'a pas ces voiles-là, ben à ce moment-là, il est plus proche de ce qui est le réel parce qu'il est moins contaminé par ces Ah formes-là. oui. Ben, si on considère le système nerveux comme un filtre, ben plus le système nerveux est vieux, plus il filtre. Puis moins il y a d'affaires qui passent. Exact. Il y a quelque chose de ça aussi à mes yeux, là. Ben, à un moment donné, de selon moi, c'est tout ça, de toute façon, ça va finir par être compris là, empiriquement. Là. Les neurologues vont finir par le voir, ça, ces choses-là. Ils le savent déjà. Mais. C'est ça, un système nerveux, c'est un filtre, puis des fois, ben plus il a fonctionné, puis plus moins il laisse passer. C'est comme avoir un filet, puis on dirait que les mailles deviennent plus petites avec le temps. Mais c'est pas grave, là, c'est pas. Au fond, il y a le phénomène contraire aussi. Ça arrive des fois, là, des gens plus jeunes puis pourtant, une personne plus âgée, elle comprend. Ça dépend, c'est Ça du cas dépend de par cas. l'ouverture d'esprit de la personne. Mais c'est sûr que plus la personne accumule des mémoires, puis elle développe un sens d'identité à partir de ça comme référent, ben moins, dans le fond, on peut s'ouvrir à des choses nouvelles parce que ça crée des oppositions en fonction des mémoires qui sont déjà présentes, qui vont amener des résistances. Mais c'est ça, oui, des fois, là, je sens que la parole est bloquée, oui, mais c'est de toutes sortes de façons. Mais c'est Exact. sûr, il faut que ça bloque à un moment donné. De toute façon, des fois, c'est un peu comme si on arrêtait un colis aux douanes, là, il est mal emballé. Quelque chose comme ça, là, ça passe pas à la poste, il y a une raison. Ouais, c'est sûr. Sinon, le deuxième volet de sa question, c'est avec ce que tu sais, est-ce qu'il t'arrive encore de te faire jouer, manipuler dans ce sens-là? Ah oui, tout le temps. Ça, c'est pas une farce, vraiment. Je me fais ben, je pense pas que je me fasse plus ou moins manipuler que d'autres, mais je le vois de plus en plus. Ben, au fond, j'ai tout le temps, on est tout manipulé, mais les dernières années, ça a été de me rendre compte à quel point j'étais Mais manipulé. on va toucher un paradoxe parce que si tu le vois que tu es manipulé, à quelque part, tu dépasses la manipulation parce que tu es capable de la transcender dans ta perception. C'est pas encore instantané. OK. C'est pas. Souvent, je vais le voir, mais il y a un délai. Il y a un délai, puis plus ça va, plus ça devient. Ça se rapproche de le voir en temps réel. Puis il y a des choses que je le vois maintenant, là, tout de suite. Mais il y a des affaires que je me suis assez fait avoir, là. Maintenant, dès que ça se manifeste, ça s'est intégré, je le vois tout de suite. Mais. Plus ça va, plus je me fais. Vraiment, là, j'ai l'impression des fois d'être une tête de turc, puis d'être de la farce dans ma propre vie. Puis c'est pas différent des autres. Même au contraire. Je me demande si je suis pas plus naïf sur certaines choses que bien du monde. Mais non, comme tout le monde, je me fais avoir en masse. Ceux qui se font plus avoir, c'est parce qu'ils se désinforment eux-mêmes, puis ils pensent qu'ils se font plus avoir. C'est pas vrai, ça, on se fait tout avoir. On se fait tout avoir. Moi, je ne crée pas ça du quelqu'un qui se fait plus avoir pantoute. Ben, c'est ça, c'est une question de définition par rapport à ça, dans le sens que quelqu'un peut se libérer de certaines manipulations plus grossières, mais peut-être qu'il se fait avoir malgré lui par d'autres plus subtiles. Les pires manipulations, c'est celles internes. C'est quand je me manipule moi-même. C'est ça le plus choquant. C'est quand l'ego, il voit pas lui-même parce que lui-même, il déforme. C'est comme. Comment je pourrais dire ça? Donc, ben c'est ça. C'est un peu comme ceux là, qui sont bien intéressés par les histoires de complot et tout. Ben, le vrai complot, c'est le temps qu'ils mettent là-dedans. Je veux dire, quand ça va bien dans ta vie et que tout va bien, puis on sent. Il y a quelque chose qui fonctionne pas à être attiré par. Donc, quelque part, le vrai complot, c'est tout le temps lui. Puis, c'est se faire avoir souvent, là, la pire affaire, c'est par soi-même. Oui, mais dans le sens, J'ai. la personne est fascinée, par exemple, par les conspirations, puis finalement, elle Ouais. néglige sa vie personnelle, elle néglige ses Ben amis, oui. elle néglige son travail. Ben là, à ce moment-là, c'est elle qui se fait avoir par Ben elle-même, dans le là, sens que. Ouais. quelqu'un qui est rendu paranoïaque puis il voit des signes de ci puis de ça partout, le vrai complot, c'est il est pas dehors, là, il est dedans. Il y a un problème, là, c'est plate, là, ça fait pas une vie le fun. C'est du monde de, bon, il voit tout le temps, il voit de quoi nouvelle, puis là, oh, ça c'est telle affaire, ben oui, puis on sait que c'est de même, ça marche. Il est où le complot? Le vrai complot, c'est de capoter avec ça qu'on peut rien faire. Dans le fond, là. Fait que moi, tu sais, je me fais avoir, oui, mais c'est tout le temps lié à ma propre subjectivité. C'est un peu comme je me fais avoir de l'extérieur, oui, c'est sûr, là, mais c'est parce que je ne l'ai pas vu. Le vrai problème, c'est de ne pas l'avoir vu. C'est tout, ça revient tout le temps à ça. Mais oui. Mais en même temps, tu sais, est-ce qu'on peut tout voir? Tu sais, ça, c'est une autre question parce Non, que. mais ce qui nous concerne personnellement, puis on est en train de se faire avoir, puis par après, on va être obligé de gérer les conséquences. C'est pas pareil, là, ça, là, on est supposé, ça nous concerne, on est supposé le voir. Puis c'est un peu ça l'affaire. Puis de toute façon, pour voir de mieux en mieux, c'est en se faisant voir de plus en plus. Quelque part, là, je veux dire, c'est un peu comme, on est un peu comme des aveugles, puis on connaît pas notre propre maison. Fait qu'il faut qu'on se prenne les pieds partout, puis que, bon, à un moment donné, on va avoir intégré la maison à l'intérieur, puis on se prendra plus les pieds dehors. Je veux dire, tu sais, il faut s'être pris les pieds des meubles, savoir ce qu'ils sont, bien avoir déboulé les marches de la cave une couple de fois. Donc, autrement C'est dit, un. quand l'être humain a suffisamment souffert de l'expérientiel, il en vient à quelque part à partir de tout ça, de s'en libérer, là. Ben, c'est bien plate, mais là-dessus, j'ai jamais. Ça marche par. C'est, je veux dire, la souffrance, c'est pas là pour. C'est quoi? La souffrance, c'est de l'information. Puis la souffrance qui sert pas, qui est dangereuse, c'est celle que c'est de l'information qu'on sert pas. Je veux dire, c'est un peu comme, je sais pas, là, quelqu'un qui se fait battre, puis qui reste là-dedans. Bon, ben, sa souffrance, c'est de l'information. L'information a dit, ben, gars, t'es pas bien là. Mais là, si on n'intègre pas l'information pour avoir un mouvement après qui va selon l'intelligence de cette information-là, ça sert à quoi? Fait que des fois, il faut souffrir, puis souffrir. Puis c'est pour ça que quand j'habitais à un moment donné un loyer, j'avais des voisins, je les entendais chicaner. Mais là, le problème, c'est que si j'appelle la police tout de suite, eux autres, ils vont nier. Fait que j'attendais que ça se tapoche un peu. Puis là, j'appelais. Parce que c'est mon devoir de citoyen d'appeler la police. Mais c'est pas mon devoir de citoyen que la souffrance serve pour. Moi, je voulais, tant qu'ils viennent, les policiers qui constatent qu'il y a quelque chose que moi, j'appelais pas pour. Oui, tu appelais Donc, pour je des les raisons laissais. sérieuses, là, tu sais, qu'il y avait de la violence qui était C'est faite, ça. là. Mais j'attendais. J'attendais qu'il y en ait eu de la violence. J'attendais qu'il y en ait de la souffrance, qu'il y ait des marques à constater. Parce que sinon, j'appelle pour rien. Puis ça, c'est à force de l'avoir constaté. Que la personne a travaillé pour elle-même, puis qu'elle allait nier même la réalité, qu'elle, pas, au point qu'elle est subjective, qu'il y a un complot en elle-même, contre elle-même à ce point-là. C'est parce que la personne, bon, elle a pas assez souffert, puis tout. Mais au début, j'appelais trop vite, puis là, ça y arrivait trop vite, eux autres, puis ils pouvaient pas constater rien. Puis c'est moi qui passais pour le voisin fatiguant. Puis par après, je l'ai compris la leçon. Là, j'attendais que ça braille, puis que d'après moi, il y avait des marques. Là, j'appelais. C'est-à-dire que c'est de la. J'ai changé, juste changé ça. Je ne suis pas pour non plus laisser faire. Puis rien faire, du coup, je me mêle de mes affaires. C'est pas de même que ça marche, parce que quelque part, il y a un contrat social, si on peut dire. Il y a, bon, tu sais. Puis même d'un autre côté, moi, c'est en moi-même, il y a quelque chose qui va intervenir, qui va dire là, tu vas faire de quoi. Bien, il reste que c'est un peu comme ça. C'est juste d'avoir de la mesure, mais ça sert tout le temps. Je veux dire. Une des pires affaires, là, c'est de se faire avoir puis de pas s'en servir. Là, c'est se faire avoir totalement. Oui, bien, ça revient au principe de tirer profit de l'intelligence qui peut être générée justement des épreuves ou de l'adversité ou de se faire avoir, là. Ben, c'est ça. Ça m'est arrivé dans un autre mode de pensée. Des fois, je regardais mes expériences passées, puis là, j'avais des regrets. Mais aujourd'hui, j'ai plus de regrets. J'ai plus de regrets parce que c'est tout. C'est toute cette merde-là que j'ai de plus précieux. C'est ça qui m'a formé. Puis qui m'a forcé à développer des choses parallèles, des capacités que je ne pensais même pas avoir. Parce que justement, ça ne passait pas nulle part. J'arrivais devant des fois des situations de vie que j'avais aucune porte, il n'y avait rien. Puis à un moment donné, ben, je finissais par regarder d'autres choses, puis à réussir à faire finalement à passer par autrement, puis continuer pareil. Mais non, je me fais avoir en masse. Je me demande si c'est parce que je le vois, tout simplement. Je le vois que je me fais avoir. OK. En lien avec la question de se faire avoir, si j'amène ça plus loin, est-ce que l'individu qui se conscientise ou l'individu qui vit la fusion avec l'esprit va venir à un point un jour qu'il ne sera plus avoir ou il va se faire avoir autrement? Ça, je peux pas répondre vraiment. Je le sais pas. Porter à dire va se faire avoir autrement. Et ça va continuer pareil à un autre niveau. Ben, c'est Mais j'ai ça, l'impression, oui. tu sais, je veux dire, parce que si on n'est pas dans l'expérimental plein de terre, ça sert plus à rien. Fait que si on parle de quelque chose qui, dans un contexte comme nous, un contexte planétaire expérimental, ben, faut qu'il évolue, lui, là. Faut qu'il se fasse avoir, faut que, autrement, peut-être. Si autrement, il va se faire avoir autrement, je sais pas, moi, c'est comment qu'il va être fait. Ils vont l'avoir autrement. Ben, j'arrive à dire, mais dans le fond, je peux pas répondre, mais moi, je suis, dans le doute, je suis pessimiste, toujours. OK, ben j'apprécie ta franchise. Si je vois que la question numéro 4, est-ce que tu es conscient la nuit? Autrement dit, quand tu dors, tu ne dors pas et tu travailles ailleurs. Ça arrive que je dors, que je suis conscient que je dors. OK. Puis, je suis en train d'observer quelque chose. Mais si je me réveille, si ça cogne à la porte, j'oublie complètement ce que je faisais dans mon sommeil. Des fois même, ça me mettait en colère. Je dormais, j'étais en train de faire quelque chose que je considère comme important. Je ne sais même pas quoi, je ne sais pas pourquoi. Puis, ça sonne à la porte ou le téléphone sonne. Puis j'étais très, très en colère. C'est comme si on m'interrompait pendant un travail important. Mais ça m'arrive des fois aussi de sombrer dans le sommeil. Genre, il n'y a rien, là. J'ai plus conscience de rien. Jusqu'au lendemain, ça arrive. Puis, ben, comme tout le monde. Puis des fois, je suis plus conscient que ça. Des fois, je sais que je dors. Puis, je dors quand même. Je le sais, mais je sais que je dors. Puis j'entends quand même les bruits ambiants. Mais il y a aussi quelqu'un qui veut me parler. Quand je dors, je vais répondre. C'est par oui ou par non, mais je réponds tout le temps. C'est quelqu'un, si je suis endormi, qu'on me pose des questions. Ben, et quand tu parles de quelqu'un, est-ce que tu parles de quelqu'un dans un rêve ou quelqu'un sur le plan Non, non, physique? quelqu'un sur le plan matériel. OK. Parce que si j'avais une conjointe, elle me demandait des fois, est-ce que tu dors? Puis elle me dit, dans ce temps-là, tu fais ça comme ça. Ça, c'est. Puis j'en avais aucun souvenir, mais je réponds. Puis des fois aussi, j'ai des conversations pendant mon sommeil, puis je suis persuadé que c'est avec des gens, en chair et en os, qui eux aussi dorment ou sont dans un état où ils pensent à ça, où ils ont une conversation dans leur esprit, dans leur. Pas dans leur esprit, mais dans leur plan psychologique. Tu sais, il y a une conversation interne, puis je suis pas mal certain que. Ouais, je sens des liens avec des gens. De toute façon. Mais c'est toujours. J'ai l'impression que c'est des gens vivants. C'est pas des. C'est du monde en ce moment avec nous. Là, OK. mais. Donc quand je dors, oui, j'ai des fois. Mais c'est ça, c'est jamais pareil. Des fois, oui, j'ai conscience. Des fois, non. Des fois, je fais des rêves extrêmement anormaux, là, si on peut dire, là. Puis, en tout cas, ça arrive des fois que je vais avoir un sommeil anormal, que je vois de l'information rapidement, là. C'est pas vraiment des rêves. Mais peux-tu me donner un exemple justement de ces rêves-là? Ben, à un moment donné, j'ai fait un rêve. J'étais dans un pays en Asie, puis je savais pas où. Puis les gens étaient habillés d'une façon, c'était très spécifique. Puis l'ambiance était très spécifique. L'architecture, c'était très, très. C'était un rêve très intense. Très, très intense. Puis par après, ben, comme ça arrive, quand je fais un rêve comme ça, j'ai fait une recherche, je voulais savoir, j'ai rêvé à quoi. puis c'est au Sri Lanka. J'ai OK. T'as fait une recherche sur Internet, j'ai puis même traduit. t'as reconnu des décors ou des lieux? Ben, des choses que j'avais jamais vues. OK. Peut-être j'ai vu ça inconsciemment, j'étais enfant, puis il y avait un documentaire, j'ai vu ça du coin de l'œil, je le sais pas. Mais par après, je fais une recherche, puis je cherche dans le champ, à peu près dans quel coin, je me dis, ça doit être pas loin de l'Himalaya, puis dans ce coin-là. Je regardais les traits des gens, puis là, je regardais pour le Népal, j'allais dans ces coins-là, puis à un moment donné, je dis, ah, c'est le Sri Lanka. J'ai rêvé du Sri Lanka. Pourquoi? Je sais pas. Mais il y a quelque chose, c'est comme, à un moment donné, je rêvais beaucoup des rêves liés à Haïti. J'en faisais beaucoup, là, jusqu'à ce que je quitte un certain appartement. Mais en tout cas, dans ce temps, quand je vivais là, je faisais beaucoup de rêves liés à Haïti. OK, mais avant que tu sois dans cet appartement-là, est-ce qu'il y avait une personne d'origine haïtienne qui y habitait ou est-ce qu'il y avait des voisins haïtiens ou Non. étais-tu en contact simultanément avec des gens d'Haïti? Non, Non? dans ces années-là, ce qui est arrivé, à un moment donné, il y a eu le tremblement de terre. Oui, en Là, 2010. j'ai fait mon rêve le plus intense. Le OK. lendemain, j'avais pas la télévision, mais j'écoutais la radio de Radio-Canada. Le lendemain, j'allume la radio, puis là, il y avait eu le tremblement de terre. Puis ça a été la fin de mon cycle de rêve lié à Haïti. Ça a fini de même. Mais j'ai rêvé et tout. En tout cas, j'ai refait un autre rêve lié à Haïti par après, ailleurs, là, mais c'est pas le OK. même contexte. Mais non, il y a des peuples, je sais pas pourquoi, j'ai des liens. Puis je sais pas pourquoi. C'est sûr qu'il y a Puis des c'est gens qui comme. vont parler de vie antérieure qui peut être. Non, à mes yeux, c'est plus vibratoire. C'est plus lié à une sympathie OK. qui est d'âme, si on peut dire. Parce que ça va à trop de places en même temps, là. C'est trop d'affaires différentes en même temps. Puis je vais être mis en vibration pour étudier des affaires que ça m'intéressait pas. Puis tout d'un coup, paf, là, genre là, tout d'un coup, je veux les peuples turkmènes, là, leur système alphabétique. Puis là, après ça, là, je veux comprendre que la gamme, là, les Altaï, puis comment ils font leur musique, comment ils annotent. Puis finalement, ça finit que j'étudie un paquet d'affaires, que finalement, ce que j'ai à trouver là-dedans, c'est jamais ce que je pensais. C'est tout le temps autre chose. Mais pour en venir à passe tantôt, on parlait de manipulation. Puis si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, est-ce qu'à quelque part, tu peux être manipulé pour t'intéresser à Ben certaines oui. choses? Ben Ben, oui. bon, c'est ça que j'allais en venir. Ben oui, mais tout est manipulation. L'esprit, c'est de la manipulation. Qu'on soit manipulé par ça ou par d'autres choses, on est manipulé tout le temps parce que l'ego, c'est passif puis Oui, mais il peut y réactif de avoir nature. un niveau plus élevé de sophistication, de manipulation, dans le sens que c'est une manipulation qui t'amène à évoluer puis monter en Ben vibration. c'est C'est ça. C'est pas pour ça pareil que je me qu'une laisse mani faire. ben c'est ça, c'est parce que c'est pas pareil qu'une manipulation astrale ou Ben qui non. vise à t'amener à t'autodétruire ou à. Mais Ouais. c'est une forme de domination pareille. Ouais, c'est sûr. On le sent aussi. Ben moi, du coup, là, je sens qu'à quel point l'être humain il est vu comme pas. On n'est pas vu comme. C'est extraordinaire en potentiel, mais ça, c'est comme des larves, là. En tout cas, j'ai de l'impression d'être considéré comme une patente en devenir bien plus qu'autre chose, puis qu'on me traite souvent comme un enfant. Que les forces, là, c'est ça. Genre, ils tiennent la liste, là, puis. Non, non, parle-là, puis t'enlignes par-là, puis. C'est sûr que c'est un peu insultant. Il y en a un que je me souviens, là, on en parlait souvent, il disait, je trouve ça tellement insultant. Il dit, c'est comme si on n'est même pas au courant de ce qui nous concerne, au fond. C'est comme si ce qui nous arrive, c'est tellement pas de nos affaires. On est traité comme si on était des enfants cosmiques. On est des enfants encore. Ça ressemble à ça. Il y a quelque Ouais, chose, en mais tout ouais, dans ce sens-là que l'être humain, c'est cas. Ouais. un être en devenir, un peu comme un enfant qui est appelé à devenir Ben, un c'est jour un ça. adulte. Puis élever un enfant, c'est le manipuler, là. Oui, c'est sûr que les adultes vont manipuler l'enfant, mais si, entre guillemets, sont bien intentionnés, C'est ils vont le ça. manipuler pour qu'il s'élève, qu'il, dans le fond, se conscientise avec le temps, puis développe certaines capacités. Puis l'être humain, c'est un être tellement perfectionné, il se manipule lui-même. Il y a une partie de lui qui est pas. Puis c'est elle qui. En tout cas. De la façon dont je vois ça, c'est bien ben vaste, là. C'est bien difficile de dire c'est insultant quand tu le sais que C'est justement parce que ton ego, c'est pas ça le vrai toi. Fait que c'est ça qui est insulté, c'est l'ego qui est insulté. Il y en a une que je connais, elle dirait le personnage. Elle dirait mon personnage se sent insulté. Veux-tu reculer un petit peu de l'écran, Oui. s'il te plaît? C'est pas, je me replace, j'ai mal dans le dos. Non, non, je comprends. C'est sûr, ça fait pas beaucoup de temps qu'on parle après tout. Mais le point, c'est ça, c'est que il y a l'ego, puis il y a aussi l'esprit. Puis cette dualité-là peut créer des tensions, mais c'est une harmonisation entre les deux, puis l'ego devient transparent. À un moment donné, l'ego est appelé à devenir Ben le ouais. vrai moi. Mais quelle dualité? Ben, dans le sens qu'on parlait quelques instants, le fait que l'individu est infantilisé par les forces. Bon, Oui, parce que c'est ce qui est. ben c'est ça, mais c'est le jour où l'ego devient unifié psychiquement aux forces, il n'y aura plus d'infantilisation possible parce que ça va être la même chose. Ben en attendant, c'est nécessaire. Je peux même pas. Il y a bien des choses qui sont arrivées que je peux même pas être choqué de ça. Puis ça serait normal de l'être. Puis pourtant, quand je regarde avec le recul, je vois que c'est parce que mon ego est pas intelligent. C'est lui qui est. Lui, il choquerait de ça. Mon personnage. Mon personnage, lui, il est choqué. Ou il se sent insulté. Ou mon personnage, il sent qu'il est pas respecté par le contexte. Ou. Dans le fond, c'est un peu comme quand tu prends soin des plantes, elles se sentent agressées, puis ça les stimule, puis elles poussent plus. Mais c'est un peu un jeu semblable. Puis, comme je disais, il y en a une, elle dit ça, elle appelle ça mon personnage. Elle dit mon personnage s'est insulté, ou mon personnage a eu un choc, il s'est senti. Fait que dans le fond, déjà là, la partie qui est infantilisée, c'est la partie justement qui dort. Le problème avec l'ego, c'est la conscience, c'est que la conscience, l'intelligence, ça dort pas, mais de la conscience, ça peut dormir. Puis l'ego, ben, c'est une lentille, je veux dire, mais c'est une lentille, elle est pas finie, faut pas lire ça. Puis, si on dirait que c'est pas fini, mais s'il n'y a pas d'ego, il y a pas de conscience. Mais s'il n'y a pas de conscience, il n'y a plus pas personne qui dort ou qui est réveillé. Si, en tout cas, Ouais, fait qu'il y a une nécessité qu'il y ait un ego, même si c'est une conscience qui peut ben être imparfaite. Parce qu'il vaut mieux que ce c'est soit le. imparfaite que ça n'existe pas, tu sais, À dans un mes yeux, il sens. n'y a pas de conscience sans ego. Ouais. Il peut y avoir de l'intelligence, OK. Il y a de la lumière dans l'univers, si on peut dire, de l'intelligence, mettons. Mais pas, je parle pas juste d'un feu constructeur, mais mettons de l'intelligence pour elle-même. C'est de l'intelligence universelle. Mais pour qu'il y ait une conscience, ça prend une lentille. Je veux dire, c'est pour qu'il y ait un rayon, pour qu'il y ait une. Comment tu divises ça de l'intelligence ou faire de la conscience autrement si t'as pas de lentille, si t'as pas de loupe pour faire ton petit point de lumière? Si tu peux pas. Comment tu fais pour qu'il arrive une individualité s'il n'y a pas d'ego, s'il n'y a pas de lentille? C'est ça l'affaire. Puis la lentille, ben, elle est faite pour se manipuler elle-même parce qu'elle se polie elle-même. Elle tourne sur elle-même. Puis en tout cas, moi, je vois toutes des mécaniques là-dedans. Ça a l'air bien correct. Fait que finalement, bon, mon personnage est insulté, il est bien choqué souvent, puis, ben, mais je suis tout le temps obligé d'arriver à l'idée, ben c'est correct que je me fasse avoir, c'est correct que ça n'aille pas bien, en apparence, puis c'est correct qu'on passe pour des fous, puis c'est correct, parce que il y a tout à fait de quoi d'intelligent quand même, là, mais même là, quand ça vient le temps que c'est plus correct, ben là, c'est correct de choquer. C'est pour ça qu'il y a du pas correct qui arrive. En tout cas, je Ouais, vois bien, bien dans un que sens, tout sert, là. c'est ça. Fait que, oui, je me fais avoir en masse. Je veux Point, dire, ouais. ben, le bon Dieu est tellement bon avec moi qu'il me faut 2 fois plus que les autres, je pense. Il m'aime tellement. Je veux dire, ben, tu vois ça des Il fois, il châtie rappelle. ceux-là qu'on aime. Il y avait un adage qui disait ça, on châtie bien ceux qu'on aime. Il y avait un rabbin qui disait, il dit, oh, quand je souffre puis j'ai du mal, là, je pense à Hachem, je dis merci, merci de m'aimer de même. Ben, quelque part, ça a l'air con, c'est complètement stupide, puis il y a quelque chose d'anti-homme là-dedans, mais en même temps, si on le dépolarise, puis on regarde, c'est intelligent aussi. Il y a quelque chose de. Ben, à travers les oppositions qui peuvent occasionner de la souffrance, ça peut rehausser le niveau de conscience de l'ego, sa utilité au niveau évolutif. Mais en même temps, pour l'ego, ben c'est plate à vivre, c'est contrariant, c'est chiant. Ouais. Ben, si j'avais eu une vie bien, bien plus facile, là, je serais bien, bien con. Bon, en tout cas, on se parlerait pas en ce moment. Je me prendrais pour bien n'importe quoi. Puis je me câlisserais du monde. Puis j'aurais jamais développé une vraie empathie. J'aurais jamais. Ben, quand je repense là, à l'enfant que j'étais, tu sais, un enfant, là, puis que je regarde ça, si tout était allé bien, que j'avais pas eu de preuves, que ça. Non, ça aurait. Non. Ça aurait fait un gars que je veux. Qui est pas bien. Ça aurait fait quelqu'un de pas correct. Parce que j'ai. Comment je pourrais dire ça? Puis ça, c'est à tout le monde. On a une base planétaire qui est basée sur le vampirisme. Bon. Ben, tous les enfants sont de même. Puis celui qui il a tout cuit dans la bouche, ben, il est dans la marde, il est fait. Celui que ça va tout le temps bien. Je veux dire, c'est comme quelqu'un que l'école appelle jamais, il est premier de classe, tout va bien. C'est pas bon signe, ça. Il y a quelque chose qui marche pas. Il y a quelque chose qui. Puis, Ben, quelque ça part, dépend, quand c'est parce qu'il vit moins d'opposition. Ouais, c'est parce qu'il se laisse, parce qu'il est rendu qu'il est tellement habitué de se faire grimper sur le dos qu'il aime ça. Il y a des enfants, là, ça devient leur identité. C'est le même que tu fais un premier de classe. Lui, là, il va dire oui tout le temps, tout le reste de sa vie. C'est comme ça qu'il existe. Il existe par le regard des autres. C'est comme. Il y a quelque chose qui se développera pas à cause de ça. Non, je comprends. Il En n'y aura même pas une volonté individualisée qui va se développer en opposition avec les autres parce qu'il n'aura pas su faire des autres. T'sais, si ça va bien avec les autres, puis ils leur disent ce qu'ils veulent entendre, puis dans Ben, une au contraire, complaisance. il est incapable de souffrir des autres, lui. Ça, je l'ai. Tu sais, il est incapable de. Même s'il sait que ce qu'on s'est enseigné, c'est une connerie, puis ce qu'on lui redemande, tu sais quoi, telle affaire, il va répondre la connerie, puis il va même y croire de tout son cœur pour être aimé. Parce que justement, il n'est pas capable de souffrir des autres. Il n'est pas capable de. Parce qu'il existe par les autres, quelqu'un de même existe par les autres. Dans le fond, c'est pas mauvais, mais je veux dire, il va avoir d'autres formes d'épreuves qui vont venir plus tard. Qui vont venir plus tard, puis ça va être une fois qu'il va avoir les pieds bien placés, là, puis que tout le monde pense que ça va bien. Là, ça va peu. Non, c'est Ça a ça. plus le choix. Ben, dans le fond, vivre par procuration à travers le regard des autres, c'est une faille parce que ça empêche l'individu de développer une identité réelle. Puis moindrement que les autres le laissent tomber, tu sais, s'est accusé d'un scandale de pédophilie ou d'agression ou peu importe, ben, c'est là qu'il va capoter parce qu'il n'aura pas développé un centre de gravité permanent. Ben non. C'est là que. On marche beaucoup par renforcement négatif, positif. Puis l'éducation, c'est par ça justement qu'on va faire du monde que ben, le bateau, ils ne le voient pas à l'horizon. Ils ne le verront pas. Il va falloir qu'ils foncent dedans puis qu'ils se naillent. Là, ils le voient. Ils disent, ah, plus calme. Mais c'est correct. Je veux dire, de toute façon, on ne sait jamais qui va caler ou pas. On ne sait pas qui passe ou pas. C'est toujours surprenant. Je suis tout le temps surpris de voir. Il y a bien, comme tout le monde, je côtoie du monde, puis je spécule un peu sur ah, tel, il y a tel potentiel, il s'enligne vers telle affaire. Puis finalement, ben souvent, la personne qui va intégrer le plus vite, c'est celle que je m'attends pas. Puis celui que je pensais qu'il avait bien du potentiel, ben c'est lui qui passe pas. Puis ça marche pas. Puis moi-même, il y a des choses, je me dis telle affaire, ça peut. Puis finalement, non, tout marche. Puis il y a d'autres choses que c'est de l'inattendu. C'est pour ça que il y a bien des Ben c'est sûr, affaires. il y a des surprises dans la vie qui nous amènent à décrocher de l'esprit de calcul, puis d'essayer de prévoir, puis d'anticiper, là. Ben là, c'est comme là. Moi, c'est que je suis bien inquiet pour l'économie quand personne n'est inquiet. Dès que ça, tout le monde est inquiet pour l'économie, je suis plus sûr que ça va bien. Puis, je fonctionne vraiment souvent de même. C'est comme là, ils ont peur pour tout le monde est inquiet, là, le nouveau coronavirus. Ça m'inquiète pas parce qu'ils en parlent trop. Ce qui est inquiétant, c'est ce qu'ils parlent pas. Moi, c'est bien bizarre, mais c'est de même. Je veux dire, le fait qu'on essaye de m'inquiéter avec ça me rassure. Puis, quand on essaye de me rassurer, là, je suis inquiet. Je suis très, très inquiet. C'est Quand que. paradoxal. Ah, ben, c'est parce que j'ai vu comment ça marche. Justement, à force de souffrir, de me faire avoir. Quand quelqu'un essaye de te rassurer, tu as des raisons de t'inquiéter. Oui, parce que souvent, la personne veut faire le contraire. C'est comme récemment, j'écoutais la publicité, puis je voyais une publicité par rapport aux omnipraticiens, les médecins du Québec. Puis là, dans la publicité, la madame dit « Ah, oh, le médecin a pris le temps de m'écouter pendant 1 heure de temps pour analyser ma situation. » Puis là, j'ai parti à rire parce que je suis dans la pratique, c'est un 10-20 minutes Ben, maximum que la personne va prendre avec le voyons patient, là. donc. Ben là, la personne a dit, j'en ai vu une annonce de même, oh, je faisais de l'anxiété, fait que j'étais allé à l'hôpital, puis là, le médecin a pris le temps de m'écouter, puis tout, puis merci, il m'a diagnostiqué un trouble d'anxiété. Ben là, regarde, là, tu t'en vas, là, pourquoi tu es allé à l'hôpital? Bon, en tout cas, tu sais, mais il y a beaucoup de. Ça marche par polarité. Je parlais renforcement négatif, positif. Ça marche par polarité puis par inversion. Puis c'est pour ça que ben, j'essaie de ne pas polariser, mais quand quelqu'un polarise devant moi, là, j'essaie de. Qu'est-ce qu'il y a en arrière? Ben, je sais, là, il y a quelque chose qui veut me. C'est pour ça. Puis ça, je l'ai appris jeune. Quand quelqu'un veut me rassurer, c'est parce que j'ai des raisons d'être inquiet. Puis quand quelqu'un essaie de m'inquiéter, c'est parce que j'ai le gros bout. Puis c'est tout le temps de même. Je veux dire, c'est dans tout. Fait que ça finit que j'ai fini par développer une sorte d'action-réaction des fois qui avait l'air complètement à l'envers de tout dans le fond. Puis c'est pareil, même là, j'ai commencé à m'amuser avec la finance, puis tout, on dirait que si la majorité pense quelque chose, c'est que c'est pas vrai, systématiquement. Puis, mais le problème, c'est que c'est pas parce qu'une des milliers de minorités pense une chose qu'ils ont raison. Fait que ça devient comme. Fait que, au fond, là, l'esprit de calcul, quand bien même, on regarde ça en haut contraste, puis ça peut pas. La meilleure affaire, c'est de se faire avoir. Puis avec le temps, ben, mais là, est-ce qu'on va arrêter de se faire avoir? Je pense non. On se fait avoir autrement. Puis Non, bon, mais tout. c'est ça que j'allais en venir, parce que quelqu'un qui vit une conscience planétaire, astrale, il se fait avoir un certain niveau, puis quelqu'un qui développe une conscience cosmique, mais ben là, il se fait avoir un autre niveau, mais c'est plus vaste, tu sais, c'est à l'échelle du cosmos. Ben, tu sais, c'est un peu comme d'un plouf, à un moment donné, une a dit, on prie-tu pour qu'il y ait la guerre ou pour qu'il n'y ait pas de guerre? Puis l'autre a dit, l'important, c'est de prier. Ben, on dirait que au niveau d'une évolution, l'important, c'est de se faire avoir. Peu importe au niveau où t'es. Ah, ben ça me faisait penser à l'adage qui dit on était stable jusqu'à temps qu'on soit devenu détestable. Pas haïssable, mais de plus être testable. Mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment saturer d'être testé? Parce que, à quelque part, tout bouge tout le temps, tout change tout le temps, les formes sont mutables, un peu comme les virus. Tu sais, là, au moment qu'on se parle, il y a beaucoup de questions dans les médias du coronavirus qui provient de la Chine. Mais un jour qui est neutralisé, il va y avoir un autre virus, un autre qui va apparaître, puis un autre, puis il y a tout le temps de mutations qui s'opèrent. Ben ça, c'est une autre affaire. C'est comme, est-ce que vraiment, on a des raisons de s'inquiéter? Je le sais pas. Mais j'arrive pas à m'inquiéter pour ça. Bon. Ça m'inquiète pas. Il y a quelque chose qui fait que ça m'inquiète pas, ça. Non, d'après moi, il y a rien. Moi non plus, ça m'inquiète pas, le coronavirus. Ouais, non, c'est tout de la. Je pense. Non, je pense qu'il y a plein de menaces, puis c'est toutes des affaires qui nous inquiètent pas. Puis qu'on parle pas. Mais ça, non. Ils en parlent bien trop. Ils sont bien trop inquiets pour que ça soit dangereux. Je vais passer après. Oui? Oui, vas-y. Je vais passer à présent à la cinquième question. Il y a plusieurs questions en réalité. Fait que je te lis tout ça d'un bloc, puis après ça, on peut décortiquer ensemble. T'arrives-t-il de douter même de ce qu'on appelle le réel? Le réel, est-ce réel? Est-ce que tu en arrives à remettre le réel en cause? L'illusion ne peut-elle pas aller jusque-là? Ne rien croire même ce qu'on sait qu'on dit. Exemple, très souvent, on entend des personnes dire ça, je le sais. Est-ce que je le sais est vraiment réel ou ça pourrait encore faire partie de l'immense jeu illusionniste, comme par exemple un gars dans un jeu virtuel, il croit avoir gagné la partie. On lui avait bien fait comprendre que s'il franchissait ce palier, là se trouvait la réalité et en le franchissant, oups, oh surprise, il n'en est rien, c'était pas ça. Ben, c'est un peu ça. Ben, dans le sens que, à chaque fois que, admettons que tu déchires un voile, il y en a un autre. C'est fatigant, mais c'est le même. Il y en a tout le temps un parce que, le réel, on le capte à travers la perception, puis c'est un peu comme on recrée la réalité pour dealer avec. C'est comme pour pouvoir interagir avec le réel, comme étant donné que c'est quelque chose qui se comprend pas, qui se perçoit pas, il faut qu'on le recrée. Il y a une perception qui est là, mais c'est une couche qui est dans le fond, c'est comme si on palpait les choses à travers. On peut pas voir, on peut juste. Puis ça, déjà, même avant là, de lire Bernard, c'est quelque chose en philosophie que j'ai eu des conflits à cause de ça, parce qu'à mes yeux, on peut rien, on peut être sûr de rien. En même temps, je me dis, ça donne rien de douter de tout. Mais je suis vraiment sûr de rien, j'ai aucune certitude sur rien. Mais si, Puis. admettons, tu captes une vibration, ça ne peut pas te donner un point de certitude, dans le sens que tu sens que tu es supporté par quelque chose au niveau énergétique. Ben ça, je peux le sentir. Le fait que je le sens, ça, c'est réel. Bon. Est-ce que ce que je sens est réel? Ça, je le sais pas. Dans le sens Le que c'est. phénomène, ça, Ouais. je peux le OK, constater. OK. Qu'est-ce qu'il y a derrière le phénomène? Ça, je le sais pas. Donc, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que dans un sens, quelqu'un pourrait être mis en vibration. Puis le capter réellement, qui est mis en vibration par l'esprit, mais il peut pas capter derrière ça, dans le sens, l'esprit, il met en vibration pour faire quelque chose, mais est-ce qu'il est en train de le manipuler ou de désinformer dans un sens? Ben, au fond, là, quand on reçoit une vibration pour un mouvement, Ouais. c'est de l'info. Puis l'information, elle s'actualise à mesure que ça bouge, que tu es dans le mouvement. Fait que la désinformation, elle va tout le temps être liée à des mouvements qui ont des vibrations qui s'entrechoquent, puis finalement, ça fait que ça va tout croche, puis ça marche pas, ou bien il va y avoir des blocages, ou elle a la désinformation dans le fond, dans le sens ça s'empêche de. Il y a quelque chose qui bloque, qui empêche de former les choses comme il faut, mais à mes yeux, c'est toute mécanique. C'est lié à de la mécanique. Puis même. Même l'esprit est mécanique. Oui, Mais mais pas dans c'est. le sens. Ouais. Pas dans le. Il est mécanique dans le sens que c'est une force effective. Mais qu'il y a des idées, on peut voir les faits, on peut voir, bon. Mais à mes yeux, l'esprit, c'est sûr qu'il est mécanique, parce que c'est un programme. Je veux dire, l'univers, c'est un programme. Mais en Je veux même dire, temps, pour moi, c'est c'est génère de tout la mécanique. créativité, c'est parce qu'il est au-delà, il est au-delà d'une programmation. Oui, mais ça revient à ça pareil. Je veux dire, c'est mécanique pareil, la façon que ça va agir. Même, peu importe, même si c'est quelque chose qui est en dehors des programmes, ça passe à travers du programme. Parce qu'on est dans un espace linéaire, espace-temps. Il y a quelque chose qui fait que il y a un ralentissement pour que tout ça puisse. En tout cas, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose qui est ralenti, sinon le plan matériel n'est pas possible. Puis cette affaire-là qui ralentit, qu'on appelle le plan matériel, puis. Mais est-ce que l'autre bord, l'affaire qui est. Que lui, en lui-même, il n'y a même pas de notion de. Cette affaire-là, là, ça n'a pas d'importance que ça en dehors des programmes, parce qu'on ne peut pas le percevoir en dehors de ça. De toute façon, ça ne nous concerne pas. C'est indéfinissable, de toute façon. C'est un peu comme le contraire de ce qu'on a appelé la terreur cosmique. L'esprit, c'est comme quelque chose de totalement contraire à ça. C'est comme une sorte de plénitude cosmique qui fait que ça n'a plus d'importance, ça n'a plus de. Non, oui, c'est mécanique. Moi, à mes yeux, c'est mécanique. C'est mécanique dans le sens que. Qu'est-ce qui ne l'est pas? Y a-t-il des affaires qui. Tout est. Je vois pas. J'arrive pas à percevoir rien qui ne l'est pas mécanique. Ouais, dans un sens, tout est mécanique, mais si l'esprit est au-delà du plan physique, biologique, la forme densifiée, il peut avoir un niveau de réalité qui, à quelque part, transcende la mécanicité grossière associée à la matérialité. Oui, mais c'est parce que là, tu tombes dans de la mécanique plus subtile. Je Ouais, transcende le bon. je comprends ce que tu veux dire. En réalité, on Fait s'en sort que. pas totalement. Non, parce que ça. Puis même là, j'essaie de le voir autrement, mais. On dirait que j'ai un mode de perception systémique puis mécanique. J'arrive pas à voir rien en dehors de. J'ai vraiment. Vraiment pour être mécanicien, je sais pas. Mais dans le sens de la question, c'est bon, t'arrives-t-il de douter même de ce qu'on appelle le réel? Donc la réponse, Ben, je c'est doute oui. dans le sens que j'ai pas de certitude. Si OK. c'est du doute à ce niveau-là, je suis sûr de rien, puis j'avance dans le noir. Puis ça apparaît à mesure. C'est comme si le sol, ben, je sais pas. Vraiment, j'ai aucune certitude. Puis même si j'ai parlé en public, c'est parce que je voulais que ce soit un catalyseur de certains phénomènes liés à mon développement à moi, à mes processus à moi. J'ai jamais pensé que j'étais plus allumé qu'un autre, ou plus réveillé qu'un autre, ou que j'en savais plus qu'un autre. J'ai aucune certitude. Mais vraiment, la certitude pour moi, c'est dangereux. Parce que ça empêche de percevoir, ça nuit à la sensibilité, la certitude. Ben, si la personne En en fait même une temps que le doute, vérité, c'est sûr. ben oui, le doute aussi, ça nuit. Parce que ça empêche de voir ce qu'on sait aussi. Il y a des affaires que ça peut être utile, bon, mais ça dépend le niveau auquel on parle, ça dépend de ce qu'on parle. Mais des certitudes, non, j'en ai pas. J'ai aucune confiance en. C'est comme à un moment donné, je disais à un, j'ai dit, j'ai pas confiance. Il dit, ouais, mais ça te le dit, ça. Je dis, oui, mais j'ai pas confiance. J'ai aucune confiance. Ça me prend plus que de la confiance. Ça me prend. Moi, j'aime autant, là, me garrocher dans le vide puis pas savoir. Puis advienne qu'on verra bien. Enfin, je sais pas. Puis en même temps, je suis mort de peur. Ben, mort de Mais non, peur, pas je veux peur. dire. Ah, mon ego, là, j'ai peur. Des fois, là, je suis en vibration, c'est l'ego qui regarde ce que tu vois, là, un instant, là. Lui, il a peur. Puis le risque, ça n'a pas peur, ça. Mais l'ego, lui, il a peur, puis il bloque le risque, puis il ralentit le risque, puis. Et je viens des fois à des points, j'ai plus peur de rien, mais c'est un état d'esprit, ça. Puis les autres états d'esprit, j'ai vu pareil. Hier, ça revient. Il y a certaines affaires, je ne revis plus, mais ça, je le reviens. Je l'ai encore. J'ai encore de la crainte. Des fois, je réfléchis de Mais la c'est peur. sûr que dans à travers le processus de mutation psychique, il peut y avoir une oscillation entre des états d'âme et des états d'esprit dans le parcours. Ben, ça, c'est pas mal. Autant des fois, j'ai l'impression que c'est. Je le sens, là. Il y a quelque chose qui me. Que je suis pas rené, là, je le sais. Puis d'autres fois, là, je sens rien. Il n'y a plus rien, c'est frais, c'est vide. Puis paradoxalement, je pense que j'aime mieux ça. Je pense que j'aime mieux cette frette-là. J'aime mieux cette vide-là. Au moins, j'ai la paix là-dedans. Puis même ce que moi, j'ai plus d'importance. C'est pas un anéantissement là-dedans, mais dans le sens que au moins, j'arrête de penser puis Ben, j'ai tu te la paix. reposes dans le vide. Ben C'est un... oui, c'est ça. Ouais. Parce que là, sinon. C'est parce que sans ça, il y a des mises en vibration qui peuvent être faites pour t'activer dans une activité, que ce soit faire de la peinture ou moi-même faire des enregistrements ou des trucs comme ça, que à quelque part ça dynamise, mais en même temps, tu sens qu'il y a une dépense d'énergie à travers ça. Ben, ça dépend, c'est quoi? C'est comme j'ai peint longtemps, Oui. puis j'étais mis en vibration pour peindre, puis après avoir vu ce milieu-là, puis comment que c'est, bon, je vois que ça me convient pas, puis à cette heure, quand j'ai la vibration de peindre, je la coupe. OK. Je la déprogramme, si on peut dire. Je la viens à bout à cette heure de bloquer certaines affaires. C'est un peu comme. Comment je pourrais. J'allais dire, c'est un peu comme un pyromane qui sait que s'il met le feu à ce moment-là, il va se faire poigner, fait qu'il se retient. Mais ça ressemble à ça. Parce que je me retiens d'un paquet d'affaires, que j'arrête la vibration parce que je le sais que c'est pas bon. Que je perds mon temps. À mes yeux, c'est. Même si j'ai été bien gros intéressé par les arts visuels puis tout, à cette heure, je vois ça comme des niaiseries. Ça n'a plus la même. J'arrive plus à. Ça ne veut pas dire que je considère comme niaiseux ceux qui le monde qui sont là-dedans. C'est pas ça l'affaire. Mais moi, j'ai d'autres mises en vibration plus fortes qui sont d'un autre ordre puis qui font que moi-même, j'arrête ces affaires-là. Je dis non, je peux pas. Je peux pas. J'ai pas de temps à mettre là-dedans. Oui, ben, Là, je. c'est-à-dire que tu as développé un discernement, une sélectivité en fonction des priorités de ce que tu as actualisé. Ben, c'est que. Le monde des arts, puis tout, c'est bien gros lié à l'inspiration. Puis l'inspiration, c'est une forme d'astralisation. Puis, tu sais, je parle pas, je parle au niveau là, commun, là, que ce qu'on voit dans les arts habituellement. Puis, moi, je l'ai pas, ça. C'est d'autres choses. Puis quand j'ai vu que, bon, c'est un domaine où ce que je serais jamais reconnu, j'ai compris que j'étais en train de me mettre dans j'allais me mettre en initiation là-dedans. Puis j'ai arrêté le mot, j'ai arrêté, j'ai changé de programmation, ça a changé de place. Puis à cette heure, ben, ça m'intéresse, je l'ai même plus, là, la vibra. C'est bien rare, genre, envie de peindre ou, je l'ai plus. J'ai même plus envie de jouer de musique. J'ai envie d'en écouter à part des affaires extraordinairement répétitives, avec une ritournelle qui se répète tout le temps, avec un contrepoint en arrière qui est tout le temps marqué, puis il faut que ça soit mécanique, puis qu'il ne ressente pas d'émotion. Faut qu'il y ait une intelligence dans la structure, mais faut que l'âme vibre pas. J'avais plus que l'âme vibre. Puis cette espèce de en tout cas, c'est sûr, des fois, je vais moi-même me bloquer parce que je me suis assez fait avoir, tu sais, je veux dire, je viens écœuré je suis plus capable, ça me tente pas. Ça me tente plus de ressentir des émotions en écoutant une chanson ou en écoutant un air. Je vois pas pourquoi. Ce que je veux ressentir, c'est plus que des émotions, c'est autre chose. Parce que peut-être si j'avais pas goûté à ça, que je serais resté. Ouais, mais c'est ça, si t'aurais pas J'ai goûté goûté à de autre chose. l'esprit, tu serais probablement resté attaché à vibrer émotivement, faute de vibrer à quelque chose de plus haut en énergie. Ouais, puis là, on vient que tout est intéressant en même temps qu'il n'y a plus rien d'intéressant. Tu sais, je veux dire, Encore j'ai de un autre l'intérêt pour. paradoxe. Ouais, mais tu sais, j'ai pas envie de me mettre à fond dans rien en même temps que j'ai de l'intérêt pour tout. Puis ça finit que, bon, ben, je vais vers où que la vibration est la plus forte. Puis souvent, c'est des affaires que, à première vue, ça n'a pas d'allure. Comme, tu sais, puis finalement, plus ça n'a pas d'allure, plus je me vois, ça doit avoir de l'allure. Fait que là, ça finit que je me mets à étudier quelque chose, ou je me mets à faire des recherches dans quelque chose. Finalement, comme c'est arrivé quand je m'étais mis à faire juste de la géométrie, je découvre de quoi d'inédit. Puis c'est ça qui est intéressant. J'ai pas envie, moi, d'étudier, de devenir un chercheur, car je veux trouver des affaires. Je veux trouver tu sais, du vrai nouveau, tant qu'à être stimulé, puis je veux pas que ce soit autrement que de. Dans le fond, je ne sais pas à quoi m'attendre. J'ai pas de certitude puis tout. Parce que, dans le fond, peut-être que je suis fait pour. Tu sais, je suis jackass un peu, peut-être. Ça fait peut-être parce que c'est le meilleur contexte là, pour un ego comme moi de le mettre en mouvement de la façon qu'il faut qu'il soit. Puis je me questionne pas là-dessus. C'est bien correct. OK, ben je vais passer à la sixième question. Dans la continuité de la question précédente, est-ce que le test ultime et par là même le piège ultime, ce serait de savoir qu'on sait, en opposition à on pense qu'on pense, et que finalement on ne sait rien? Qu'est-ce que tu dirais à ça? Je sais pas tout. Aucune idée. Non, ben, je sais que je sais des choses. Mais j'ai pas confiance. Ça a l'air con un peu. J'ai pas con. Il y a bien des affaires. Puis c'est justement. Ouais, c'est difficile à. Pour moi, le test ultime, il change d'un individu à l'autre. Ça change d'un à l'autre. Puis ça, ben, moi, j'ai pas de certitude que je sais. Il y a des choses que je sais, mais j'ai quand même, là, ça change rien. Puis il y a des affaires, probablement, que je pense savoir, puis que c'est pas réel. C'est sûr. Même plus le temps passe, puis plus ça va, puis moins je me sens plus solide au sens où je sens que j'ai un centre de gravité au niveau de ma perception, au niveau de comment je m'organise, de comment je réagis, de comment j'agis, de comment ça passe. Mais j'ai plus de certitude vraiment. J'ai plus de l'affaire, est-ce que ce que je sais, que je sais. À cette heure, c'est de mettre en pratique ce que je pense savoir pour voir si c'est vrai. Je vois pas Ben là, à d'autre ce moment-là, ta chose. conscience reste au niveau expérimental, c'est-à-dire mettre en Ah pratique pour ben oui. vérifier quelque chose. Ben, je Mais, vais vérifier par oui. l'expérimental ce que j'ai reçu autrement. Parce que j'ai pas confiance. Exactement, mais le passage de la conscience expérimental associé à la conscience planétaire, à une conscience supramentale, à un niveau cosmique, n'est-il pas le passage d'une conscience où on n'a plus besoin d'expérimenter des choses pour... Ben là, c'est Ouais. parce que là, qu'est-ce qu'on fait sur la Terre d'abord? Dans le sens que si, si ce qui est supramental peut pas être vérifié empiriquement, il faut le rejeter. Tant qu'à moi. Moi, je rejette tout ce que je peux pas vérifier empiriquement. Puis peut-être parce que j'ai pas atteint ce niveau-là de sortir de l'expérimental. Mais moi, c'est pas prouvable empiriquement. Si je peux pas le voir empiriquement, là. Là-dessus, je suis vraiment là, je suis pas que les sceptiques du Québec, dans le fond. Je crois à rien. Mais vraiment à rien, rien, rien, rien. C'est ça, mais je veux dire comme Mais par... c'est là devant Ouais. moi, puis Chris, ça n'a pas d'allure, je suis en train de me faire pogner. Je suis sûr que ce que je vois, c'est une illusion. Puis ça m'est arrivé, ça, de vivre une expérience que la seule explication acceptable faisait tellement pas mon affaire que je cherchais d'autres. Je continuais à tourner, à chercher une façon. Oh, c'est peut-être telle affaire, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. Puis au fond, ça avait pas d'allure ce que j'essayais. Les explications rationnelles qui me venaient n'avaient pas de sens avec ce qui était je voyais. Mais c'est là Avec que ce que j'allais je en comprends. venir, c'est parce que si tu rejoins une conscience plus critique ou sceptique, à un moment donné, ça devient limitatif parce que... Je vais tout le temps être un critique puis un sceptique. Ouais, mais je veux dire, Puis, à un moment donné, ça dis-moi. comporte pas la... Ça englobe pas la multi... Ça peut pas appréhender la multidimensionnalité du réel à partir d'une perspective Moi, intellectuelle, pour que ça reste au non, niveau de la forme. ça reste pareil, quelque chose qui va être expérimenté pareil, mais au niveau de mon intellect, je peux pas me permettre de. Je peux pas. C'est trop dangereux. Je peux pas me permettre ça. Non, j'ai aucune certitude. J'en ai aucune. La seule certitude que j'ai, c'est que je suis sûr que je me fourvoie sur bien des affaires, puis je ne sais pas lesquelles. C'est comme c'est sûr qu'il y a des affaires, je sais que j'ai probablement mis le doigt dessus, mais je ne sais pas lesquelles. Puis, je peux pas regarder ça objectivement parce que ça prend vraiment un regard extérieur. Mais même là, j'ai pas trouvé encore j'ai cherché à mener un regard qui serait. J'ai pas trouvé quelqu'un que j'ai une confiance là, à ce niveau-là, là, qui ça va être objectif, le regard extérieur. Puis, non, non, moi, je suis pas dans la certitude, je suis pas dans le doute non plus, c'est pire que ça. Je suis même pas persuadé que je suis même pas persuadé que le monde dans lequel on vit est réel. Dans le sens que ah non, moi Ben, est-ce que tu rejoindrais à ce moment-là? Ben, j'avais déjà vu en lien avec la physique quantique un article où il était question qu'il y avait des scientifiques qui émettaient l'hypothèse que notre réalité serait en réalité une forme d'hologramme, une forme d'hallucination informationnelle. ben l'affaire c'est que ça, j'en ai déjà parlé avec une dame, puis elle dit, ben là, parce que moi, j'ai dit la matière, c'est pas ce qu'on pense, puis elle m'avait sorti, elle dit, on est des hologrammes. J'ai dit, ben là, je viens de dire que la matière, c'est pas ce qu'on pense, des hologrammes, c'est des photons, c'est de la matière, qu'est-ce que tu dis là, tu sais? J'étais en maudit, parce que ce que j'essayais de dire, la personne, elle comprenait même pas. C'est pour ça que j'ai perdu le. Mais il reste que. OK. Mettons là que pour que notre réalité existe, il n'y a pas le choix d'en exister d'autres, sinon elle est impossible. Ben juste ça fait que c'est pas ici que ça se passe nécessairement, mais c'est ici en même temps. Puis que ce qui est perçu, c'est une reconceptualisation. Au sens, elle a l'hallucination, c'est-à-dire que l'être humain va reconstruire la mécanique vibratoire dans une perception qui, elle, est liée à ce que nous autres, on appelle l'âme. Puis que c'est la réalité psychique, puis la réalité matérielle, c'est la même. Parce qu'il y en a une qui ne peut pas exister en dehors de l'autre. Puis le fait est que, en tout cas, c'est bien difficile à. Mais il y a quelque chose qui fait que notre monde, tel qu'il est défini, tel qu'on le perçoit, est impossible. Il manque quelque chose, il manque des éléments. C'est là qu'il y a le multidimensionnel qui fait que je sais qu'il y a des plans. Mais il reste que c'est en même temps que c'est le monde matériel perceptible, c'est là-dedans que c'est ça que je trouve le plus important. C'est à ça que je me raccroche le plus. Mais je sais que c'est une menterie. Oui, mais c'est cela que j'allais en venir. C'est parce que le plan physique, dans le fond, si on compare ça à une matrice ou une hallucination informationnelle, ben il y a beaucoup de désinformation qui peut se rattacher à ça, là. Ben pour moi, le plan là, qu'on a, oui, c'est une matrice, mais impartielle. C'est la perception humaine qui est un artifice. La perception du réel qui est artifice. Mais la base n'est pas artificielle. Ça, c'est parce que nous autres, on est artificiels quelque part dans notre perception. Et là, la matrice artificielle est dans la perception du monde. Parce que pour moi, le plan matériel, c'est l'affaire que. Et c'est de la façon qui est perçue, je pense, qu'elle a l'illusion. Puis, Ouais, autrement dit, l'illusion est dans l'œil de celui qui voit de par sa subjectivité. c'est la perception humaine qui est artificielle. Donc, La autrement dit, matrice peut pas ouais. l'être. Impossible. OK. Autrement dit, pour toi, la Impossible. réalité existe objectivement, C'est nous autres qui est pas réel. mais c'est ça que j'allais C'est en venir, ouais. ça, c'est le ce qu'on appelle le moi puis la perception sous ces deux. Ça, c'est de l'artifice. Et là, la matrice artificielle, c'est l'être humain qui n'est pas réel encore, mais ce qui est l'affaire qui est dans laquelle il est en gestation, ça, c'est ce qui est l'ultime réalité pareil. Mais Ouais. l'affaire, là, que bon, il y a eu des courants, bon, la matrice artificielle, puis ci, puis ça, à mes yeux, c'est encore une inversion. Parce que, bon, c'est quoi un ego? C'est une lentille. Puis, dire, pour faire une belle image, là, ben, une lentille, ça revire à l'envers. La perception revient tout à l'envers. Parce qu'on est. Il y a la polarité, entre autres. Ben, c'est lié tout à la perception. Là. On vit dans un monde de gauche-droite ou pas. Ouais, ben c'est comme l'effet miroir. Quelqu'un qui se regarde dans le miroir, il pense que son œil gauche est son œil droit ou vice-versa. Le pire, c'est que l'ultime réalité, c'est que c'est la même affaire. Tant qu'à moi, là. Je veux dire, c'est la notion gauche-droite qui n'a pas d'allure. C'est l'être humain qui spatialise sa réalité. Parce que le spatio-temporalité qui existe pour nous, c'est celle qui est perçue, pas celle qui est réelle. Puis l'espace psychique de perception de l'être humain, c'est un espace dans un autre espace. Puis il y a différents paliers, comme. Puis ça vient créer. En tout cas, le pire, c'est que toutes les. C'est là que ça devient mêlant. Puis quelque part, je me dis, on s'en calisse. Moi, en tout cas, je m'en calisse. Je viens que je me dis, c'est-tu réel? C'est-tu pas réel? On s'en fout. Tu sais, je m'en fous. Tu sais, que ça soit réel, que ça soit pas réel, le fait que je m'en fous, ça, c'est réel. Ça, c'est très réel. Je crée ma réalité. Ouais, dans un sens, c'est sûr que de discuter de ça, à un moment donné, on peut saturer la discussion parce que, ouais, Ben, c'est c'est pas ça. important, dans le fond, on n'est pas rendu à ça. C'est pas que la question est très bien, même. Parce que justement, ça me permet de dire ça. Pour moi, c'est pas important que ça, ce qui est réel, ce qui n'est pas réel. Parce que dès que je donne de l'importance, si je me mets à considérer ça comme important, là, je me désinforme. Là, je suis fait, j'aime autant rien savoir de quelque chose que de me désinformer avec. Puis au fond, c'est pas de mes affaires. C'est pas de nos affaires. Pas au sens de l'ego, en tout cas. Ça me regarde pas. Si ça me regardait, je veux dire, j'aurais la je pourrais voir de quoi. Ce qui nous regarde, on le voit parce qu'on voit ce qui nous regarde. Mais ça ne doit pas me regarder. Pas encore. On verra. Je sais OK. pas. OK, ben c'est bien correct. Je vais passer à la prochaine question, numéro 7. Dans une de tes conférences, tu disais que pendant des années, tu as été très mal parce que le monde est horrible avec tout ce qui se passe et au final, tu as arrêté de regarder les infos, la télé, etc. Est-ce qu'il t'arrive des fois de reprendre conscience, entre guillemets, de ce qui se passe dans le monde, de cette souffrance abominable et quelle logique tu trouves là-dedans? Ne t'arrive-t-il pas de dire que justement ce genre de phrase justifie le fait que c'est tellement insupportable qu'on le compense de cette façon-là sans chercher plus loin, même si de toute façon ça ne change rien, entendons-nous bien, et qu'il n'est pas question évidemment de baigner dans des énergies catastrophiques de peur et de crainte qui ne pourraient qu'alimenter encore plus ce réservoir? Ben, ce qui me. Si on peut dire, là, ce qui faisait que, bon, je trouvais ça terrible, puis horrible avant, Aujourd'hui, je suis plus sensible que je l'étais dans ce temps-là, puis ça me fait plus grand-chose. Puis comment ça, je le sais pas. J'arrive pas à... Je pourrais pas le... Je suis plus sensible qu'avant. Oui. Puis ça me fait rien. Mais peut-être que d'être en sensibilité, il y a des nouvelles choses qui vont t'amener à connaître de la souffrance qui n'était pas là autrefois. On verra, mais l'affaire, c'est que ce qui m'affectait énormément avant m'affecte plus. Puis je suis plus sensible que je l'étais. Puis pourquoi? C'est parce que c'est plus la même perception. C'est ma perception qui était horrible. C'est aussi la gestion de la charge émotive liée à ça. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a un processus d'identification au monde. Quand quelqu'un est en développement, que son identité psychologique est en train de s'écrire, il va avoir un processus soit d'identification, soit de rejet au monde. Puis, en psychologie, il appelle ça, je pense que c'est la persona imago, je ne sais plus trop. C'est-à-dire que la personne, elle va se construire en se situant par rapport au monde, en se situant le monde par rapport à elle, dans peu importe. Là. Si on parle de la façon que le psychologique se crée, puis qu'il ne voit pas lui-même, ça. Puis ben moi, ben j'étais en conflit avec le monde. Dans le sens que j'arrivais pas à m'identifier au monde, ben j'étais trop sensible, pis ça me faisait mal. Puis finalement, à cette heure, je dois avoir développé une identité parce que ça me fait plus rien. Je suis plus sensible que je l'étais. Il y a des choses près de moi qui vont me faire plus souffrir là, qu'avant, là, vibratoirement, là, mettons. T'sais, je vais être en grande colère pour un détail, puis j'ai pas émotivement, mais bon, là-dessus, je suis plus sensible, puis aussi, je vais être plus porté à me révolter contre de l'injustice près de moi. Mais celle qui est à l'autre bout du monde, ou le côté, tout ça, non, ça me fait plus rien. Puis même là, au niveau de la question, j'arrive même pas à l'expliquer. Je sais pas pourquoi, mais je suis bien content que ça soit comme ça. Oui, mais est-ce que tu as passé, par exemple, d'une souffrance psychologique à une souffrance psychique qui est rendue possible avec le développement d'une grande sensibilité? J'en ai aucune idée. Ça s'est fait tellement progressivement que avant, je voyais comme comment je pourrais dire. C'est vraiment surprenant. Il y a des choses même, j'ai complètement changé l'opinion opposée. J'ai rendu l'opinion opposée. Vraiment, non. Je suis vraiment devenu. Il y a des choses, c'est l'inverse maintenant que je perçois. Mais pas dans le sens d'une inversion comme on parlait. Puis, Mais peux-tu je donner vois, un il y a des exemple choses que con... je percevais qui n'étaient pas OK. réelles. Comme les gens dans une grande pauvreté. Puis, après avoir côtoyé de proches, ils savent bien moins que je pensais. Ils se rendent même pas compte à moitié de. Oh, pourquoi? J'ai perdu une capacité de sensiblerie qui était inutile et extrêmement nuisible chez moi. J'étais porté à m'attendrir parce que j'étais bien sensible. Puis j'avais un idéal aussi. Il y avait quelque chose d'un idéal de justice, d'équité. Puis si je me suis rendu compte que c'était moi qui me faisais avoir, que c'est pas réel, que c'est pas bon, que c'est toutes des notions qui déforment la nature réelle de comment les choses évoluent. C'est pas en étant juste et équitable avec les gens qui évoluent. On les ralentit. Puis c'est tellement paradoxal. C'est comme un peu, ben c'est un peu comme Kim puis disait, on braille sur d'autres pays, puis on veut les aider, puis en les aidant, on leur nuit. Ouais, C'est des fois, désolé, mais indirectement, ça peut avoir l'effet contraire. C'est ça qui est je me suis paradoxal. Oui. durci. Vraiment, je suis devenu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus froid. Puis aujourd'hui, si je perçois quelque chose puis que ça me fait souffrir, mais que je peux rien faire, je vais immédiatement identifier ça comme une manipulation parce que je perds de l'énergie puis je peux pas l'utiliser. Fait que tout de suite, j'ai un processus que je m'en calisse. C'est incroyable. Tout de suite, ça va me dire, on s'en fout. C'est vraiment, là, si le monde pouvait entendre tout ce qui me sort, là, si je regarde les nouvelles, là, le monde m'haïrait. Tu Oui, mais sais, en c'est même des temps, ça affaires sert à genre rien qui de dépenser. s'arrangent. C'est ça, ça sert à rien de dépenser de l'énergie à un moment donné quand on voit des souffrances, des injustices sur lesquelles on n'a aucun pouvoir d'agir en tant Au qu'ego. contraire. Il y a certains endroits dans le monde, il faut qu'il y ait plus de souffrance, qu'il y ait plus d'injustice que ça parce que ça se réveille pas assez vite. Mais ça doit se réveiller à la vitesse que ça se réveille. Peut-être c'est correct, ça l'aide dans le même. Mais tant qu'à moi, ça irait plus vite que ça. Puis si ce que ça prend, c'est pire, ben, coudonc. Tu sais, c'est là que je te dis que j'ai eu un changement. Il y a eu un changement. Je suis Dans le rendu, sens je ressemble que. de. Oui, Ah, oh, tu. je ressemble de plus en plus au bon Dieu, moi j'ai envie de fourrer tout le monde. Tu sais, Non, mais je veux dire, quand vous allez tu voir prends. SML, vous Ouais. allez vous le tasser de là, le cul. Ouais, mais Parce que dans autrement. le fond, Ouais. ça revient à ça. Ok, ouais. C'est de même que ça avance. C'est de même que. Quelque part, c'est terrible de dire ça, mais la nature des choses, je ne l'acceptais pas. Puis là, je l'accepte. Il y a un adage qui dit qu'il faut accepter ce qu'on peut pas changer, puis. Ouais. Puis je l'ai pas accepté, genre, oh, je l'accepte, je me fais à l'idée. Non, c'est complètement différent. C'est pire que ça. De l'intégrer, c'est correct, j'aime ça, ça fait mon affaire. Bravo. Puis ça peut avoir l'air terrible, mais. Coudonc, qu'est-ce que tu veux qu'on. Que... C'était contre-productif la façon dont je gérais ma perception, puis ce que je subissais pour. Puis, j'ai eu un changement de personnalité là-dessus que je m'attendais pas. Dans le fond, ma vieille personnalité est comme morte. Puis maintenant, ben, le monde, ils veulent. Tu sais, c'est comme j'étais à l'épicerie. Ah, voulez-vous faire un don à la Société du cancer? Je leur réponds, ben, bête, ben, moi, le cancer, je compte ça, fait que non, t'auras rien. Je donne rien au cancer, désolé. Mais là, c'est pas ça. Puis là, si ça continue, je vais finir par le dire, vous autres, votre CA, là, je regarde la structure, puis voyons, là. Vous aurez pas une scène, puis tu me crisses la pile. La prochaine fois que tu me revois, tu m'écœures pas. Puis je m'en fous que tu es une madame Angers bien gentille, puis que tu es pleine de bonne volonté, puis que toi, ça te fait du bien de faire ça, puis que c'est bon, puis tout. Chris, c'est de la manipulation, pareil. Ouais, mais C'est de c'est la ça. Si la manipulation. personne sert à te manipuler, à t'attendrissant, C'est puis ça. en te faisant vibrer à de l'âme Ben, tu sais, pour te moi, spiritualiser, ouais. je peux pas atteindre la source. S'il faut, là, m'aller taper les messagers. Tu sais, je veux dire, c'est là, puis ça t'achale, là, t'as le droit. Tu sais, le messager, tout, faut qu'il intègre son message. Faut Non, qu'il mais intègre c'est son ça. Mais c'est sûr, si quelqu'un empiète sur ton terrain, essaie de t'imposer des choses. Tu sais, c'est de la légitime défense de s'affirmer pour pas se laisser dominer, là. Ben, là, Ouais, c'est pour mais. ça. Sens-là, master, ça me dérange pas. Ouais. Je veux dire, ça me dérange pas. Dire, oh, les compagnies pharmaceutiques, hein? Oh, ouais, c'est donc bien terrible. C'est où que j'achète des actions? Au moins, je suis sûr que ça va être rentable. Tu sais, je pense complètement autrement à cette heure. Complètement. Ça a pris peut-être 2, 3 ans, mais ça a complètement viré de bord. J'ai plus aucune notion de. C'est pour ça que j'en fais plus souffrir, là. Pas du tout. À cette heure, quand je vois de le négatif, j'essaie de me dire comment est-ce que j'en tire quelque chose sans que moi-même j'en fasse partie. Comment est-ce qu'il y a une possibilité de rentabiliser ça sans que. Parce qu'on ne peut pas régler la situation, on gère comme elle, le collatéral. Maintenant, je vois juste des aspects techniques. C'est devenu comme une vision comme bien frette de ça. C'est de la géométrie. Ouais, Je ne ben sais pas moi ce que si je vous. perçois, c'est que tu t'es au fil du temps déspiritualisé, puis tu prends plus le monde en pitié, là. Oh non, pas en tout. J'arrive plus. Mais non, j'ai plus de pitié. Désolé. J'ai de l'empathie, mais de la pitié, j'en ai plus. Puis ça me fait plus de peine. C'est bien plate, là. C'est bien plate, là, les Palestiniens, ce qui leur arrive, mais ils ont bien des affaires à apprendre, puis ça va passer par du rough. Puis c'est pareil pour tous les peuples. C'est juste qu'ils ont leur temps à un moment donné. Chacun sa programmation, que ce soit les individus ou des collectifs, c'est pareil. C'est les mêmes mécaniques. Fait que, non, je ne broyerai pas sur le sort de personne. Je peux pas. Puis même mon propre sort, des fois, oh, je suis pas content, mais ça broye pas. OK. On va passer à présent à la question numéro 8. Dans la continuité, il est souvent dit que ce qu'on vit est à la mesure de ce qu'on peut supporter. Phrase toute faite, même reprise dans le supramental, exemple, un enfant qui arrive dans un pays où il est depuis tout petit battu, torturé, violé. Il meurt de faim, il vit dans un pays en guerre, et ce jusqu'à la fin de ses jours. Ces abominations sont programmées. Comment peut-on parler de mesure dans cette abjection programmée? Qu'en dirais-tu? Est-ce que, à ton avis, ce n'est pas facile, quand on parle comme ça, installé confortablement dans son salon? Ben, c'est comme il y en a qui disent, là, il n'y a aucune injustice sur Terre. Il y en a qui disent ça. Il n'y a aucune injustice sur Terre. Oh, ouais. OK. Oh, ouais, tu sais. Moi, quelqu'un de même, j'ai envie d'être bien injuste avec. Ben, je parle pour parler, mais c'est parce Ouais. que parler de même, c'est dangereux. Ben c'est en Il y fonction de en a qui vérité. vont s'en souvenir de ce que vous avez. Tu sais, C'est c'est ça comme que. aller. Ouais. C'est comme. Tu sais, t'en as qui ont bien de l'argent, puis c'est parce qu'ils sont venus au monde. Ils l'ont même pas gagné, c'est l'arrière-grand-père qui est. Ouais, de l'héritage, là. Moi, puis eux autres sont dans un esprit darwiniste social. Genre, c'est parce que moi, génétiquement, ma famille, on est supérieur. Puis les pauvres, c'est ajusté parce qu'ils sont inférieurs. Tu sais, ils ont une vision de le darwinisme social, ce genre Ouais. d'évolution-là. Ben, il y a ça dans le supramental, il y en a qui pensent de même, je l'ai vu. De ce que moi, je pense de même. Non, pas d'une façon peut-être aussi. Mais je pense que c'est se fourvoyer, là. C'est comme, moi j'ai entendu du monde là, dire Ah, les enfants qui se font prostituer en Asie du Sud-Est, ben ils sont programmés pour ça, puis ils ont été élevés pour ça, puis ils remplissent leur une fonction. Il y en a qui disent des affaires de même. Puis ils trouvent ça bien de l'allure, puis je pense bien fin. Ben, moi, je vous pose ça de même. Je pense qu'il y a réellement des injustices. Je pense que ça sert au sens où ça va mettre le faux cul à du monde, que ça va faire évoluer de force parce qu'il y en a qui vont avoir le faux cul pas à peu près. Il va y avoir de la bastonnade à un moment donné. Il y en a qui vont être choqués pour vrai. Puis moi, j'ai pas envie de. J'ai pas envie de d'être ni d'un bord ni de l'autre. Parce que ça me concerne pas ça. J'aime autant regarder ça comme. Mais oui, il y a du monde qui pense de même. Il y en a qui pensent que plus tu fais du mal sur Terre, plus que tu aides l'évolution de l'humanité. Que tu accélères l'avènement de le Christ cosmique sur Terre. Il y en a qui pensent ça. Ouais, des formulations paradoxales, tu sais. C'est comme à Maton, j'avais vu des militants écologistes qui songeaient à créer un désastre écologique pour accélérer la Ben. conscientisation. Puis ce que je vois là-dedans, pour être bien franc, c'est c'est retardateur, c'est anti-individu. C'est bien, bien fort. Puis c'est ce qu'on pourrait appeler une forme de luciférisme. C'est un peu ça au fond. Même, c'est dans le fond, dans le même, ça n'a même pas rapport avec de quoi qui vient nécessairement d'en dehors du planète Terre. On pourrait dire que c'est satanique, ça. Mais ils ne savent pas. Les pires, ce qui est plus satanique, c'est du monde, ils ne le savent pas. Fait que. Tu sais, quand tu es sûr que c'est toi, tu es bon, puis que tu es correct, c'est là que tu es dangereux. Je veux dire, le monde, les pires, ils pensaient qu'ils faisaient bien. L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est pareil dans tout. Fait que, Ben, ça est-ce revient au que. principe, la personne qui se croit, c'est elle qui est la plus dangereuse, parce qu'elle croit, par exemple, dans la vérité, tu sais. Là, t'es. Ouais. C'est d'un bord à l'autre. On est proche de la possession. Parce que c'est pour ça que je dis, j'ai pas de certitude. Puis tout, hey, quelqu'un de possédé, il est sûr, lui. Il y a la certitude. Ça, c'est tout le temps, tout le temps la certitude de quelque chose. Puis là, quelqu'un qui est sûr que plus tu fais du mal sur Terre, plus tu aides à faire évoluer les autres. Non, non, non. Il y a de quoi là-dedans d'anti. C'est qu'on est dans le contre-productif. Puis ça existe parce que, bon. Ça prenait un décor large, là, ça prend des polarités. Il fallait que le terrain expérimental soit le plus vaste possible. Donc, ça va d'un extrême à l'autre. Puis oui, il y en a du monde qui. Même pas moi, non. Je peux pas. Moi, c'est des affaires toutes faites, justement, c'est des rationalisations, ça, là. C'est une façon intellectuelle de rationaliser des affaires que, dans le fond, ça peut pas se tenir en dehors de l'intellect, parce que quand on le regarde, là, franchement, clairement, là, c'est pas ça qu'on voit. C'est injustifiable. Il y a personne qui va me dire que c'est justifiable, des affaires, dans. C'est que quand on sait qu'il y a, bon, il y a des places, il y a de la vivisection sur des citoyens, là, puis bon, il y a personne, tu sais, il y a personne qui va me faire. Ça se justifie pas, ça. Puis de dire, bon, ben, ça fait partie du. Bon. Moi, à un moment donné, tu sais, je vais dire, tout sert, puis tout est bon. Puis, mais il y a des affaires, que des sujets qu'on n'aborde pas souvent, que, hey, là, moi, ma limite. Le rendu là, non, ça, c'est injustifié. Tu peux pas justifier ça. C'est pas, on peut pas dire, ah, ben, l'injustice, c'est juste, au sens de la justice. Moi, je Quand c'est des comprends. vraies injustices, là. Mais non, il y a des moments donnés, là. Ben. Le commerce, il vient de l'invisible. Hein? La notion de commerce, ça vient de l'invisible, puis tout se paye. Quelque chose. Puis ça, même là, je dis ça, parce que ça me dit ça, mais j'ai pas de certitude. Mais il reste, ça me dit ça, tout se paye. Bon, bref, fait qu'on verra. Il y en Ben, a c'est sûr peut-être que qui la vont passer conscience, au cash. c'est pas gratuit non plus, dans le sens que souvent les gens vivent comme paiement là, des vies abominables, des chocs, des expériences traumatiques, comme quelqu'un qui se fait agresser sexuellement, des choses comme ça, là. Ben. Même, il y a pire que ça. Il y en a qui ont des vécus, là. On est au-delà de ça, là. C'est de la torture qu'ils ont subie. En tout cas, Je je ne vais pas nécessairement pense, hein. embarquer plus là-dedans, mais en lien avec la question, tu sais, le principe, est-ce que ce qu'on vit est à mesure de ce qu'on peut supporter? C'est un bon questionnement qu'elle amène parce que, Ben, il y en a qui le supportent pas. ben c'est ça, je l'ai dit, parce qu'il y en a Tu sais. qui se suicident. Fait que là, on peut se poser la question sur la programmation que la personne Là, a connue de son esprit. C'est pas capable de l'assumer. si c'était de même, ça serait, on constaterait pas ce qu'on constate. Ben c'est ça, c'est est-ce que quelque part il y a un dérapage qui viendrait des plans de la lumière qui ferait des programmations qui manqueraient d'ajustement pour les individus, parce que ces individus, dans certains cas, en viennent à se suicider. Des dérapages contrôlés, mais il y en a que c'est leur programmation de suicider. Mais à ce On dit moment-là, qu'ils est-ce ont. qu'on peut dire que l'ajusteur de pensée manque d'ajustement? Ben non, on peut pas dire ça. OK. Parce que c'est ce qu'il avait à faire, c'est fait pareil. Il y a du monde, ils plafonnent. Puis eux autres, ils peuvent juste servir au niveau de l'évolution, à l'évolution des autres. Puis des fois, ben, ça passe par une affaire de même. Ils se suicident. Ou bien, il se passe un drame, il se passe quelque chose. Puis même là, je pense qu'il y a des accidents. Parcours au sens mécanique qu'on ne se rend pas compte, même dans l'invisible. Parce que même si à certains niveaux, ça se dit parfait, pas sûr, je ne suis pas sûr que c'est parfait. Ça se peut pas, là, je veux dire, ça c'est bien trop à tâtons, leur affaire. Là. En tout cas, il y a quelque Mais chose ça, c'est un autre là-dedans. aspect, c'est que à quel point les programmations sont parfaites, est-ce que le hasard existe ou le hasard n'existe pas? Tu sais, est-ce qu'il y a des accidents ou des choses qui sont hasardeuses ou imprévisibles ou non, tu sais? Encore là, c'est des choses sur lesquelles je ne peux pas me prononcer, mais moi, ça m'a tout le temps. C'est le hasard, il n'y a pas de hasard, puis tout est prévu, tout est calculé, tout est. Puis là, ça, c'est enrageant. Ça me met en colère, parce que si c'est voulu de même, j'ai envie d'aller voir ceux qui ont voulu ça de même, puis de le dire là un instant. Il n'y a pas moyen de faire mieux que ça. Puis là, je me ferais non. Ben voyons, c'est comme dans le Candide de Voltaire, là, le professeur Pangloss qui dit on vit dans le meilleur des mondes possibles. T'as juste envie de le battre, le bonhomme, de dire t'es-tu fou, tu te réveilles, de le brasser, de dire non, c'est pas vrai. Puis pourtant, ça revient à ça. Moi, c'est systématiquement ça que supposément qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de hasard, que tout ça est bien logique, que ça se tient tout. Mais pas une logique au sens que nous autres, on la Non, c'est pense pas une pas. logique cartésienne réflexive, là. Non, c'est une autre logique. Puis même, il y a différents paliers de logique qui sont imbriqués les uns dans les autres. C'est comme si on vivait dans un monde qui est. C'est comme des. Mettons là, que notre monde, c'est une feuille de papier, puis mais l'univers, c'est un livre, puis que le vrai dessin, la vraie affaire décrite, est en trois dimensions. Faut que tu vois à travers toutes les couches de papier pour voir la vraie, le vrai objet du livre. Mais il y a quelque chose de ça, on dirait bien. Puis on est tellement limité que. Mais il reste que. On peut pas se permettre de dire, quand t'as le faux au cul puis t'es mis en vibration, de dire ça a pas d'allure, de dire, ben, ça doit avoir de l'allure. sais, je veux dire, on n'est pas mal en vibration au niveau de des injustices puis des affaires de même pour le fun. C'est parce qu'il y a, y a une justement, ça faut que ça évolue pareil, même si c'est de l'involution quelque part à ce Ben, c'est niveau-là. ça, mais à travers la mise en vibration, il y a un mouvement d'esprit au sein de l'individu qui va tendre à vouloir tasser l'astral ou tasser les formes plus désuètes. Tu sais, quand là, vous êtes vraiment en colère devant une injustice, puis vraiment une colère, là, puis de quoi qu'il n'y a vraiment pas d'allure, puis c'est plus fort que vous autres, vous avez le feu au cul. Puis c'est bien, bien fort. Puis vous le voyez que ça n'a pas de style d'allure. Puis plus vous le regardez, plus vous avez baissé l'esprit, ça. Mais ça se manifeste, l'ego, il n'est pas parfait, la personnalité n'est pas parfaite, fait que ça ne se manifestera pas d'une façon parfaite. Mais il reste que ce qui est à la base de ce colère-là, c'est intelligent, ça. C'est juste que, bon, ben, quelqu'un qui est en colère, des fois, il agit d'une façon pas intelligente, parce que ça, c'est l'ego, ça, c'est la personnalité, c'est. Mais il reste que ce qui a engendré ça, qui a amené l'énergie, parce que ça prend de l'énergie à être en crise, beaucoup. Tu te fais acheminer énormément d'énergie quand tu es en colère. Ça vient de quelque part, puis à la base, c'est intelligent. Les affaires que j'ai le plus reconnues comme intelligentes qui m'ont vraiment. C'était tout le temps par la colère, tout le temps, tout le temps. Puis pas juste une colère, là, c'est genre, oh, ben c'est pas comme je veux, puis je suis pas content. Non, non, une C'est. colère vibratoire intense. Ah oui, là, c'est plus fort que ça. Là, tu viens, là, les mâchoires te sortent, puis tu le sens, tu te mets à vibrer. Puis ça vient, là, tu. Ah non, même une affaire de même, d'après moi, ça peut rendre malade. C'est pour ça que c'est pas tout le temps accroché là-dessus. Puis, mais il reste que je vois rien de. Ah non, il y a des fois, là. C'est parce que c'est un terrain d'évolution, fait qu'il y a des affaires qui n'ont pas d'allure. Puis si on se met à. Parce que là, on est pour l'évolution, à dire que tout a de l'allure, ben on est dans le champ aussi. Mais Ouais, bon, non, faut. je comprends, parce qu'à quelque part, ça devient, à un moment donné, déshumanisant ou légitimer des choses qui vont à Ben là, l'encontre des droits de l'homme, ouais. j'ai entendu des affaires des fois. Je me dis, voyons, Chris, puis moi, je passe quelqu'un de frette puis de dur. Voyons donc. Comment est-ce que du monde peuvent dire des affaires dans ma. Il y a des. Bon, du coup, j'ai entendu des affaires des fois. Je me dis, ça n'a pas de. J'ai bien de la misère à concevoir même que. Il y a rien qui intervient pour les bloquer de dire une affaire dans même, tellement c'est con puis c'est pas intelligent. Puis quand j'entends ça, ben c'est sûr, bon, ça me met en colère, puis je dis rien. Mais l'affaire, c'est pas que de se mettre en colère puis attaquer ceux qui pensent ça, ça donne rien. Mais de toute façon, il y a quelqu'un qui a une mission puis qui décide de pas la faire pour des raisons de vie personnelle, ben la vibration va être transférée à quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. L'énergie, ça se transfère, ça disparaît. Ben en Moi, tout ben, il y a cas. un adage qui dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Fait que si elle passe pas Ben, à c'est travers ça. une personne, elle va passer à travers un autre, un peu comme de l'eau qui est bloquée quelque part, elle va couler ailleurs. Ben, à un moment donné, j'avais entendu un fondamentaliste, OK. genre américain, le protestant, puis lui disait, si tu pries pas Dieu, tu pries Satan. Puis j'avais trouvé ça tellement con. Mais c'est la forme qui est conne. Le côté croyance religieuse, le côté théologie polarisée, bon, c'est vrai que ça, c'est con. Mais m'a dire une affaire, s'il y a un cabochon qui te sort une affaire comme genre telle affaire là, qui se passe, puis qu'il n'y a pas d'allure, ça c'est bien normal, c'est bien correct, puis même c'est une bonne affaire. Puis quelque part, il n'y a pas un petit quelque chose en vous que ça vous met le feu au cul, là, ben il y a quelque chose, ça veut dire. Il y a de quoi de satanique, là. Je veux dire, c'est pas normal. Ben, c'est pas normal. Oui, c'est normal dans le fond, mais c'est normal puis c'est pas normal. C'est pas ça au niveau de l'esprit. Non, si la personne est parfaitement en accord avec le planétaire, mais elle va servir de contexte pour l'évolution des autres parce qu'elle la plafonne, là, sortir un affaire de même. Ben, elle va prendre des méchants chocs, là. C'est ça, mais pour en revenir à ton affirmation auquel tu fais allusion d'un fondamentaliste, donc quelqu'un qui prie pas Dieu, c'est parce qu'indirectement il prie le diable, ben, ça me fait Ben, penser lui, à. dans sa vision Ouais. religieuse, c'était logique. Oui, exactement, Mais mais si on amène. ce que j'ai vu Oui. d'intelligent là-dedans, c'est pas ce Oui. qu'il disait lui. J'ai OK. vu d'autres choses. OK, vas-y. Genre, s'il y a certaines affaires que ça ne génère pas de la colère, là, c'est parce que tu es anti-homme toi-même, là. Quelque part, là. Fait que quelque part, lui, sa logique, Elle est pas folle, là. Je veux dire, si tu vois de l'involutif retardateur, puis même régressif, puis que vraiment, d'une façon totale, tu dis, ben finalement, c'est correct, ça. Puis au fond, ben t'es pas dans l'évolutionnaire. Je veux dire, ça veut dire que tu fais partie du contexte de l'évolutionnaire, mais t'es pas dans l'évolutionnaire, tu fais partie du décor. Ouais, ça revient au Je sais pas si tu principe que comprends ce que je veux qui ne dire. dit mot consent, là. C'est ça. Fait que quelqu'un qui regarde le décor puis du sabbat de l'allure, ben c'est parce qu'il fait partie du décor. Puis les vrais acteurs, qui sont sur la scène, puis qui ont vraiment un rôle important, qui sont pas une lampe dans le coin du salon du décor, puis qui sont là dans le décor parce qu'ils vivent un drame, ou bien qui disent qu'est-ce qui se passe, que c'est ça n'a pas d'allure, ben c'est eux autres les vrais. Tu sais, je veux dire, c'est ceux qui trouvent que le décor fait dur, qui a de l'esprit, là, qu'il y a quelque chose qui essaie de se Ben, eux manifester, autres, mais ceux qui... c'est ça, ils contestent la forme, tandis que les autres sont soumis à la forme parce qu'ils disent le décor a de l'allure. Ben, souvent, je veux dire, tout sert, tout est correct, Ouais, mais j'aime c'est ça, ça que j'allais monde, puis dire. C'est tout. qu'en disant que tout sert, ben, on participe à dire que le décor a de l'allure dans le sens qu'on est en non-résistance. Ouais, mais la vibration qu'il y a là-dedans, c'est genre de pas être, d'avoir une gestion économique de l'énergie. De pas perdre de l'énergie pour rien. Comme Ouais. être en colère contre de quoi dans l'autre bout du monde, c'est qu'on peut rien faire, c'est perdre de l'énergie. Ouais. C'est même rajouter du négatif au problème, si on peut dire, si on regarde ça de même. Mais d'aller l'approuver, puis dire que c'est correct, puis ça a de l'allure, quelque part, c'est encore pire. Tu prends de l'énergie tant qu'à moi, je veux dire, tu es un vampire, là, quelque part. Il y a de quoi qui marche pas, là, d'approuver une affaire de même. Ça veut dire qu'il y a un lien. Donc, je vais dire ça, moi, en général. En général, tout ça, tout est correct, puis en général, il n'y a pas de problème. Mais il y a des affaires spécifiques, par exemple, il n'y a jamais personne qui va me faire parler en bien de ça ou faire approuver ça. C'est comme il y a certains aspects par rapport aux forces dans l'invisible, puis il y a d'autres du monde qui sont dans une vision spirituelle que dès qu'ils reçoivent de l'info, même si c'est de la merde, ils ont le merci. Ça, je suis pas capable. Et je peux pas, je vais tout le temps avoir un rapport amour-haine avec ça, mais dans le sens, j'ai bien une haine genre, c'est pas vrai que je vais me laisser faire tout le temps, là, sur tout. Puis j'essaie de négocier avec les forces ma propre vie, ce qui se passe dans ma propre vie. Parce que c'est comme des commerçants. Moi, j'ai l'impression des fois d'avoir affaire à des vendeurs d'étoffes puis des vendeurs de tapis. Sauf que c'est de l'énergie, Ouais, c'est ben, lié à l'expérimental, si pas à t'as à l'énergie. négocier avec eux, c'est parce qu'à quelque part, ça va t'amener en montant l'intelligence si tu veux les égaliser. Ouais, ben d'habitude, moi au début, je savais même pas qu'on pouvait négocier, genre c'est ça le prix, tu payes ou tu t'en vas. Je pensais que c'était de même. Puis plus ça va, plus oh, ben là, ok, peut-être. Ah, là-dessus, t'as pas tort. Ou bien, je me faisais répondre des affaires comme t'es un petite tête de cochon, t'es le pire de la gang, t'es notre préféré. Tu sais, je me dis, voyons, c'est quoi ça? Tu sais, je me suis rendu compte que j'avais affaire à quoi? Ça allait à de l'humour. Il y a de l'humour. Mais ça, ce que je me rendais pas compte, c'est parce que c'est ajusté à moi. C'est parce que moi-même, j'ai de l'humour. Puis moi-même, je suis de même un peu. Je parle de même. Puis, fait que ça me parle de même. Puis c'est souvent, ben moi je suis un peu narquois, puis fait que c'est narquois. C'est. J'ai vraiment un contact de marde parce que j'ai un ego de marde. C'est normal, c'est ajusté. Puis je veux dire, je me fais répondre des fois des affaires, c'est tellement con. C'est tellement niaiseux. Puis le jour là, je veux plus rien savoir. Pour un bout, là. C'est trop niaiseux, là. Pourquoi vous me remettez ça dans la tête, là? Il y a une affaire des. Souvent, je me fais faire un running gag par depuis qu'Albert, l'acteur Albert Miller est mort. Je me fais niaiser, je me fais faire un running gag avec lui. Puis souvent, puis je viens en maudit quand ça c'est inattendu, puis ça arrive. Puis là, ah, oh, tu sais, Albert Miller, j'ai genre encore ça, Chris. Mais plus je vais le combattre, plus je vais essayer de m'opposer, plus c'est fort, puis ça revient. Ben, il y a un adage qui dit, est-ce qu'on résiste, ça persiste. Ben, c'est ça, c'est comme je disais, nourrir des moulins à vent. En Ouais. tout cas, moi, je viens que. C'est pas parce que je me bats pas contre ça que je suis avec. Puis c'est pas parce que je suis pas avec que je suis contre. Moi, j'essaie juste de tu sais, c'est un peu comme tout le monde. Je fais mon affaire, je fais mon possible, mais j'ai pas plus de. Peut-être que. Je le sais pour être bien frère, là, je comprends même pas pourquoi. fais ça. Tu sais, je veux dire, ça a été catalyseur de plein d'affaires. Pourquoi je vis tout ça? Pourquoi? Depuis le début, là, j'ai l'impression de faire rire de moi. Puis ça, depuis longtemps, là, j'étais bien petit, puis j'ai dit, Christ, c'est une farce. C'est une joke. Puis c'est pas tout le temps drôle. Mais c'est une joke pareil. J'ai l'impression. Il y a quelque chose de factice dans ce qu'on appelle Est-ce la que tu avais réalité. vu le film Le Truman Show, mettant en vedette Jim Carrey? Oui. Bon, Oui, je. c'est un film quand même, un gros budget. S'il y a des gens qui nous écoutent, vous pourrez le retracer facilement là, sur Internet. Et puis, dans l'histoire du film, c'est que le personnage est dans une réalité, puis il se fait niaiser par les gens de son environnement. Il y a toute une histoire qui est bâtie alentour de lui. Ben, niaiser. C'est pas volontaire, c'est parce que le gars, il est plus intelligent que son entourage puis le producteur pense. C'est tout simplement ça. Ils ont créé un environnement stupide. Ouais, ben c'est ça. Pour faire un résumé du film, il est dans Alors. un environnement factice d'une ville. Puis, dans le fond, lui, il est filmé 24 heures sur 24 à son insu. Il est en fait le personnage principal d'un show de télé-réalité, mais il ignore qu'il est là, puis il a grandi dans cet environnement-là. Ouais. Ben, c'est ça le film, dans le fond, c'est qu'à un moment donné, il l'ignore plus. Ouais. Je veux dire, quand tu vois tout le temps passer le même gars, ben, tu voyons, c'est stagé, ça, c'est quoi? C'est pareil, un peu comme la vraie télé, finalement. Des fois, c'est supposé être des réalités. Ouais, Puis là, je à me un suis moment en donné, tu regardes ça, tu télé-réalité. cries, c'est stagé. Ah oui. C'est stagé, voyons donc. Ça, vous êtes bien bon, bien comique, mais on le voit. Ça paraît. Même des fois. Mais là, l'affaire, c'est que nous autres, notre Truman Show, il est fait pour qu'on se rende compte à un moment donné. C'est voulu de même. Si la personne a s'éveillé dans cette incarnation-ci. Ben oui. Le projecteur va tomber droit en avant de toi au bon moment. C'est sûr, c'est voulu. Les esprits, là, c'est comme ils jouent aux petites autos. Ça me fait penser à ça. Ils jouent aux petites autos avec les égos. Puis nous autres, on est des petites autos, puis on se fait barouetter d'un bord puis de l'autre. Mais eux autres, ils savent ce qu'ils font. Ils jouent ensemble. Ils sont tous chums. C'est nous autres, les égos, qu'on se fait rentrer dedans. Je le sens vraiment de même, un peu. J'ai l'impression d'être une petite auto, puis je me fais rentrer dans un, puis l'autre, puis dans le mur. Mais les esprits qui jouent en haut, l'esprit, les autres, sont tous chums entre eux autres. Je veux dire, il n'y a pas de notion comme nous autres ont. En tout cas, c'est aussi niaiseux que ça. J'ai l'impression d'être une bébelle. C'est ça, un égo. OK, Puis on vit dans un décor. ouais. On va aller à la question numéro 9. Que répondrais-tu à quelqu'un qui te demanderait, et si la création de la race humaine était tout simplement un accident? Ah, oh, ouais. Je crois pas à des accidents aussi perfectionnés. Là, on est dans de la haute technologie, là. Le vivant, c'est de la technologie. Bon. Puis, il y a de l'ingénierie là-dedans, là. Un accident, ben, il faut jamais. J'ai jamais. C'est comme si vous me disiez, là. Ah, oh, ben là, il y avait une manufacture de papier, puis il y avait du papier là, il y avait de l'encre, il y avait des bouteilles d'encre, puis il y avait une presse. Mais il y a eu une grosse explosion. Puis, par hasard, tout ça, l'encre a volé, elle a écrit Moby Dick sur le papier s'est placé, puis ça a formé un livre de Moby Dick. C'était un accident. Ça revient à ça, là. Oui, mais c'est comme l'histoire du Big Bang, là, qu'il y a eu une explosion, mettons, il y a au-dessus de 13 milliards d'années, puis après ça, ben, tranquillement, l'univers s'est créé des formes de plus en plus complexes, puis ça a donné l'être humain, tu sais. Ben, tu sais, c'est ça. C'est comme si tu me disais, là. Ah, ben là, il y a eu une explosion dans mon garde-manger. Puis après, quand la déflagration est retombée, j'arrive, puis toute la farine, puis tout, Chris, il y avait des gâteaux. Il s'est fait des gâteaux dans l'explosion. Qu'est-ce que tu veux, là? Il y avait une bouteille d'eau là, puis là, ça s'est mélangé, puis là, avec le plasma de la chaleur, puis ça a fait cuire, puis ça s'est moulé de. Hey, là, à un moment donné, là, ça se peut pas. C'est pas l'affaire que ça se peut ou que ça se peut pas. On le sait au fond de nous-mêmes que c'est pas vrai, ça. Moi, je le sais. Ça en a une affaire, je suis sûr. Ça, je suis sûr. Parce que l'affaire, c'est que c'est comme si tu me disais. C'est comme si tu me montrais un char, un modèle de char, puis tu me disais c'est un accident qui a créé le char. Les accidents, ça défait, les chars, ça les fait pas. Ouais. C'est comme si tu me disais, Il y a deux Ford qui ont rentré en collision, puis ça a créé une. Tu sais, il y a de quoi qui marche pas, là. Puis c'est de la technologie, le vivant, je veux dire, c'est de l'ingénierie. C'est comme. Ça revient à nier les lois. C'est comme nier les lois. C'est comme si tu me disais, les flocons de neige, même s'ils sont tous différents, ils ont toutes la même base par accident. Ils suivent toute cette loi-là de structure basique par accident. Puis ça, c'est pas de même, ça, c'est une loi. Puis une loi, c'est pas un accident de loi. Même un accident, ça suit des lois. Mais une loi, c'est jamais un accident. Ça en est des notions humaines de cause à effet puis de linéarité qui existe juste vraiment dans l'intellect, au fond. Parce qu'au niveau de le réel en lui-même, à mes yeux, ça n'existe plus. Parce que là, on est dans de la cybernétique pure, puis ça peut plus exister des accidents. Il y a des accidents, oui, parce que nous autres, on conçoit certaines choses comme des accidents, mais tout est cause à effet. En science pure, il y a le hasard, ça n'existe pas. Ouais, ben là, on tombe dans l'ultra-déterminisme, là. Ben, moi, je veux tout être plus proche. Je veux tout en dire, je veux tout être plus proche de. Je suis bien plus proche, moi, là, de quelqu'un qui travaille dans un laboratoire qui a curé, là. Tu sais, c'est bien dommage, mais je serai jamais un mystique, là. Même si la science, c'est du mysticisme, à mes yeux. Je veux dire, les vraies grandes découvertes qui se font par hasard, encore, entre guillemets, des accidents, hein, encore là. Mais ça se passe des mystiques, les scientifiques, ils ont un esprit, puis ils se passent des affaires. Parce qu'il y a un Internet réel, que tout le monde est connecté, puis quand ils décident que ben, à telle place, faut qu'ils sortent telle affaire, là, tout le monde est là en même temps, puis ils se passent de. Puis, pourquoi dans la science que les grandes découvertes se font par hasard ou par accident? Parce que le hasard et les accidents, ça n'existe pas. C'est grâce à ça que la science avance. C'est tout. Oui, mais en même temps, si les accidents n'existent pas, comment ça se fait que il semble des fois avoir des erreurs de programmation qui fait que des gens qui vont se suicider? Toutes les causes à effet, quand on regarde leur développement, puis finalement qu'on fait vraiment un examen du profil psychologique, finalement on finit par voir qu'il y avait quelque chose de latent. Ça n'a pas l'air d'un accident, là. Ou bien la personne va avoir une faiblesse, puis au niveau expérimental, il y a un choc, puis ça va déclencher un programme. Parce qu'il y a dans l'être humain des pulsions de mort qui sont là comme des forces mémorielles. Archétypal, ancré depuis bien longtemps, tu sais, c'est bien fort ça. C'est pour ça que parler en public du suicide, c'est l'aborder pour le comprendre, puis tout. Statistiquement, ça fait pas baisser le suicide, ça l'augmente. Parce que le suicide, c'est une forme. Puis plus tu en parles, plus que tu as densifié dans Ben, la encore masse là, psychique du d'en parler collectif. Puis plus objectivement, c'est dense, plus ça vibre fort. Puis plus la personne qui sont dans un environnement qui a des formes de même, qui vibre fort, plus qu'elle va subir un choc, plus qu'elle risque d'aller là. Les places qui ont le moins de suicide, c'est les places où il est tabou le suicide, puis où on n'en parle pas. mais c'est pas nécessairement une T'sais. invitation au suicide d'en parler publiquement, ça peut servir à faire Non, de la mais prévention. je crois pas à ça. Parce que ce qui est fort au niveau de l'inconscient, c'est les formes archétypales. Puis l'inconscient ignore la négation. OK, c'est comme l'histoire du l'éléphant rose, ne pense pas à un éléphant rose, puis la personne Non, pense à c'est pas ça ça. que je parle. OK. Non, non. L'affaire, là, c'est que le suicide va exister là où ce qui est concevable. OK, oui. Dans une culture où ce qui est ritualisé puis qui est lié à la mémoire du peuple puis tout comme le Japon, le suicide va tout être très élevé. Dans un endroit où le suicide est totalement tabou puis il n'a jamais vraiment existé parce qu'il est inconcevable, comme les Papous, par exemple, en Nouvelle-Guinée, il n'y en a pas de suicide. Le suicide est arrivé avec l'homme blanc. OK, donc autrement dit, d'arrêter de parler carrément du suicide dans les médias, Trop tard. ça Trop se... tard, c'est dans l'âme occidentale, OK. c'est dans l'âme asiatique, c'est dans l'âme moyen-orientale. C'est déjà là. Mais à chaque fois qu'il y en est question, tu réactives un programme. Je veux dire, tu as du monde qui ont ce programme-là, puis ils pensent pas au suicide. Puis tout d'un coup, il y a une affaire sur la prévention du suicide, puis c'est abordé à la théorie, puis là, tu viens de les remettre en vibration, tu viens de restarter le programme, puis là, il pense. Tu as voulu le prévenir, le suicide, mais c'est pas ça qui se Ouais, passe. ça l'effet paradoxal qu'au lieu de l'empêcher puis que la personne consulte, ben ouais. Puis le pire, c'est qu'ils savent. Je veux dire, il y a ceux qui font des campagnes. Bon, quelque part, c'est plein de bonnes intentions, puis tout, mais quelque part, ils le voient au niveau statistique. Puis à un moment donné, ben, il y a des États, ils ne sauront plus comment gérer ça. Le Québec, il était longtemps un champion du suicide, puis tout, mais on va atteindre des niveaux que le Québec n'a pas atteints ailleurs. En tout cas, il y a des sociétés occidentales qui vont en vivre des vagues de suicide, que ça va être phénoménal. Ça, c'est une hypothèse, là, mais moi, ça me dit ça. Mais là, tu sais, je dis que c'est une hypothèse parce qu'on parle, mais moi, je suis pas mal sûr. Puis, tu sais, les affaires, là, comme au Japon, là, le monde qui se rencontre sur Internet pour aller se suicider ensemble. Bon, ben, des affaires de même, mais. Tu sais, le seul fait, ces groupes-là n'existaient pas jusqu'à ce que ça devienne une légende urbaine. Puis le seul fait que ça devienne concevable fait que c'est devenu réel. Tu sais, il y a des affaires qui n'existaient pas à part dans. Puis le seul fait de le rendre concevable, le phénomène est devenu réel dans la société. Ah, ben, ça fait penser à la science-fiction. Il y avait autrefois de la science-fiction qui concevait qu'il y aurait des robots un peu partout auprès des êtres humains. Puis là, il y a des gens là, qui ont des assistants virtuels, tu sais. Ben, je vois pas ça comme le même phénomène, là. Tout à fait, là. Mais tu sais, c'est dans le sens que, tu sais, je veux dire, le robot, il est concevable depuis longtemps. C'est pas de quoi qui est amené de nouveau, là. Il y avait des automates dans l'Antiquité. Oui, mais je vais clarifier mon propos. T'as Si juste des machines à engrenage, mais quand même, il est concevable pareil. Mais tandis que tu arrives dans une société qui t'amène de quoi qui n'était pas concevable avant, qui n'existait même pas, puis là, tout d'un coup, ça va apparaître. On le voit avec les processus de colonisation. Comme les aborigènes en Australie, ou les chocs qu'il y a eu au niveau psychique. Tu as bien des places dans le monde. Ils disent dans le temps, avant que l'homme blanc arrive, ils disent, on rêvait pas. On rêvait pas. Quand on dormait, on communiquait avec les ancêtres, puis ils nous expliquaient des affaires, puis on savait qu'à telle place, il allait avoir, bon, telle affaire. Puis ils disent, dès que l'homme blanc est arrivé, on s'est mis à arrêter de communiquer, puis on s'est mis à rêver. C'est-à-dire qu'on s'est mis à voir des affaires pas vraies, de faire des rêves. Tu sais, eux autres, ils en parlent, tu sais. Puis, c'était pas de même avant que l'homme blanc arrive. Mais ça, c'est parce que c'est lié à l'âme. Je veux dire, l'âme, c'est rien que la mémoire, c'est rien que des affaires enregistrées, c'est rien que des fois. Puis là, c'est comme si t'as pris quelqu'un, t'as pris son ordinateur, puis tu viens de le plugger sur Internet. Puis là, il découvre tout en même temps, hein, ouais, la musique rock, les idéologies, puis de ça, il y a des sites pour faire venir de la dope, la pornographie. Puis là, on demande quelqu'un de jeune, que j'ai, tu sais, un peuple jeune, mettons, qu'on peut dire qui est un peu dans l'enfance de son propre développement, puis ça n'a rien à voir avec une notion de hiérarchie de développement. Puis tu le colles sur Internet de même, puis avec toute cette marde-là, puis après ça, il se demande comment ça se fait que des peuples qui n'ont pas bu pendant 10 000 ans, t'introduis l'alcool, sont tous alcooliques. Ben oui, mais Christ, ils n'ont pas les corps. Ils n'ont pas développé. Puis c'est. En tout cas, puis ça revient, tu sais, il y a tout le temps ces fonctionnements-là, puis c'est répétitif, puis ça a l'air d'être les mêmes lois tout le temps. L'affaire, là, de vouloir prévenir le suicide en rentrant le suicide dans la tête du monde, garde, là, tu es en train inconsciemment de programmer, ça devient l'ultime solution. Dès que la société va devenir insupportable, ça va être la première affaire qui va biper dans la tête du monde. Dès que leur expérience leur devient insupportable, bien parce que le côté inversé de comment la psychologie fonctionne, puis tout, juste le fait d'en parler, même si c'est d'en parler contre, t'es en train de conditionner le monde à y penser. Ouais, C'est une forme de exactement. pensée. Ouais. Bon, ben, tu le sais comment ça marche. Pour ça, moi, l'affaire de prévenir le suicide, la prévention du suicide, j'ai tout le temps trouvé ça niaiseux. Puis pas au sens que c'est pas bien intentionné ou quoi que ce soit, mais je trouve ça Mais contre-productif. Il y a de quoi là-dedans de notre côté, si on rend ça tabou. Si je compare ça à un autre sujet comme la pédophilie, autrefois c'était tabou, Mais c'est pas parce que c'était tabou que ça n'existait pas, c'était juste que c'était voilé. Il y a une différence entre un tabou, là, au sens où je le parle, là, comme les tabous dans des cultures comme des Polynésiens, là, puis une hypocrisie institutionnalisée puis culturelle. C'est pas pareil, là. Ouais, ben c'est parce que si on pense au cas des religieux pédophiles Voyons donc. Tu dans. me feras pas à croire que le monde se rendait pas compte que, je veux dire, c'était partout. C'est pas avec les religieux, là. Non, il y a Voyons. différents individus impliqués là-dedans, mais tu sais, parce que je pense que c'est une discussion que j'ai eue avec ma Et grand-mère. simple, les services sociaux, là. Les écoles de réforme, puis c'est pas toutes des religieux, ça. Non, c'est ça, mais tu sais, je te donne un exemple, quoi. Par exemple, ma grand-mère, elle est rendue âgée, je veux dire, elle est rendue à 96 ans, puis elle me dit, autrefois, quand que j'étais jeune, des cas de prêtres pédophiles, on n'entendait pas parler de ça, j'en connaissais pas. Pour elle, ça n'existait pas, puis pour elle, c'est comme un phénomène récent. Puis là, j'expliquais que non, c'était caché, c'était masqué, mais pour Ben, c'est elle. parce que quelque part, elle était peut-être nounoune. Tu sais, je dis pas ça méchamment, mais moi, la mère à mon père, dans les années 50, elle le savait. Mon père, quand il était petit, il le savait. Dans ma famille, là, ça faisait partie de l'éducation de t'avertir là-dessus. Et y a un des oncles, c'était un franciscain, puis lui, je te dis que les jeunes étaient avertis. Mon père, là, ses parents l'ont averti. Il dit, tu fais attention. Parce que lui, il est bien important dans ce. Tu sais, c'était quelqu'un de bien vu puis de bien important. Il dit, on n'a pas le choix d'être fait avec, là. Mais watch to it. Puis, je veux dire, je comprends pas ça. Moi, dans ma famille, c'était connu. Dans mes deux familles, c'était connu. Puis, je parle du monde, il m'en parle que c'était dans les années 30-40. Oui, Il le à savait. l'époque où ce que c'était tabou d'en parler dans les médias. Mais le Ouais, mais je point, comprends pas que ouais. ta grand-mère était pas au courant. Ben ça se peut qu'elle Je veux soit dire, tout le monde naïve. était au courant. Ben ça se peut qu'elle était beaucoup dans la religion, tu sais, elle priait trois fois, ben elle prie trois fois par jour, puis elle a mis toutes les religieuses sur un piédestal. Mais bon, ça fait partie de sa programmation particulière. Mais le point, c'est que quelque chose soit tabou, ça ne fera pas nécessairement disparaître d'une société. Il y a une différence entre un tabou au sens où je le parlais, puis de l'hypocrisie, puis du déni collectif. Le tabou au sens où je le parlais, c'est comme les Polynésiens, mettons, là, le chaman, lui, il allait dire tel poisson, il est tabou. Là, puis personne n'y touche, puis personne ne le regarde. T'auras pas du monde qui vont en profiter, puis personne n'y touche, puis personne ne le regarde pour aller manger ce poisson-là en cachette. Ils ont tout bien trop peur. Ils ont trop peur, il est tabou. Le chaman le dit. Ils savent pas pourquoi. Ils savent pas ce qu'il y a dedans. Mais lui, il sait, puis il sait des affaires, supposément. Puis bon, Non, je c'est comprends dans la ce nuance que sens-là que quelque chose t'apportes. était tabou. Je comprends la nuance que Genre t'apportes. ça, Ouais. on n'en parle pas parce qu'on ça fait pas partie de. Tu sais, ça c'est la même. Le tabou, c'est un peu la même notion de sacré. Mais pas sacré dans le sens ça appartient à un monde qui est en communion avec le nôtre au niveau de l'énergie, mais c'est pas du domaine humain. Fait que, comme dans le suicide dans la religion chrétienne, il était tabou dans le sens que ça se faisait pas. OK? Le monde, il pensait même pas, c'était inconcevable. C'était tellement, c'était bon. C'est dans ce sens-là que je parle tabou. Un tabou. Mais pas un tabou genre. T'sais, on le sait que la petite dernière de telle famille dans tel rang que son frère, c'est son père, puis que son oncle, c'est sa tante, ou peu importe, là. Puis on fait semblant qu'on ne sait pas, mais tout le monde en parle. C'est pas des tabous, ça, c'est de l'hypocrisie, ça s'appelle. C'est juste un nom. Le Québec, c'est hypocrite comme société. Toutes les sociétés latines, je trouve. Ben là, tu sais, je pense à une qui me dira, tu généralises, là, ma gueule. Tu sais, les Irlandais, que ce soit les Irlandais, les Italiens, les Québécois, il y a certains comportements, ça se ressemble pas mal. Ça se ressemble pas mal, puis il y a une hypocrisie institutionnelle liée à tout ce qui. Que ce soit la vie ou la mort. Puis là, je parle au sens là, large, comme l'euthanasie. C'est interdit par l'Église, mais en même temps, il existait des petites dagues qu'on appelait des miséricordes. Ça servait à achever le monde. Quand il souffrait trop. Il n'y a personne qui parle de ça. Mais c'était Non. de même. Mais c'était pas tabou au sens que c'était inconcevable. Mais il y a le monde, c'était bien rare qu'il se suicidait à certaines époques, tout simplement parce que c'était inconcevable. Il avait bien trop peur de pas aller au ciel. J'aurais peut-être peur d'y aller, je sais pas. Mais il reste ça. Il y a Ouais, quelque ben, chose dans ce c'est-à-dire qu'à sens. une autre époque, les gens étaient plus manipulables par la croyance religieuse du paradis, de l'enfer, du purgatoire. Dans ce cas-là, les gens sont moins influençables aujourd'hui par ça. Ben, Donc, gars, t'en as, oui. là, justement, là, que. Je sais pas. Il y a des matons, ils ont des perversions que ils ont pas, ou que c'est latent, ou que c'est pas développé. Puis c'est le fait de se rendre compte que ça existe, puis d'avoir des autorités qui en parlent, qui disent c'est pas correct. Là, tout d'un coup, à cause de la psychologie inversée, puis de l'attrait de l'interdit, là, ils vont se mettre à, tu sais, tu peux développer là, le contraire de ce que tu veux. C'est ça, l'affaire, c'est que ça marche par inversion souvent. C'est comme je disais tout à l'heure, ça donne à rien de s'opposer, tu sais, nourrir les moulins avant. Tu sais, je veux dire, là, à force là, de vouloir combattre, puis ça, le répandre. Puis le pire, c'est que je vois pas comment ils pourraient faire mieux la psychologie humaine, fait que ça marche dans mon. Je le vois pas de solution, sauf pour ça que ça m'intéresse pas vraiment. Mais j'y ai jamais cru à la prévention. Je crois, j'ai bien de la misère avec ça. La prévention, c'est quelque chose, quand t'as pas la capacité de guérir, tu vas prévenir à tout prix. Puis, quelque part, j'ai quasiment. C'est comme. À un moment donné, j'ai eu un petit rhume. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit, c'est parce que tu fais pas de prévention. Puis tout. Puis, je dis, gars, là, j'aurais fait de la prévention, je l'aurais eu pareil. Puis là, en l'ayant, ben là, mon système le connaît. Puis, je préviens la prochaine fois. Moi, c'est la santé par la maladie. Ça a l'air niaiseux, mais moi, je trouve ça super intelligent. Puis, c'est ça que je fais. Puis, c'est le même. Mais, quelque part, Ben, ça a ses la. limites, tu sais, quelqu'un qui attrape le sida ou qui attrape le Non, cancer. mais là, tu Je parle pour. Je parle Ouais. pas pour. Des Bon. trucs irréversibles, ouais. Mais c'est parce que, à force d'être pour la vertu, le monde, on ne peut pas être contre la vertu. Ouais, mais c'est parce que c'est le terreau du vice. Puis l'enfer, il est pavé de bonnes intentions. Puis c'est souvent contre-productif, là. C'est pour ça qu'on ne juge pas l'intention, justement. Au niveau de la spiritualité, ils vont dire, ah, oh, ben c'est l'intention qui compte, on ne juge pas l'intention. C'est l'intention qu'il faut juger, pas. Ben oui, mais ça en est ça du mysticisme et de la rationalisation. Puis. Ouais, mais sinon l'autre adage qui dit que la fin justifie les moyens, donc peu importe l'intention, c'est le résultat qui compte. Est-ce que c'est mieux? Ben, quelque part, c'est vrai que la fin justifie les moyens. Ça dépend de comment tu te sers de cette phrase-là pour justifier quoi. Parce que moi, tu me dis. Il va rentrer un fou chez vous, puis il est dans un état psychotique qui n'est pas maîtrisable, puis le seul moyen que tu as, c'est de ramasser une hache, puis dès qu'il va arriver, puis là, tu n'as pas le temps, puis il dit, OK, je vais le faire. Si j'ai pas d'autres possibilités, si j'ai pas d'autres solutions, si je regarde toutes les portes, puis je vois juste ça, ben, je vois, la fin justifie les moyens, puis c'est avec des phrases creuses de même qu'il y a du monde qui se suicide aussi, quelque part. Mais c'est avec les mêmes genres de phrases que du monde qui mettent des millions dans de la prévention, puis que là, t'as du monde, ça justifie qu'ils ont étudié en, je sais pas quoi, en sciences sociales, puis là, sont dans des programmes subventionnés de ci, pis de ça, de prévention de ci, pis de ça. Dans le fond, c'est pas mauvais, ça fait vivre du monde, ils Ben, ça payent crée du des impôts. travail, ben c'est ça, les Bah travailleurs ouais. sociaux là, qui font des campagnes de prévention dans les médias puis dans les CLSC, Ben oui, ben. ben tout d'autre, tu sais, puis si ça les amuse. Mais il reste que je crois pas à l'efficacité de ces campagnes-là. Ah, mais tu sais, c'est pas que j'ai quoi de mieux à amener, mais je pense qu'il y a une illusion là-dedans. Puis je pense pas que les Québécois, le taux de suicide a baissé à cause qu'on en a parlé, puis de la prévention. C'est pas ça le phénomène. Et le Mais il y a phénomène des qui fait choses, que le attends une taux de minute, suicide a que. baissé, il est Ouais. lié à de contexte social puis à des détails. Ouais. Mais des fois, il y a des choses qui donnent des résultats. Tu sais, par exemple, la prévention de l'alcool au volant par rapport aux gens qui sont morts en lien avec la consommation d'alcool. J'avais déjà entendu parler de statistiques qu'il y avait eu une baisse suite à ça. Ouais, là, oui. Oui, parce que là, c'est vraiment l'entourage qui va t'enlever tes clés. Mais quelqu'un qui est suicidaire, puis que personne ne le sait, tu peux pas y enlever sa vie des mains, puis tu fais ce qu'il veut. Puis il sera pas sur. Lui, il va être en cachette sur le bord du suicide. Il est pas comme d'un party, ben il est chaud que tout le monde le voit. C'est pas pareil, ça se presse. Je vois pas ça comme la même chose. Mais il reste que tranquillement, bon, ben, c'est pas efficace à court terme. Je trouve pas ça efficace à court terme. Peut-être qu'à long terme, oui. Parce qu'il y a une éducation qui se fait, puis il y a de quoi qui s'intègre au niveau des masses. C'est correct, pareil. Mais il reste que. Puis même, je pense qu'on nous cache les statistiques de suicide. Je pense qu'on n'a pas les vrais chiffres. Je me fie pas, moi. Mais ça pourrait être sujet C'est de bien dit ça, là. discussion, mais moi, ce que je sais, par contre, c'est C'est que bien dit ça, j'avais... parce que on sait sur Ouais. ça, parce que j'ai pas les données que je voudrais, parce que ça, moi, je serais porté à vérifier ce que ça me dit d'en voir si. Mais d'après moi, il y en a pas mal plus qu'on pense. Puis, c'est quand ils n'ont pas besoin de compiler statistiquement ou que, d'après moi, ils s'arrangent pour pas. Puis, il y a bien des accidents qui passent pour des accidents, c'est des suicides. Déguisé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup Des de accidents suicides déguisés sont d'enfants. des accidents, ouais, dans certains cas. Ouais, mais c'est tu sais, là, quand t'as un petit enfant de 8 ans là, qui se fait frapper, là. Il y en a qui se calissent en avant du char, c'est pas une joke, là. Il y en a des suicides d'enfants, non, là, ça cause des accidents. Ils le savent quand même. Et il y en a en masse qui se suicident, mais ça c'est tabou. Personne ne le voit, personne n'en parle. Mais il y a des enfants de 7, 8, 9 ans qui se suicident. Accident, noyade, accident de la route. Ah ouais, pas sûr, moi. Il y en a là que. Non. C'est des suicides. Tu sais, l'enfant, il y a des enfants qui commencent à plafonner au niveau là, du développement psychologique, ils commencent à développer d'autres choses. Je veux dire, ce que du monde a vécu dans la vingtaine, il y a longtemps, il y a quelques décennies, il y a du monde bien plus jeune qui le vit, là. Ça va vite. Il y a des enfants à cette heure-là, à 8-9 ans, ils ont le développement psychologique, ils ont des grosses souffrances psychologiques complexes, puis des grosses peurs, des grosses craintes existentielles. Il y en a des enfants qui se suicident. Personne qui en parle, mais souvent ils vont se garrocher en avant d'un auto, ils se lancent en avant d'un auto, ils se noient. Ils s'arrangent pour se noyer, des choses comme ça. Mais ça, statistiquement, on compile ça comment? Les propres intervenants, le médecin légiste, ils veulent pas le voir que c'est un suicide. Parce que c'est inconcevable. Ouais, ben là, on en revient à la question de la subjectivité dans la perception. Tu sais, tu vas avoir de la désinformation du réel de par Oh, l'individu, puis. je me demande s'il n'y a pas des bébés qui se mettent pas le cordon autour du cou. Ouais. C'est une bonne question. Ouais, je sais pas. Ben, malgré, normalement, l'homme n'est pas dans le corps encore. Pas avant, mais on sait pas. Un accident, puis avant que le premier respire rentre dans le bébé, l'homme est déjà. Puis, c'est plus juste des gestes mécaniques, c'est. Ouais, une forme d'auto-sabotement ontologique. Pourquoi pas, si entre-temps il a perçu sa programmation, puis ça ne tente pas, lui. T'sais, on le sait, c'est ça, là, c'est là où ce qu'on est limité. Puis même statistiquement, on ne le sait pas. Donc c'est difficile de savoir les effets. Puis si vraiment la société, telle décision, puis on cache les véritables effets des programmes sociaux. J'ai pas confiance pour avoir vu des côtes. En tout cas, Non, je comprends ce que tu veux dire. je connais pour le reste. Okay, je vais passer à la question Merci. numéro 10. Est-ce que ça te manque de ne plus faire de vidéos sur YouTube? Non. Oh OK. non. Non. Pas du tout. Donc, c'était, tu sais, à amener cette question-là en 10e position, puis ça fait comme une ouverture pour voir si à quelque part tu veux refaire ou non dans l'avenir des d'autres vidéos, là. Ben, je vais me reposer. Attends, je vais faire d'autres choses. OK. Je vais me concentrer sur d'autres choses. Puis, j'ai jamais voulu non plus faire de quoi que je me sentirais irresponsable ou qu'il faut que je m'investisse. Puis, j'ai tout à fait ça pour me garder une liberté. Puis, là, moi, j'ai envie de mettre en pratique ce que je parlais. Ça me tente plus d'en parler, ça me tente, moi, d'intégrer par l'expérience. Mais ça peut se faire aux deux niveaux, hein. Tu sais, tu peux parler quelque chose, tu t'expérimentes, tu reviens sur ce que tu as Je veux pas vécu, être puis parler. décentré Oui. dans mon expérience, parce OK. que je veux pas être. De... Je veux pas. Non, parce que c'est extrêmement énergivore. Avoir des liens avec le public, ben c'est comme je te disais, j'ai des fois des choses, je suis sûr que c'est de la télépathie avec du monde qui m'ont vu sur Internet. Puis il y a des conversations internes que j'ai que Sure, c'est du monde en gérance. Puis plus je devenais populaire, tu sais, plus que j'avais d'abonnés, plus que je sentais des affaires à distance. J'étais plus capable de passer. Puis même des fois, quand j'avais sorti quelque chose qui devait faire de la chicane ou je sais pas quoi, là j'avais des nuits extrêmement agitées. Parce que veux pas, télépathiquement, je suis lié à plein de monde. Parce que je me suis exposé. Puis bon, ben le fait de plus être aussi engagé, puis tout, ça a permis de couper certaines affaires. Puis en venant plus sensible aussi, j'ai pas envie de sentir tout ça. Ça me tente pas de sentir. C'est comme pas longtemps avant qu'il y ait un décès, je sentais quelque chose. T'sais, comme je t'écrivais, je dis, il va arriver de quoi, mais je sais pas quoi. Mais je le sens, c'est comme. Tu sais, il va y avoir du tonnerre, puis t'entends plus rien. Puis il y a comme il manque de l'air, on dirait, il y a un vide. C'est électrique le fait, on dirait. Puis après, une fois qu'il y a eu la décharge, là, que là, OK, c'était ça. Mais j'ai pas envie de vivre de même. J'ai pas envie d'être en train de faire quelque chose. Je suis centré à faire quelque chose, puis tout d'un coup, je me sens décentré par. Puis je sais même pas quoi. Puis c'est à distance. C'est du monde que je connais même pas. Ça me tente pas, moi, de. Puis même, là, je suis même pas sûr, c'est ça le phénomène, je le Non, sais non, pas. mais en lien avec ça, moi aussi, j'ai l'impression d'être en contact avec des gens à distance. Puis des fois, ce qui m'arrive, c'est qu'à mettons, j'ai l'impression que quelqu'un pense à moi, puis qu'il m'écrit, puis je vais voir mes courriels, puis oui, il y a quelqu'un qui m'écrit, tu sais. Ben oui. Ben oui, ça, c'est comme dans les années fin 80, ça arrivait souvent. C'est tu penses à quelqu'un, puis le téléphone sonne tout de suite, c'est cette personne-là. Mais le téléphone, au fond, c'est un outil qui sert de palliatif à une incapacité télépathique. C'est-à-dire qu'on sort du téléphone parce qu'on ne peut pas s'appeler de cerveau à cerveau, ça prend une machine. Mais c'est normal que les deux phénomènes soient liés. C'est pareil avec les courriels. C'est pareil avec les courriels. Donc oui, il y a ça, là. Puis quelque part, je me suis rendu compte, si j'entretiens moins de liens avec des gens sur Internet, que je m'adresse moins au public, puis que, tu sais, que je parle moins de vive voix avec les gens, ben le côté peut-être télépathique quelque part, il s'affine, mais au moins j'ai plus de contrôle dessus. Je sens des fois que je suis plus sensible, mais au moins je sais pas, ça vient pas tout le temps me chercher, c'est quand je veux ou que. Puis ça me tentait pas non plus de. Ben, je l'ai déjà expliqué, là, je voulais pas. Je suis pas Guillaume Lemaitre vierge, moi, là. Tu sais, j'ai jamais voulu être public. J'ai jamais voulu être. Une Il faut que vedette. ça me manque, moi. Puis même, là, si je pourrais être une vedette, ben, je vais être l'antagoniste, pas le protagoniste. Parce que c'est. Je veux pas décevoir. Je veux pas qu'il y ait le monde ait d'attente, puis je veux pas avoir d'attente par rapport au monde. Puis j'aime autant passer pour. Tu sais, j'ai tout le temps choisi entre avoir de l'importance, puis passer pour pas correct. J'ai tout le temps choisi de passer pour pas correct, puis même des fois être rejeté. J'aime mieux être rejeté que d'avoir la responsabilité. De la bonne relation des autres. Mettons, surtout dans des contextes là, de groupe. Ouais, mais c'est parce que ça, ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est parce que ça amène une conscience où la personne, c'est sûr que si elle veut plaire à tout le monde, ben elle devient de moins en moins libre, là, tu sais, comme une politicienne qui une personne en politique qui est dans tout le temps une démarche de séduction auprès du public, ben finalement, Ben, il c'est est pas pas vraiment lui-même. dans ce sens-là. OK, non, vas-y. C'est pas vraiment dans ce sens-là, parce que le politicien, c'est vraiment dans un contexte. Tandis que là, non, c'est un autre contexte. Le politicien, lui, c'est sa job. Je veux dire, moi, ma job, c'est pas j'ai pas envie de. Il n'est pas question que. Je peux pas. Je peux pas. Je suis programmé pour rester caché. C'est ça que je peux pas, même pas imaginer ça autrement. Puis même, c'est arrivé en conflit, ça, parce qu'à un moment donné, ben là, j'étais avec des gens dans le domaine culturel qui disaient, moi, mais si tu veux faire connaître au niveau des arts visuels, puis tout, faut que. Puis genre, non. Non, non, non, non, non. je veux rien savoir du monde. Puis il dit, ouais, mais. Je dis, non, je veux pas. T'sais, ce que je veux, c'est l'œuf, pas moi. C'est pour moi l'œuf. Moi, je veux m'appartenir. Puis il dit, non, ça ne peut pas être demain. Faut, à cette heure, on est dans le. On est dans le spectacle. Même l'info est spectacle à cette heure. C'est comme. C'était plus moyen de. C'est calique, là, vraiment, là, c'est enrageant. Tu regardes les nouvelles, là, tout est de même à cette heure. Ben T'sais, oui, là, mais t'as ils regardé le prennent un slush. air triste parce qu'ils t'annoncent une tragédie, mais dans le fond, ils sont bien contents d'avoir de quoi de choquant de sortir, puis d'avoir l'attention, puis savoir qu'ils font de l'audimat, puis Ben, ils sont bien c'est contents. ça À que chaque j'allais dire. tragédie, ils se garochent, puis ils sont comme des bébites. Ils sont au-dessus comme on dirait des rats au-dessus d'un cadavre, on dirait Des des vautours vautours, au-dessus ouais, d'un trou. exactement, là. C'est une T'sais. gang de hyènes. Moi, je comprends même pas comment est-ce qu'ils sont capables de faire ça, puis qu'il n'y a rien intérieurement qui les bloque. Moi, je vais faire ça. Je vais me faire arrêter. Il va me faire arrêter par en dedans. Il va me faire empêcher d'agir de même. Mais non, ça, on dirait que c'est l'odeur du sang, quasiment. Puis même de toutes les autres formes de déjection, quand ils ont un scandale bien dégueulasse, là, une écœurenterie, là, on dirait qu'ils aiment tellement ça. Ben moi, même au niveau de montrer quelque chose de beau puis de bien, je suis pas dans la démonstration de même. Ça me tente pas. C'est comme vulgariser de quoi qui devient vulgaire, ça devient plus intéressant. Puis aussi que, tu sais, moi, je veux pas le monde. J'ai pas d'ambition. Je veux juste que ça soit simple, puis avoir la paix, puis faire ce qui me tente quand ça me tente. Je voulais pas faire comme d'autres ont fait. Puis même un motivateur comme Jean-Marc Chaput, là, Sacrifice, là, ça c'est trop pour moi. Je serais pas capable. J'aime pas assez le monde. Peut-être je les aime trop, je sais pas. Ben, ça dépend dans quel sens qu'on parle d'aimer les gens, là, c'est sûr. Ben j'aime pas l'aspect faut gérer les relations publiques, ça, non. Puis même là, le monde, bon, admettons là, que je suis disponible, puis que tout le monde a mon numéro, puis tout, puis quelqu'un m'appelle, puis l'aide qui me demande est légitime, ils veulent l'avoir, puis moi, j'aurai plus de vie, puis ça va être de même tout le temps. Parce que j'étais un peu porté de même, comme quand j'étais dans le communautaire, ben, c'est pas long que ça s'est su que j'étais bonasse, puis finalement, pour que ça finisse mal, des fois, tellement le monde y ambitionne, ben, il fallait que je me choque, puis je devienne méchant pour avoir la paix. Puis ça me tentait pas. J'ai tout le temps en même temps, dans mes vidéos, j'ai tout le temps un peu joué avec mon image pour que le monde soit pas sûr. Que le monde soit pas sûr à quoi ils ont affaire. Pour qu'ils se disent, coudonc, c'est un fou ça. Puis là, moi, je te rappelle Ouais, peut-être. ben en même temps, tu peux intriguer les gens, puis ils vont encore plus envie d'écouter tes vidéos parce qu'ils vont vouloir essayer de te comprendre. Ouais, puis même là, ça c'est un piège, là. Je veux dire, il n'y a rien à comprendre. Ouais, mais c'est ça, mais plus que tu dis qu'il n'y a rien à comprendre, mais plus qu'il y a des gens qui vont vouloir peut-être réécouter les vidéos pour dire, ah, tu dis qu'il n'y a rien à comprendre, c'est parce qu'il y a quelque chose de caché derrière ça. Ben non, c'est ça la grande affaire. D'arrêter de se casser la tête, puis de. Même, je dis, j'ai l'impression d'être devenu moins intelligent intellectuellement, mais j'aime bien mieux ça de même. Ça va bien plus vite, je me sens bien moins con au niveau de la pratique là, dans la vie de tous les jours. Puis même là, j'ai tout le temps eu un sens de l'humour un peu. Tu sais, il y a bien des affaires dans les vidéos que c'était de l'humour, là. Parce que je suis bien. Il y a des affaires que je trouvais bien sérieux, puis j'étais bien sincère, puis tout. Mais il y a certains aspects là, que c'était rien que de l'humour, puis c'est en voulant dire. Parce que c'est arrivé des fois, du monde me dit, écoutons, êtes-vous fou? Puis là, je leur répondais, je le sais pas, mais Qu'est-ce comme que je t'en doute quand penses? même de ma Ouais. lucidité, puis que les fous se pensent tout le temps lucides, j'imagine que ça vient confirmer ma lucidité. Mais là, comme là, je me pense lucide, peut-être que je suis fou. On fait quoi? Puis là, le monde, il finissait, mais qu'il mâchait plus que des questions de même, Non, mais non, quand mais même. tu peux retourner la question à la personne. La personne a posé la question et tu te fous, tu réponds qu'est-ce que t'en penses? Ben là, tu. Au lieu de te défendre ou quoi que ce soit, ben là, tu ramènes la personne à elle-même, le juge par toi-même. Ben, quand c'était en philosophie, puis qu'on me demandait ça, ils disaient, êtes-vous fou? Je répondais, mais certainement. Oh! Tout le temps, c'est automatique. Eh oui, mais tu sais, si t'es assez calme à me poser une question de même, tu mérites pas une réponse qui a de l'allure. Tu mérites que je te dise que t'as raison. C'est comme quelqu'un qui arrive qui vient dire, écoutons, le ciel est-tu. Si tu mots, le ciel est rouge. Ben oui, tout à fait, vous avez parfaitement raison, le ciel est rouge. C'est un revire de bord. Puis, tu sais, c'est un peu ça, mais non, j'ai jamais voulu. Même, je faisais exprès, peut-être, pour. Je vais pas quand même trop. Puis, pas non plus. Je voulais pas non plus devenir important, parce que je sais à quel point c'est dangereux, ça. Ouais, c'est Puis, ça, pour pas que les gens fassent d'une religion par rapport, entre autres, à pas nos. juste ça, Ouais. juste avoir une influence. Avoir créé de l'impression trop, puis que c'est trop fort. Ça, je vois pas ça parce que je le sais, c'est quoi. Je sais d'où ça vient, je sais comment ça marche, puis je sais que c'est pas bon. Fait que là, l'affaire, c'était bon, ben, il fallait tout le temps que je me tienne sur une ligne, puis que je sois ni trop d'un côté, ni trop de l'autre, que je sois tout en plein milieu, là, pour être sûr que le monde, ils savent pas à quoi s'en tenir. Puis ça, il fallait que j'y pense d'avance, parce qu'une fois que je filmais, je pouvais plus me permettre de le penser d'une façon stratégique. Fait qu'il fallait que je me mette dans un mode que j'allais agir de même, sans y penser. Mais fallait que C'était tu y tout un jeu penses, fallait pas que tu avant y... d'avance. Ouais, mais c'est parce que là, à ce J'essaie moment-là, juste de ça me veut dire mettre que tu dans as cette réfléchi à ça. ambiance-là. Ouais, d'avance. Mais Oui. ça revient de la programmation. C'est comme quand faut tailler un rendez-vous, puis tu le sais que même si t'as mal partout, faut pas que ça paraisse, puis que tu te mets dans un mode que tu te conditionnes que le temps que tu vas être là, tu ne ressentiras pas de douleur. C'est un peu le même. C'était le même genre de je m'auto-conditionnais un petit peu, je disais, OK, là, faut que je sois dans telle vibration, si on peut dire, dans telle ambiance, parce que le sujet est trop sérieux. Puis il faut que j'aie l'air pas sérieux. Puis là, fait que là, je me mettais, puis là, m'amener, puis là, pouf, à m'amener, j'y pensais même plus, ça partait. J'étais comme en vibration, j'allumais l'ordinateur, puis je faisais mon affaire. Puis là, après, je me réfléchis. Là, je faisais le montage, puis là, je voyais, c'était exactement correct. Puis c'était parfait. Mais le temps que je le faisais, j'avais pas à y penser, mais c'était ça que ça prenait pour que ça soit ajusté. Il fallait en même temps que je me prenne pas au sérieux tout en n'étant pas totalement ridicule, tout en, tu sais, c'était vraiment touché. C'était vraiment touché, puis je voulais pas tomber dans des. J'avais observé plusieurs années de temps ce qui se passait, puis je voulais pas répéter certaines erreurs que j'avais vues. Puis c'était important pour moi que ça soit intégré au niveau de la pratique, puis que j'agisse pas comme des affaires que j'avais remarquées qui avaient été faites, puis que je voyais quelque chose là-dedans pas correct. Pas dans le sens de pas bien, mais dans le sens que c'était pas ajusté. Je voulais pas non plus trop m'ajuster au monde. Parce que, à un moment donné, ben, si tu t'ajustes trop au monde, ben, tu vas te mettre à parler d'affaires que c'est plus ça que tu voulais parler. J'ai pas envie, moi, de parler d'ésotérisme, genre les entités de tel plan, puis telle affaire, puis. Si tu t'ajustes trop au monde, à un moment donné, ils vont te mettre des sujets de même, puis ça va s'imposer sans s'en rendre compte. C'est pour ça qu'à un moment donné, je pense qu'il y a eu des conférences qui ont été faites dans les années 80 sur des sujets totalement ésotériques qui ont aujourd'hui, il n'y a plus personne qui parle de ça, mais c'était parce que ça venait d'un ajustement au public. Ça faisait partie des préoccupations du public, c'est ces formes-là qui vibraient pour lui, puis le monde, il s'ajustait au public. Mais ça fait de quoi de moins temporel? Tu le réécoutes 20 ans après, puis même si la vibration est encore là au niveau de la forme, tu peux même pas faire une introduction à un nouveau public. Puis je voulais quelque chose d'intemporel. Je voulais de quoi qui est pas rattaché à. Je voulais pas non plus qu'on m'associe à une gang ou à une autre. Je voulais pas qu'on m'associe à une époque. Je voulais pas qu'on m'associe à un mouvement. Je voulais pas qu'on m'associe à une idéologie. Je voulais pas être étiqueté. Fait que j'ai dit, bon, ben, le meilleur moyen, un biologiste, quand il met pas d'étiquette sur de quoi, c'est parce que ça a tellement pas d'allure, il a tellement jamais vu ça qu'il peut pas remettre d'étiquette. Ouais, Fait que quoique ce qui est arrivé, c'est que présentement, il y a des gens, entre autres dans des groupes en lien avec la conscience supramentale sur Facebook, qui t'ont associé à ça, tu sais, qui vont relayer tes vidéos. Ben moi-même, j'en ai ben, relayé c'est bien quelques-unes, là correct. aussi, là, tu sais, j'ai participé à ça, Ben, mais tu je sais, veux dans le dire. fond, il reste que c'est ça pareil. Mais c'est certain que, admettons que je reviens, puis c'est un Ouais. peu comme à un moment donné, là, Bernard, il parlait plus de supramental, il parlait de psychologie évolutionnante. Puis si jamais je décide de jouer pour moi dans 10 ans que je refais un retour puis tout, là, j'ai plus question. Je vais. Il y a des termes que j'avais dit que je parlerais pas, je les ai pris pareil, j'en ai parlé pareil. Je m'ajustais un peu. Mais ce qui est en train de devenir en tant que milieu social, en tant que mouvement social, le supramental, puis le supramental en tant que phénomène individuel, c'est tellement pas la même chose. C'est tellement pas pareil. Je fais une grosse différence entre le côté social de tout ça, puis ce que je vis dans le privé. Puis je vois pas le. C'est lié à des consensus collectifs sur certaines formes, puis j'y reprendrai pas. Je les reprendrai pas parce que ça aurait trop d'affaires. Ça. Puis même là, il commence à y avoir de quoi dans ce sens-là, des réactions. Puis en ce moment, c'est désajusté, là. C'est pas ajusté, c'est un petit peu violent. Mais ça va s'ajuster. Ça va s'ajuster. Il va y avoir un changement. À un moment donné, c'est pas fini, là. C'est pas fini. Et puis c'est pas moi, là. Je veux dire, il va arriver mieux. Ben, il va arriver des choses différentes. C'est sûr que Ben oui. ça fluctue dans le temps. Il y a des nouvelles formes qui sont introduites dans des Oui. systèmes. Il y en a anciennes qui T'sais, disparaissent. Ouais. j'ai l'impression, moi, d'être un acteur amateur de théâtre d'été, puis il y en a qui me prennent pour un acteur shakespearien extraordinaire, tandis que c'est pas le cas. Il y en a d'autres, par contre, ils voient pas qu'il y a un petit quelque chose pareil, que je suis pas si pire. Pas si pire. Mais ils veulent à tout prix voir le pire acteur de l'histoire du monde. Bon, c'est correct, t'sais, je veux dire, je suis polarisé dans les deux extrêmes, mais je sais que je suis dans le milieu, là, ben, tu sais, peut-être plus vers le mauvais acteur que. Mais il reste que. Moi, je suis pas là pour. J'ai bien hâte de voir ce qui va arriver, puis ce qui va se faire, puis ce qui va venir. Une des choses qui fait que j'ai décidé de parler, c'est que je voulais que ça soit un catalyseur de certains phénomènes que je trouvais, que je savais que ça serait un amplificateur, puis tout, mais aussi parce qu'il y a des choses que je voyais, c'était pas parlé, il y a personne qui le parlait. Ou une affaire, je voyais un angle que c'était pas vu. Mais c'était vraiment, là, j'avais beau regarder chacun, puis partout, il y a personne qui voit ça, il y a personne qui aborde ça. Comment ça, telle affaire, ça allait. Puis ça me donne. J'ai dit, bon, ben, moi, je vais le faire. Moi, je vais le parler. Et on ne sait pas, peut-être. Moi, là, je veux voir ce qui va arriver. Peut-être, mais je suis pas tout le temps à regarder ce qui se passe. Si j'ai de quoi à savoir, je vais être mis en vibration pour le voir, puis je vais me tenir au courant. Mais je ferai jamais partie de. C'est comme on dirait qu'il y a un milieu social, le supramental. Et ça, je le rejette totalement. Je veux rien savoir. Je sais, je veux dire, pas dans le sens que je le polarise puis que je le rejette totalement, mais c'est quelque chose avec lequel, oui, j'ai des rapports, puis tu sais, comme on a des bons rapports Ben, c'est ça, avec. mais en même temps, je veux dire, Mais je veux pas en faire partie. Non, je comprends, mais en même temps, tu vas peut-être être senti plus proche de ce milieu-là que les catholiques fondamentalistes. Oh non. Ou les gens dans le nouvel âge Oh qui. non, quand je regarde ce milieu-là, je me sens plus proche du monde d'une firme d'ingénieurs que de ça. OK. Ou les Grecs, là, Gressou, qui gèrent le restaurant un peu comme des mafieux, là. J'ai travaillé avec du monde de même, je me sens bien plus d'affinité avec du monde de même. Je me sens plus d'affinité avec bien des milieux qu'avec celui-là. OK. Je me sens. À mes yeux, ça en est presque du nouvel âge. Je parle de milieu, là. Je parle pas tout ce qu'il y a dedans, puis je généralise pas, mais pour moi, c'est un rapport avec. C'est un milieu qui est beaucoup lié à du développement personnel, puis à du philosophique, puis il y a de l'ésotérisme à travers, puis il y a du spirituel beaucoup. Puis le milieu, je parle le milieu avec tout ce qu'il y a dedans, puis je peux pas me sentir d'affinité avec un affaire dans le. J'ai jamais été vraiment spirituel, là. T'sais, les phénomènes qu'on vit, puis tout, puis qu'on constate, parce qu'on n'a pas le choix, mais de là être là-dedans, puis penser rien qu'à ça, non. Je me sens plus d'affinité avec. J'ai presque envie de dire, même je pourrais sortir des exemples, ça serait pas ajusté, mais je me sens pas d'affinité avec ce milieu. Je me sens plus proche de notre premier ministre, François Legault, que de ce milieu-là. Je me sens plus proche de ce monde-là que tout le monde haït. Ben, pas tout le monde, il y en a qui l'aiment, c'est pour ça qu'il est là. Mais je me sens plus proche de. sais, je me sens bien plus proche, moi, là, de... Comment je pourrais dire? C'est bien difficile pour moi à définir, mais je me sens pas que je fais partie de ça du tout. Oui, mais implicitement, d'avoir produit plusieurs vidéos, il est question du sujet en lien avec le supramental, fait en Oui. sorte que les gens t'ont associé à ce milieu-là. Ouais, mais j'ai jamais été dans rien. Vous me verrez jamais nulle part. Je veux dire, je me tente pas d'aller. J'ai pas le côté. Il y a quelque chose là-dedans qui est. Je vis une expérience, puis j'ai besoin, pour me situer dans mon expérience, d'être vu puis reconnu par d'autres qui vivent des expériences semblables. Puis là, on se met en gang de gens qui peuvent échanger là-dessus puis se comprendre. Moi, j'ai pas besoin de ça. Ça m'intéresse pas. Ce que je vis, je vais le vivre pareil. Que j'en parle pas, ça peut avoir un effet pareil, mais au niveau de me reconnaître, d'être vu dans le regard d'autres, puis de me situer dans mon expérience. Puis, tu sais, le côté, là, thérapie de groupe qui se met. Ouais. Ça, non, j'en ai pas besoin. Je ressens pas ce besoin-là, même si pour socialiser, je vais être plus porté à socialiser avec la madame qui travaille au dépanneur à la caisse, puis à parler de banalité avec, que d'avoir envie de socialiser de ces choses-là avec du monde là-dedans. Mais en même J'aime mieux. temps, tu sais, si tu veux être stimulé vibratoirement, Je vais l'aider, mais pas par du monde. ouais, mais je sais, mais je veux dire, ça devient délicat, là, parce que dans un sens, tout le monde peut stimuler à un certain niveau, mais je veux dire, il y a des gens qui sont plus stimulants que d'autres à parler avec eux, tu sais. Ouais, mais moi, le stimuli, je veux pas qu'ils viennent. Je veux pas être dépendant de le social environnemental. OK. Le stimuli, quand il y a d'affaires à être là, faut qu'il vienne de partir dans pas du dehors. Puis, j'ai pas envie non plus de créer une interdépendance au niveau de la parole puis des partenaires de parole comme j'ai vu. Puis comme j'ai vécu aussi. Parce que quand tu le perds, là, la personne qui te faisait parler, là, puis qui arrive de quoi, c'est rough. Puis, à cette heure, non, j'ai fini par me dire, bon, ben là, gars, ça va être. Seul. Tu sais, il paraît qu'on n'est pas intelligent tout seul, mais à ce niveau-là, ça va être. Parce que, non, moi, à finir avec du monde que finalement, un puis l'autre, il mélange c'est de la spiritualité avec de la philosophie, avec. Puis finalement, que. Tu sais, je fais plus, je sais pas de quoi parler. Parce que pour moi, ces affaires-là, c'est pas intéressant. Non, non, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que je voulais quand même te mentionner que par rapport aux vidéos que tu as produites, parce que j'en ai plusieurs d'hébergées sur ma chaîne, au fil des derniers mois, j'ai eu plusieurs commentaires d'appréciation par rapport à ces derniers. Et dans les invités que j'ai interviewés, ben, j'en ai quand même plusieurs que j'ai interviewés là, sous forme d'entrevue sur ma chaîne. Tu es celui qui, au fil du temps, a eu plus de commentaires d'appréciation venant du public. Ben, tu sais, celui qui va être populaire, celui qui en veut pas. Ben, c'est un paradoxe, hein? Tu sais, c'est comme Ah oui, le... c'est ça. Ouais. Puis c'est ceux qui voudraient, là. Ben, ça marche moins. Ben, c'est normal, dans le fond, là. Quand la personne a vu que tu la suives, là, il y a un signal d'alarme. Fait que c'est normal que le monde aille vers. En tout cas, tu sais, je dis pas que je suis plus appréciable qu'un autre, ça donne de même. Mais c'est souvent tout de même, c'est un peu comme dans le taoïsme, on va dire, ben, il faut que tu donnes l'autorité impériale à celui qui veut pas du pouvoir. C'est le seul qui. Puis dans le fond, je pense que si j'ai eu cet effet-là, c'est parce que j'en voulais pas de suivre. J'en voulais pas d'admirateur. Puis j'en veux pas encore. Puis quelque part, je pense que ça se sent. Tu sais. Je prends pas ça comme d'autres prennent ça, puis c'est pas ma raison de vivre. Puis ça le sera jamais non plus. Mais je dis pas qu'il y en a que c'est leur unique raison de vivre, c'est pas ça l'affaire. Mais l'espèce de côté, là, je m'en calisse, là, ça c'est charismatique. Puis c'est un petit peu contre mon gré que ça a fait ça. Mais j'ai fini par le voir de même, j'ai dit c'est ça qui. Il y en a un qui parlait à un moment donné d'un personnage joué par un acteur, puis il dit le personnage est charismatique parce que il s'en calisse tellement. tu sais, de ce qui se passe autour. Mais dès que ça devient grave, tout d'un coup, il redevient sérieux. Puis il dit sacré au niveau du public. Une espèce d'empathie, genre, lui, il est au-dessus de ses affaires, mais pas quand c'est le temps de pas l'être. Puis j'ai l'espèce de je m'en foutisse, puis de côté arrogant, mais arrogant à la fin. Tu sais, c'est comme un chien sale, mais sympathique. Mais, tu sais, dans le sens positif du terme. Puis, je pense que c'est ça qui a fait ça. Je vois pas d'autre façon. Et souvent, j'ai remarqué, c'est un peu comme le monde qui aime pas les chats, il attire les chats. J'ai remarqué ça. Ben, moi, j'aime les chats, ils viennent me voir pareil, mais il y a des gens qui détestent les chats, puis les chats vont vouloir aller les voir tout le temps. Mais, c'est sûr. C'est certain, mais je veux un chien, pas un chien parce que ça fonctionne pas de la même façon, mais c'est sûr que ça fonctionne. Puis le monde, ben, c'est plus proche, malgré de. En tout cas, c'est plus proche de. Même si les chiens sont l'air plus compris par les humains que les chats, c'est plus proche qu'un chat d'un chien du monde. Puis ils vont aller vers. Parce qu'il y a une charge contraire. Tu sais, j'essaye là, de le rationaliser, mais dans le fond, je le sais pas. En tout cas, peu importe, je voulais quand C'est même peut-être te. juste tout simplement parce que Oui. c'est du tac au tac, c'est tout. Puis j'accorde pas d'importance au niveau de. Je le sais que j'en dis des conneries des fois. Puis c'est pas grave, je vais pas me bloquer pour ça. Puis des fois, je dois l'air fou. C'est pas grave. Puis il y a ce côté-là, c'est pas grave. Que c'est. Tu Ouais, mais sais. ouais. Ben moi, ça, j'ai voulu donner ce que moi, j'ai jamais vu. C'est ça, dans le fond, j'ai voulu voir aussi si le monde allait le voir. J'ai jamais vu ça, tu sais, quelqu'un qui dit, ben, au fond, c'est pas grave, puis on fait comme on peut, puis ça marche pas, ben, coudonc, puis ce que j'ai l'air, c'est pas important, puis j'ai peut-être tort, puis on verra, puis j'ai jamais eu ça, moi, quelqu'un de ce domaine. J'ai tout le temps vu des professeurs qui étaient pleins d'orgueil dans leur l'affaire, ou bien du monde qui se prenait pour des je sais pas quoi. Puis, mais quelqu'un qui arrive sincèrement, que sur ça d'après moi, c'est ça je le sais pas, ça me dit ça me dit pas ça, puis peut-être que je suis dans le champ, peut-être que j'ai raison. Il y en a, je l'ai pas vu ça. C'est ça que j'aurais voulu. C'est un mentorat de ce genre-là ou un accompagnement ou quelque chose de ce genre-là que j'aurais voulu. Puis, comme je disais, j'ai dit parce que il y a des choses que je voyais pas, que c'était pas possible. Ça m'a forcé j'ai eu envie de parler. J'ai eu la vibration de parler. Puis finalement, ben, j'ai donné la vibration que je cherchais. T'as répondu à ton besoin. Moi, ben, je me suis dit, comment ça se fait que. Je veux dire. Ils pensent tout que. C'est coulé dans le béton, ça, là. Puis, il y a des affaires. On va faire. C'est ça, là. On va faire une doctrine. Il y a des choses, je regardais ça, je me disais. Non, il y a quelqu'un qu'il faut qui chie là-dessus, à mesure, avant que le ciment soit sec. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il ait donné qui ait garroché du change, faire de quoi. On peut pas attendre que le béton soit figé. J'avais un sentiment qu'il fallait que je fasse quelque chose, puis je savais pas trop quoi. Puis finalement, je parlais comme ça venait. J'ai eu mes propres expériences, j'ai côtoyé le monde dans le milieu que je voulais côtoyer. Il y en a, tu sais, je voulais juste parler avec. Puis finalement, bon, OK, ça a donné, bon, ben comme il n'y avait pas beaucoup de temps, finalement, j'ai payé pour venir parler avec. Mais quand le monde y reçoit en consultation du monde qui ont soit des troubles d'angoisse ou des troubles d'estime de soi, puis j'arrive, je dis au gars, ben moi, je veux juste jaser avec toi. Tout va bien, puis j'ai pas de problème à régler. C'est juste, je voulais te parler, fait que je te paye. Puis finalement, tu sais, je peux pas faire ça à chaque fois. Puis finalement, bon, ben, j'ai eu après ça le monde avec qui j'ai jasé, qui était régulier. Puis. J'ai vécu ce que j'avais à vivre là-dedans. Finalement, ce que je pensais, certaines choses que je pensais se sont confirmées, d'autres non. J'ai vu qu'il y avait des affaires plus subtiles que d'autres. Bon, excusez, j'essayais de tasser un papier. Mais là, c'est ça. Ben non. Au fond, là, tout ça, là, c'est le résultat de ce qu'on est en devenir tout le temps. Je veux dire, le cheminement, puis les lois exactes du processus, puis. La fin s'échappe devant les moyens. À un moment donné, il va falloir que ce soit comme ça. Les moyens se font tout seuls, puis c'est la fin qui va être. Puis c'est pas une fin en soi. Ouais. Sinon, dans un autre ordre d'idée, comme l'objectif de l'enregistrement à soir, c'était par rapport au lancement du livre en PDF, là, par rapport à des transcriptions d'entretien qu'on a faites. Je voulais quand même avoir ta réaction, parce qu'on avait parlé de ce projet-là, tu sais, il y a plusieurs semaines. Là, ça s'est actualisé. Comment tu trouves ça? C'est bien correct. Ben moi, je l'ai trouvé bien correct, le livre. OK. Il y avait certains mots qui étaient remplacés par d'autres, mais c'est normal, c'est parce que j'ai un accent. Puis quand j'avais fait la révision, c'est juste ça que j'ai regardé pour être sûr que, parce que sinon, ça a changé le sens. Mais à part ça, oh, j'ai remarqué à quel point je dis terriblement souvent moi. Moi, là, c'est que j'étais tanné de. Je disais encore, tu parles d'une estime narcissique, maudit fatigant. Puis là, plus je me lis, je me relisais, Mais puis je t'es m'écoutais, sévère plus avec je toi. haïssais ce gars. Ben, c'est pas pour rien que je m'écoute pas. Mais faut Parce être doux que. envers soi, faut pas être trop exigeant. Ben, hey, j'exige rien, viens pas me dire, je suis trop exigeant. Non, mais je veux dire, tu me semblais très critique envers toi-même par rapport au choix des mots, là. Ben là, quand j'ai vu le nombre de fois où je dis ça, je dis, hey, là, ça va faire, là, jamais moi. Je l'ai compris, là. J'ai dit, OK, ouais. Ça ressort, là. Ça ressortait, là. J'ai dit, ah, oh, ben, je suis vaniteux puis orgueilleux, mais au moins, je le sais. Puis, j'ai jamais prétendu le contraire. Mais là, je trouvais que je revenais souvent. Puis, moi aussi. Puis, j'ai dit, ouais. J'aimais pas bien, bien ça. Mais pour le reste, je trouvais que c'était bien correct. C'était bien parfait. C'est sûr, ça, vu que c'est des interviews transcrites, ça a pas une forme. Comme d'autres choses, mais ça garde l'authenticité. Mais, tu sais, je veux dire, bon, moi, je trouve ça bien correct. J'ai vraiment rien à redire. Vraiment. Ben, tant mieux. Puis, ça a été vraiment, je veux dire, le travail, il était bien fait, puis rapidement, quand même. C'est moi qui ai retardé. À chaque fois que je voulais le réviser, il arrivait quelque chose pour m'en empêcher. Mais ça avait l'air voulu comme ça. Je dis, voyons, il y a de quoi qui veut me retarder. Puis finalement, non, c'était parce que les temps n'étaient pas. Puis ben là, peut-être je rationalisais, je me disais, oh, c'est parce qu'il fallait que, mais au fond, je le sais pas. La conclusion de tout ça, c'est je suis pas plus. Je suis pas plus savant qu'un autre, je suis pas plus initié qu'un autre, puis j'en sais pas plus qu'un autre. Je suis peut-être juste plus. J'ai moins peur peut-être de dire. J'ai moins peur, en tout cas, peut-être de passer pour un fou. Je le sais pas. Ça parle plus facilement. Il y a certains autres que j'ai vus. Mais c'est pas plus intelligent. C'est pas. Dans le fond, c'est un son de cloche que je donne. Je vais me donner un son de cloche. Puis là, ben, les autres cloches, ils entendent ça. Puis ils disent, ah, ben, c'est drôle, moi, ça sonne dans ma main. Puis bon, c'est à ça que ça sert à mes yeux, là. Puis tantôt, je disais de prostituer, mais il risque que ça revient à ça. Parce que mon son de cloche, c'est pas lui qui va faire que la clé de la gamme commence là. J'ai pas voulu ça non plus, puis ça peut pas être ça non plus. De toute façon, moi, dès qu'une cloche, elle pense elle-même qu'elle sonne juste, elle est disqualifiée. Je veux rien savoir. Moi, quelqu'un qui se pense réveillé, Mais ça, c'est c'est un pas autre pour sujet. La être. personne peut se croire réveillée, peut se réfléchir réveillée, mais peut-être qu'elle objectivement, c'est dans le savoir. Quelqu'un qui est réveillé, il écœure pas le monde avec ça. Non, il s'en vantera pas, il n'y aura pas un C'est ça. orgueil, hein? Ouais. Fait que, quelque part, il y a ça qui. Tu sais, j'ai pas la prétention d'être plus éveillé qu'un autre. J'ai juste des capacités qui sont différentes de perception, puis que ça s'est affiné un peu. Puis ça, si je me permets de dire ça, c'est parce que j'avais un rapport fait par des neurologues là-dessus. Mais même là, je suis pas sûr de rien. Puis à un moment donné, justement, je me disais, ça me disait que j'étais justement le résultat d'expérimentation, puis que ça avait été voulu de même, puis que j'avais été programmé pour certaines affaires, puis que j'avais un mandat, puis tout ça. Puis à un moment donné, là, ça a été égal, là, ça va faire arrêter de. Ça n'a pas rapport. Je nie même votre propre expérience. Je ne suis même pas sûr que vous existez. Tu sais, c'est pas drôle quand t'es. En tout cas, tu sais, Ah ouais, j'ai mon défi de venir me voir. Les forces, Moi, on dit, ah, n'importe quoi. les extraterrestres, ouais. Ah, n'importe quoi. Toute forme qui aurait la ressemblance à un ego, puis une quelconque prétention d'existence consciente. En dehors du système humain comme je le connais, j'ai mis ces forces-là au défi de venir me montrer ça. Puis ça a tout le temps été de même. Même quand j'étais plus jeune, puis tu sais, des fois, t'es jeune, t'es dans le noir, puis t'as peur, puis. Puis moi, je me forçais je voulais voir. Ça me dérange pas, moi, qu'il y ait du monde chez nous. Je veux juste savoir c'est qui, puis où ce qu'ils sont, puis ce qu'ils font. Ça revient à ça un peu. Puis moi, l'affaire, là, de transiger avec des forces, là, que tu sois des forces, peut-être. S'il faut que je nie, là, que tu sais, c'est comme si tu regardes quelqu'un, tu y parles, puis tu lui dis, moi, je considère que tu n'existes pas. Puis ça revient à ça un peu, ce que je fais. Une certaine. Quand je dis j'ai pas de certitude, puis on le sait pas, dans le fond, à quoi on a affaire. Moi, la personne qui va me dire qu'elle sait à quoi elle a affaire, là, qu'au niveau d'un contact, là, elle est sûre qu'elle sait à quoi elle a affaire, puis je crée pas ça. Moi, je ne sais pas à quoi j'ai affaire. Je le dis sincèrement, puis le but, c'était ça et tout, d'être sincère. Puis je ne sais pas à quoi on a affaire. Puis j'ai bien de la misère avec l'idée qu'il y en a qu'eux autres, ils savent à quoi ils ont affaire. Ils savent à quoi on a affaire. C'est tellement tout le temps, c'est tellement insidieux, puis c'est tellement intelligent, puis c'est tellement habile. Si au moins c'était vraiment honnête, il y a des fois je sens de malhonnêteté, je trouve ça malhonnête. Ça veut pas se dévoiler, ça veut pas répondre, ça veut pas être. C'est là que je ressens une grande, grande colère, puis une haine même. Puis on dirait de toute façon que cette haine-là, ça amplifie le contact avec. Ouais, mais c'est ça qui est Fait particulier. Ouais. qu'au fond, moi, bien sincèrement, là, je ne suis pas un initié plus qu'un autre. Tandis qu'autant tant qu'à moi, je n'ai jamais. Puis j'en sais pas plus que vous autres. Puis moi, bien sincèrement, je ne sais pas à quoi on a affaire. Puis je suis sûr de rien. La seule affaire, c'est que je trouve ça malhonnête, ceux qui, eux autres, ils viennent dire on a affaire à telle affaire, puis non, vous ne me ferez pas croire ça. J'y crois pas, je peux pas. Puis je veux pas, puis je peux pas. Puis de toute façon, même si je voulais, je pourrais pas. Mais en tout Parce cas, que. en lien avec tes propos, c'est sûr que c'est intéressant pour les gens qui écoutent de voir toute la franchise que tu as dans ta démarche personnelle. Ben, tu sais, c'est comme je me fais dire, oh, t'as telle programmation, puis là, tu vas réussir dans tel domaine, puis finalement, bon, ben, tu vas te séparer, puis tu vas te rendre. Puis là, il va arriver telle affaire, puis penses-tu vraiment que je crée pas, je peux pas. Genre, peut-être ma programmation, c'est d'aller. Je sais-tu, moi. Tu sais, je peux pas me permettre de. La Ouais. seule chose dont je suis sûr, c'est que quand on me prédit quelque chose parce que. Ça sera pas ça. C'est sûr, ça sera pas ça. Il peut y avoir un clin d'œil qui va faire que. Mais il y a tout le temps, il y a tout le temps une pogne. Ça, c'est la seule affaire que il y a tout le temps une pogne. En tout cas, pas tout le temps. Quand je suis sûr qu'il y en a une, des fois, il n'y en a pas. Tu sais, ça a tout le temps un coup d'avance sur nous autres. C'est fatigant. Puis, j'ai plus envie de. J'ai pas envie d'en faire une game publique. J'ai pas envie d'en faire non plus. Comment je pourrais dire ça, là? Un combat ou une passion. C'est la passion d'un tel, puis là, non. Bon, ça sera pas. Puis. Ben non, je pense que j'ai pas mal tout. Je me souviens même plus les. Souvent, je répondais, je me souviens même plus des questions. Non, non, mais on a fait pas mal le tour. En fait, c'est sûr que l'essentiel par rapport au livre qui vient de sortir en lien avec les transcriptions de nos entretiens, c'est que les gens n'en fassent pas une secte en lien avec le supramental ou une religion. Ben de toute façon, il pourrait pas. Je veux dire, combien de fois là-dedans je dis, tu sais, je suis pas là, tu parles contre les sexes, je vois pas comment tu pourrais prendre ce que je dis. Non, non, mais Je dis de pas faire de sexe. Si quelqu'un prend ça puis il fait une secte de nous autres, on ferait pas de secte. Ça va être bien spécial. Non, je sais, mais je le mentionne pareil Ben oui. pour que ça soit clair, là. Tu sais, ça peut pas être plus clair que ça, l'esprit de notre démarche, qu'elle est pas sectaire. Ben, si se formait une secte autour de moi, la première chose que je ferais, c'est dénoncer ça. Fait que. Mais non, c'est sûr que c'est pas sectaire. Ça peut pas être moins sectaire que ça. J'ai rien de fixe, je veux dire, il n'y a pas rien pour faire une. Tu peux pas faire une idéologie ou une doctrine avec ce qui est dit. Parce que vraiment, sincèrement, je le sais qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas c'est quoi. Fait que je ne vais pas commencer à me prendre pour le messager de ça. Je ne sais pas c'est quoi. J'ai affaire à quelque chose, je constate qu'il y a quelque chose, je sais qu'il y a quelque chose, je vois qu'il y a quelque chose. La nature réelle de ça, je la connais pas. Puis ça va pas se dévoiler tout seul. Ouais. Tu sais, c'est comme si je disais, ben, si vous voulez faire une secte avec mon affaire, c'est pas compliqué, vous faites rien. Vous restez de votre bord, faites vos affaires, puis vous vous arrangez. Si c'est ça, la secte, ben, ça sera pas dangereux. C'est une forme d'individualisme puis d'observation égoïque. C'est une forme pas d'égoïsme, mais d'égotisme. Moi, je vois ça de même, puis ça existait avant moi. Ça s'appelle le gros bon sens. Tu sais, je veux pas. Même là, comment qu'on préviendra, on veut pas faire une secte, puis tout. Franchement, là, toi puis moi, là, faut-tu être cave penser que toi puis moi, on va faire une secte? Oui, Tu je sais, le je veux sais, dire. mais c'est parce que dans le fond, parce que je pensais à quelqu'un récemment là, qui disait que bon, il y avait des sectes supramentales, puis tout ça, Oui, puis c'est vrai. tu sais, mais en réalité, il y a tout le temps du monde qui vont capoter ou exagérer sur n'importe Ben oui. quoi, là, tu sais. Mais y a-t-il des sectes supramentales? Oui. Ben oui, il y en a. C'est sûr qu'il y en a. Il y a des. T'as des sectes de toutes. Ouais, exactement, tu C'est dans sais. tous les types de philosophie ou de religion ou de. T'as des sectes qui sont dans le spiritisme. T'as des sectes qui sont plus dans le. Tu sais, chacun. C'est normal qu'il y en ait dans le supramental. Tu peux pas faire qu'il y en ait pas. C'est comme si tu me disais, il y a des types de philosophie ou de spiritualité qui n'ont aucune possibilité de développement sectaire. C'est impossible. Il y en a tout le temps. Fait que l'affaire, là, de dénoncer, bon, les sectes dans le supramental, puis tout, ben, regarde, ça revient au même qu'il reste. C'est comme le christianisme, ou je sais-tu, moi, même, il y a même des philosophies que c'est sectaire. Des idéologies. Puis là, est-ce que c'est la faute du supramental parce que le supramental est malsain? Non. C'est parce que le milieu est constitué d'humains. Du monde. Il me fait souvent répondre ça. T'es pas du monde. Puis là, j'ai en maudit, puis ça me répond, arrête donc de te choquer, on te complimente. T'es pas du monde. Puis souvent, je vais dire, c'est ça le problème, eux autres, qui étaient l'affaire, t'es le gang, ils vont dire, ben oui, mais c'est du monde. Quand t'es chanceux, toi, t'es pas du monde. Puis c'est souvent de même. Ça a un humour semblable au mien. Fait que ça va me faire des jokes de même. Des fois, j'étais dans mon bureau, je pars à rire tout seul. Des fois, je me dis, les autres en maison doivent se demander ce qui se passe. Mais il reste, des fois, c'est tellement comique, là. Au fond, si jamais un jour je canalise pour faire de quoi, ce sera pas une secte, ça va être un one-man show. Faire un show d'humour parce que c'est bien plus drôle qu'autre chose, des fois ce que ça sort. Mais l'affaire de dénoncer les sectes, moi j'ai pas de problème avec ça. L'affaire c'est que c'est pas parce que dans le supramental il y a des regroupements sectaires, qu'il y a des dérives ou qu'il y a du, tu sais, qu'il y a toutes sortes de monde que ça veut dire que le supramental c'est bon. Non, il Ça faut pas mettre tout serait. dans le même panier, Ben, là, c'est c'est ça. ça. Parce qu'il y a une différence entre le phénomène, le supramental, le phénomène individuel et puis le phénomène social. Puis un engendre l'autre. C'est-à-dire, c'est pas le phénomène social qui engendre le phénomène individuel, c'est le phénomène individuel qui engendre le phénomène social. Puis de pas penser que, justement, ben, que ça marche à l'envers de ça, mais tout est tout le temps inversé, tout le temps. Si Bernard il a créé quelque chose de social autour de lui, c'est parce qu'il a vécu le phénomène individuel. C'est pas, il y avait un phénomène social, puis là, tout d'un coup, ceux qui ont été là-dedans, ils ont développé le phénomène individuel, ça marche pas à l'envers. Mais il y en a que c'est le même. J'ai jamais été dans ces affaires-là. J'ai juste vécu des expériences dans mon enfance puis mon adolescence. Puis maintenant, il y a quelqu'un qui me dit ce livre-là, tu devrais le lire. Je l'ai lu, puis j'ai vu plein d'affaires que j'avais vécues. J'ai vu des. C'était clair, puis des affaires que je savais, puis que je pensais que j'étais un peu sauté de penser ça. Puis il y avait un bonhomme qui disait c'est ça. Ils voyaient exactement la même chose, puis j'avais jamais vu ça. Puis là, j'étais confirmé dans Ouais, tu fais référence à certaines la Genèse du affaires. réel de Bernard de Montréal. Ouais. Puis tout, hein, quand je me suis mis à lire pas à lire, mais à écouter ces conférences. Fait que, finalement, j'ai vécu le phénomène avant de voir le social. Puis quand j'étais arrivé dans les aspects sociaux de ça, j'étais bien plus souvent déçu qu'autrement parce qu'il y avait toutes sortes d'affaires qui se passaient. Puis là, j'ai vu que c'était un milieu où que il y a beaucoup de monde qui ont des problèmes. Tu sais, je veux dire, c'est normal aussi, quand tu as des problèmes, ben là, tu tombes en recherche, puis c'est sûr que, bon, ça peut attirer du monde, tu sais, des fois, qui ont des difficultés, puis il y en a beaucoup, puis des fois, je trouvais que le pourcentage était anormalement grand, là. C'est un milieu où je trouve qu'il y a plus de troubles, certains troubles. Tu sais, je parle avec un milieu moyen, là. Fait que c'est sûr, si tu parles de conscience, tu vas attirer du monde, que c'est là qu'ils ont une recherche. Fait que c'est normal de tomber. Bon, il y a du monde qui ont des problèmes pis tout. Ça fait pas du supramental, une affaire malsaine. C'est pas parce que c'est comme si je mets du miel à terre puis que ça attire les mouches. Ça veut pas dire que le miel, c'est pas bon. C'est parce que ça attire les mouches. Puis je dis pas ça méprisamment, là. C'est juste parce que, bon, il y a toutes sortes de. Puis aussi, surtout, ça s'est développé autour d'un grand centre qui est Montréal, Québec, puis. Tu sais, c'est certain que, bon, plus qu'il y a de monde dans quelque chose, ben plus t'as d'affaires. Plus qu'il y a de chances d'avoir des. Puis là, le taux de suicide est pas mal élevé, je trouve, dans ce milieu-là. Mais ça et tout, c'est à prévoir, puis il y a des mécaniques qui sont pas nécessairement liées au fait que. En tout cas, tu sais, je ne veux pas non plus que le monde y pense que c'est. Il n'y a rien que du mauvais là-dedans, parce que c'est pas vrai. Ben comme moi-même, j'ai côtoyé, je me suis intéressé à toutes sortes d'affaires, puis même des fois, des affaires, je trouvais que ça avait pas d'allure, puis pourtant, je finissais par trouver du monde qui avait de l'allure, je finissais par avoir de quoi d'intéressant. C'est un petit peu comme, il y avait une gang là, dans l'autre ville où j'étais, qu'eux autres, ils se réunissaient une fois par 2 semaines, puis ils parlent de, eux autres, ils font des travaux liés à, des pratiques, là. Puis après, ils vont chacun de leur bord, ils expérimentent ça, puis après, ils reviennent, puis ils se rencontrent, puis tout. Puis j'étais allé là-dedans, puis je trouvais que c'était une gang de capotés, puis je trouvais que ça n'avait pas d'allure. Puis finalement, je voyais que c'était du bon monde quand même. Puis j'ai vu quand même connu du monde, j'ai quand même appris des affaires, mais il reste que j'espère que j'ai vu ça, j'y retournerai pas. Mais ça veut pas dire que. Ça va servir un temps pour certaines personnes, puis après ils vont partir. C'est pas grave. Mais il y a un phénomène, par exemple, qu'on pourrait se demander s'il n'y a pas de quoi d'un peu lié à ça. C'est comme quand Bernard dit, quand vous aurez compris, vous ne viendrez plus aux conférences. Puis bien sincèrement, je me demande si ceux qui ont le plus intégré, c'est ceux qu'on connaît pas qui sont partis. J'en ai déjà parlé de ça. Puis je me demande si on reste pas avec ceux qui restent. T'sais, sans vouloir être. Il y a peut-être un phénomène dans même aussi. C'est-à-dire que ceux qui tournent autour de ça encore, c'est parce qu'ils ont encore besoin. C'est correct, là, ça fait pas que. Mais moi, à un moment donné, l'aspect social, plutôt, ça m'intéresse pas. Puis je ressens le besoin. C'est sûr qu'à un moment donné, je vais plus ressentir le besoin d'être en retrait puis vivre mes affaires de mon bord. Je peux pas passer toute ma vie dans des affaires de moi. Ou relié à ça. Non, non, ben, je comprends. On va conclure parce que ça fait quand même Oui, au-dessus de ben j'ai 3 heures plus de de batterie. discussion. Oui, c'est ça, exactement. Donc, en terminant, ben, c'est sûr que je remercie encore une fois, là, une dernière fois, là, c'est vrai, ici au Perrin, pour les transcriptions de l'entretien qui ont donné naissance à un livre. Donc, de transcription Ben. d'entrevue que j'ai faite avec toi, Berthold. Puis j'espère, bon, ben, ce qu'on a fait là comme enregistrement, que quand même que ça vaut quand même faire plaisir. Je l'espère. J'ai tout à l'impression que je vais décevoir. Ben, on verra. Exact. Fait que, écoute, je te souhaite une belle fin de journée. Ah, ben, Puis, toi aussi. je te dis à bientôt. Ben, plus tard. Bye. Ben.